Radio Libre, 21h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Eh bien, Abdoulaye, bienvenue sur Skyrock, c'est parti, 21h, bonjour à vous, bonsoir l'équipe. Bonsoir, salut. Une grosse soirée qui démarre tout de suite avec Jules qui arrive tout à l'heure dans l'émission, elle enregistre un truc en prod. Petite surprise qu'on vous passera bientôt sur Skyrock. Et il sera avec nous juste après, donc il débarque à n'importe quel moment. Ça permet de nous préparer à Romano, puisque je vois que tu es arrivé avec des sacs. Et bonjour, ça c'est le bonjour et le merci de Jules. Chris O'Mike, mec. Jules, si vous voulez lui parler, si vous avez des trucs à dire, profitez-en, c'est au 41-759 sur l'appli Skyrock et au 01-53-40-30-20. Ça c'est pour débarquer dans l'émission à n'importe quel moment. Vous pouvez nous laisser vos messages. Bonjour à ceux qui sont déjà là. Bonjour à Meshi With Me. Bonjour Meshi With Me. Merci. Et merci à les messages. Bonjour à Ederson. Le mec ne s'arrête plus, ça y est quoi. Tu fais bien, Romano. Non, mais je suis entraîné à la voiture en fait. Bonjour à L'Oréal de Madrid. Normal. Il y a Baby Chou, il y a Monsieur Titanium. Il y a Kodakri qui est là. Bonjour à Célichou après. Baby Chou, Célichou qui est là. Eh ben Célichou, t'inquiète. On est là jusqu'à minuit nous aussi. On va pouvoir passer la soirée ensemble si vous avez un truc à nous dire. Si vous voulez parler dans l'émission, si vous voulez parler à Jules, si vous voulez faire les cons, si vous avez besoin de la Sky Solidarité, si y a un truc qui va pas et que vous voulez qu'on en parle ensemble, tout est possible. C'est la plus grande radio libre de France qui ouvre ses portes maintenant. Les magnifiques portes de cette radio libre. Ouais. Qu'est-ce que t'as prévu donc, Romano, pour ce soir? Parce que moi je suis pas au courant de tout. Faudrait m'informer un peu. Parce qu'il paraît que je vais participer à un truc. Et j'ai. Je vais falloir que tu te déguises. Pardon. On va te travelloter, du foule. Tu veux que tu me déguises en quoi? Tu veux que je fasse la mèche de Joe? T'as le choix, soit en Chiquita, soit. En Chiquita. C'est cool le choix. Tu veux que je me déguise en Chiquita? Ou en OVNI. Ou en OVNI. Mais je vais peut-être. Voilà, je préférerais que tu te déguises en Chiquita. Je vais plus me mettre. Très bien, merci. Je vais prendre l'OVNI. Je vais plus prendre l'OVNI. Mais t'as quoi? C'est quoi? Non, mais il y a les costumes. Vas-y, sors. C'est quoi ça? Alors, une surprise pour Jules tout à l'heure. Donc, j'imagine que ce sera filmé, que ce sera sur Facebook Live le truc. S'il y a des costumes ce soir. Ah, attention, il sort ses sacs. En direct, il est content. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est E.T. Oh putain, ouais, complet, ouais. Le masque et tout, quoi. C'est E.T., mais c'est pour moi. T'as la tête? Oh, grave. Ça va pas passer, là, le nez, là. Ouais, le nez, par contre, ouais. Va falloir le soulever un peu, là. Et quand tu veux que je rentre mon nez là-dedans, moi? Non, c'est bon, c'est extensible. Très bien. Donc quand je l'arrive, je mets ça, c'est ça? Eh ben, avant qu'il arrive. Avant qu'il arrive, très bien. Ah, je vais vraiment avoir une gueule de con ce soir. Non, mais puis t'as les mains aussi. Ah, j'ai les mains, très bien. Mais les mains, il n'y a que 4 doigts, non? 1, 2, 3, 4 doigts, oui. Je sais que j'en ai essayé avec Romano. C'est un peu comme Pamela. Non, Pamela, elle a 3 doigts, là. C'est les mains de. E.T. n'a 4 doigts, le con. Ah, bah, il a beau être extraterrestre. Ah, bah ouais, si, ouais. Eh oui. Très bien. Donc, j'imagine que tu fais ça rapport à l'OVNI, Romano. On m'appelle l'OVNI. Non, mais j'en aurai un aussi. Hein. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Je cours après le temps, je suis loin de tout. Et ça, c'est le tien, ça. Ouais, je suis crevé là-dedans. Ah, ouais, tu vas galérer. Ouais. Ah, tu vas être beau gosse, Romano. Fais voir la tête que t'as. Magnifique. Magnifique, mais dis donc, les extraterrestres ont débarqué sur Skyrock. Ça fait à moitié flipper ton truc quand même. Ouais, bonjour, tu nous vois, Romano? Qu'est-ce que t'as? Attends, ouais, mais il faut pas poster de photos encore maintenant, parce que c'est une surprise. Ah oui, c'est une surprise pour Jules, c'est juste pour vous qui nous écoutez. Hein. Ah oui. Juste pour vous, vous ne dites rien, on ne dit rien à Jules. Tout à l'heure, il débarque dans l'émission. Et moi, je vais avoir l'air d'un con. Toi aussi, Romano, d'ailleurs. Hein. C'est ça le grand spectacle de la soirée. Ah non, mais après, il y a des effets spéciaux qu'on a prévus. Pas. Bon, bah, Jules, avec nous et avec vous ce soir sur Skyrock en direct dans la radio libre. Il débarque, je vous dis, il enregistre un truc en prod ici à Sky. Donc, il est là. Et dès qu'il a fini son truc en prod, il débarque dans l'émission. C'est bien, ça nous laisse le temps de nous préparer. Ça vous laisse le temps de vous préparer. Il me tarde pour les déguisements, nous dit Otine. Oui, moi, moyen depuis que j'ai vu ça. Donc, c'était ça la surprise. C'est pour ça que tu m'avais dit ce matin. Il faut que tu te prépares. Non, mais c'est pas fini, hein. Ah, c'est pas fini. Ah bah non, mais c'est une soirée de folie. Vous savez, la dernière fois que Julie était venue, on avait fait du scout avec lui. Ouais. J'avais risqué ma vie. Ah ouais, ouais, dans cascades, la rue, ouais. Des cascades ensemble, c'est magnifique. Ah bah t'as failli te casser la gueule, surtout. Ah bah je s'en souviens encore. Aujourd'hui, on va faire encore plus fort, puisque a priori, c'est ambiance OVNI ce soir sur Skyrock. Putain, et Romano, c'est la gueule du truc. Mais Romano, tu es majestueux, on dirait un gourou. Oh la gueule. Mais t'es déjà en train de te costumer, magnifique. Bon, eh ben écoute. Oh le con. Tu sais que tu es beaucoup plus jolie que d'habitude comme ça. Et les filles, quand vous le verrez tout à l'heure, je pense que vous allez craquer. Vous allez Ça c'est certain. Proie de votre vie. Très très sexy. La tête, faut la rentrer dans le cou. Avec des doigts aussi longs en plus, ça fait. Tomber amoureuse d'un extraterrestre. Oh putain, ouais, ça pue le truc. Je l'ai essayé avant. Quoi, tu l'as pas chié dans le masque? Non, je l'ai mis, c'est tout. J'ai mis le masque, pourquoi? Ah non, mais je te jure, ça pue là-dedans, mais bon. Ça a germé quoi. Bon bah écoute, bon courage, Romano, j'ai pas essayé. le mien, j'essaierai tout à l'heure là. D'ici là, bon, on va s'occuper de vous en direct au 01 53 40 30 20. Comme je vous le disais, dès que vous avez un truc à dire, vous nous passez un coup de fil, vous réagissez à l'émission, faites écho avec nous. Et puis du foot à suivre ce soir. Lyon contre Séville. Match important, les Lyonnais doivent gagner 2-0. Et pour l'instant, eh ben, il y a 0-0. Il y a 0-0. 0-0, ouais. 0-0 entre Lyon et Séville, car c'est une grande soirée footballistique, bien sûr. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Et oui, premier sur le foot. Et Monaco à Leverkusen, 0-0 aussi. Et 0-0. Donc ils ont attendu qu'on arrive pour marquer des buts. Pour ou pour en prendre. Très bien. On verra. Ou pour en prendre. Il y a Playmate qui nous envoie un message. On l'a eu hier soir en toute fin d'émission. C'est une fan de chez fan de Jules. On peut lui passer un petit coup de fil tout de suite parce qu'elle nous dit vous allez pas m'oublier, vous avez promis, j'étais avec Difool hier. Allez-y. Bah, écoute, on va te rappeler. Bah, on va te rappeler tout de suite. Bah, évidemment qu'on va te rappeler. Et on avait promis. Chose due. Quand Skyrock fait une promesse, hein, vous savez comment ça marche. Skyrock la tient. Toujours. Oui, toujours. Bon, alors, avant de retrouver Anissa, avant de vous retrouver en direct, eh bien. Petit message au gars qui vient de m'appeler au standard. Difool, en cognant sur la table, sans faire exprès, tu as fait sauter mon standard qui a raccroché l'auditeur qui avait le téléphone. Le matériel, plus c'est technologique, plus c'est fragile. Et j'étais en train de te demander ton prénom, donc je sais que tu habites à Romainville, que tu as 21 ans, que tu n'es jamais passé à Skyrock, c'est ce que tu m'as dit. Et que c'est la première fois. Voilà, si tu te reconnais, rappelle-moi, je décroche. Voilà, 01 53 43. Laisse un SMS et on le récupère. Ouais, voilà, c'est peut-être plus simple. Oui, si le standard est occupé, n'hésite pas à nous laisser. Sinon, ça va couper. Et vous faites pareil aussi, au 41-759 et sur l'appli Skyrock, vous pouvez nous envoyer tous vos messages. L'appli Skyrock, c'est gratuit. Et le 41-759, eh ben, ça peut vous permettre de nous joindre tout au long de la soirée. Profitez bien. Bon, alors, oui, je vous disais, grosse soirée qui arrive. Les familles du double appel dans quelques secondes, puisque je vois qu'elles sont déjà prêtes sur le standard. Vas-y, hein. On va pouvoir y aller tout de suite. Plus le clash de la drague tout à l'heure. Je sais pas quelle heure on le fera. Tout dépend de Jules qui arrive avec nous. Et bah, sinon, on peut le faire tôt. Hein, moi, je suis prêt à le piner tôt. Hein. Ouais, mais la dernière fois que je l'ai fait tôt, Romano, ça vous a déstabilisé. Mais. Oh, bah, moi, j'ai aucune stabilisation. Hein. Très bien. Tu parles déjà comme un extraterrestre. C'est pour l'arrivée de Jules. J'ai eu un petit problème de diction. Oui, j'ai bien vu. Et Anissa, tiens, Anissa, tu vois qu'on tient nos promesses. On avait promis de te rappeler ce soir. Allô, Anissa. Anissa, tu as roté. Ah, j'ai cru que tu avais roté, Anissa. Je me suis dit, elle a chopé. Oui, c'est vrai, ça faisait bizarre. Pas de chance, donc. Anissa, bah bienvenue à toi. Donc, tu étais avec nous hier soir en toute fin d'émission et on t'a fait une promesse, Anissa. Oui, attendez, de quoi j'ai rien entendu? Je t'ai dit que hier soir on t'a fait une promesse. Tu te rappelles, tu nous as eu hier en ligne. Bah oui, je me rappelle, j'y ai passé toute la journée. J'imagine, parce que Anissa, c'est la fan ultime de Jules. C'est le grand soir, Anissa. Le grand soir pour toi, Anissa. Ouh là là, comme j'ai tu dis. J'ai déclaré ma flamme. Alors attention, ça va être chaud, ça aussi c'est une des surprises pour Jules, parce qu'on a plusieurs surprises ce soir. Elle s'y attendait peut-être pas, ça. Et ouais. Chiquita. Anissa, cheveux longs comme Anissa, c'est mignon, dis donc. Anissa, Anissa, Kita. Si elle suce pas, je la baisse pas. C'est un remix qu'on a fait entre nous. Non, c'est un remix vulgaire parce qu'on adore la vulgarité, c'est tellement super. Anissa, donc. C'est la classe. On t'a fait la promesse. Non, mais vous pouvez chanter ça à vos copines si vous voulez, les ouais, gars. C'est vous ça, ça, ça fait un effet bœuf. Ah, bah oui, ça j'imagine. Anissa, lui tape dans la boîte à caca. Si tu t'aurais pu préparer un remix, Renaud. Ouais, peut-être. C'est vrai, bah, pour le prochain. Vous foutez la honte, non, Anissa. Non, pas du tout. Bon, tout à l'heure, prépare-toi parce qu'on te mettra en contact avec Jules. Donc, charge ouais, bien mais le téléphone. Tu peux draguer ou pas un petit bah, tu peu, peux faire ce que tu veux, tu sais. C'est radio libre ici. Tu sais comment ça marche, Anissa. Ouais, je sais. Et ouais. Bah, prépare peut-être une petite déclaration d'amour et tout. T'as déjà préparé ce que t'allais lui dire et tout. Bah oui. Ah, c'est parfait. Bon. Il en a de la chance, Jules, hein, quand même. Anissa, ouais. Eh bien, on te garde avec nous. Et puis tout à l'heure, c'est promis, tu seras en direct avec Jules sur Sky et vous aussi. Bah, dès qu'il arrive, là, il enregistre un truc. Il en a pour une petite demi-heure, une petite heure maximum. Et juste après, il débarque là dans la radio libre avec nous. Ok, merci, Difool, je vous kiffe. Le temps d'attente est terminé. Depuis hier, elle dort plus, vous imaginez quand même. Anissa. Elle a donf, Anissa. Anissa, on arrive. J'ai galéré à m'endormir. Eh ouais, je sais, c'est l'excitation. Hein. Eh ouais. Mais c'est pour aujourd'hui, c'est pour ce soir. À tout de suite, Anissa. Oui, à tout de suite. Elle est de retour. Elle charge bien la batterie. Ça serait con qu'au moment où on veut que je prenne, t'en es plus. Quoi. C'est que c'est déjà arrivé. Ouais. Ah ouais, non mais. Ou alors, il n'y a plus de réseau. T'imagines les boules. Je deviens folle. On te garde, Anissa. Ne t'inquiète pas. Oui. Reste là. Okay. Ne bouge pas. Bon, dites-nous bien si vous êtes fan, vous aussi. Alors, fan de Jules, évidemment, puisqu'il passe ce soir. Mais si vous êtes fan aussi d'un artiste qui vous mettrait dans tous vos états. Romano, toi, je crois que c'est Steve Jobs. Ouais, mais il est mort. Tu vas avoir du mal à le rencontrer là, ouais. Eh bien, je te proposerai peut-être une rencontre, puisque tu es extraterrestre, peut-être que des pouvoirs. Ah, tu peux aller dans le ouais, ouais, non, mais. Non, c'est qui là gogo, La vraie star que t'aimerais rencontrer, qui t'émeuvrait de partout. Tu serais tout ému, tu serais tout content. Dites-nous, tiens, vous aussi, pour histoire de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, moi, je suis peut-être bizarre, mais j'ai personne, quoi. Personne. Ah, ouais. Tu sais, c'est l'été blasé, en fait. On a rencontré tellement dans l'émission, tellement à Sky, tellement dans Planet Rap. Ouais, ouais, mais oui, j'ai déjà rencontré à peu près tous ceux que je voulais voir, en tout cas en artiste musical. Et puis j'ai rappé avec eux. Donc ouais, et puis en plus t'es au contact de Cédric tous les soirs, donc tu te rends plus compte de la chance que tu as. Bah ouais, attends. Quoi, mais on parlait de star là. Bah oui, mais regarde, la star du, la star de Belgique. La star du 9-3, ma gueule. C'est qui? Le star system a pris dans la gueule quand même. Il a pris dans la gueule. Ah, votre ah ouais, putain, merde. Votre star préféré. Tu n'aimes que Jul, toi, Anissa. C'est Jul et c'est tout. Hein, pour rien la gueule. Pour toi, Anissa, oui, j'ai entendu. Oui. Anissa. Ah bah l'entends plus. Anissa. Allô. Ah oui, t'es là. Ah. Oui, Gire, tu n'aimes que Jul, toi. T'as aucune star qui te fait cet effet. Ah non. C'est Jul et c'est tout. Bon bah vous nous dites. Et d'ailleurs j'ai reçu plein de messages là, mais toi tu te fous de ma gueule hein, la boîte. Continuez. Ah là, la chanson qu'on a chantée qui était magnifique. Oui. Oh bah attends, t'imagines, on t'a fait une chanson juste pour toi, c'est la classe. Eh, c'est le remix. En plus sur Jul en plus, hein, le remix de Chiquita est pas mal. Hein. Bon. C'est pas n'importe quoi. Bon, bouge pas, Anissa, on te reprend. À tout de suite, Anissa. Okay. En direct avec nous. Bon, allez, on démarre cette grande soirée. Vous toutes de toute la France, vous nous passez un coup de fil. Bon, allô, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est vrai, je teste les effets spéciaux. Très bien. Donc on sera vraiment dans l'OVNI ce soir. Hein. Ah ben là, la soucoupe arrive. C'est bien, bien. On m'appelle l'OVNI. On dit pas soucoupe, on dit succupe. Oui. Je suis dans on m'appelle l'OVNI. Je suis dans on m'appelle l'OVNI. Et son album qui est sorti vendredi, qui était découvert dans Planète Rap et qui débarque ce soir en direct dans la radio libre avec nous. Bon, j'avais promis qu'on fera un double appel tôt parce qu'hier on en a pas fait, on va le faire là maintenant tout de suite, c'est parti. Allez, écoutez deux secondes. Je vous jure qu'on n'appelle pas. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Là, c'est un mensonge gavé, hein. Bah, c'est vous qui me gavez, c'est vous qui m'appelez. Le double appel de Default sur Skyrock. Oh, il y a des chevaux, là. Ah, ouais, tout peut arriver dans le double appel. Des chevaux, des familles. Patrick également, qui doit être dans le coin, qu'on va saluer ce soir. Patrick et ses copains, les pervers, hein, y en a d'autres. Hein. Oui, bonjour Patrick. Absolument, oui. Absolument, tu es là. Absolument, oui. Très bien, tu es prêt? Bien sûr, oui. Bien sûr, toujours prêt pour parler aux familles de France. Donc, ce soir, c'est parti. Absolument, ouais. On prend les numéros que vous nous avez laissés hier, parce qu'on n'a pas fait hier, on n'a pas eu le temps. On prend les numéros que vous nous avez laissés hier, les numéros que vous avez laissés depuis le début de l'émission. D'ailleurs, même, je n'ai même pas annoncé qu'il y a déjà des numéros qui arrivent. Si vous voulez qu'on appelle quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez bien. Sans problème. Et si vous voulez le mettre en avant à Skyrock, comme ça, dans la radio libre le soir. Tout est possible. Vous nous laissez les numéros sur le 41759 et sur l'appli Skyrock et également sur le skyrock.fm. Et nous, on exauce vos vœux, on met en contact le numéro que vous avez laissé avec qui vous voulez. C'est comme ça que ça marche. C'est le double appel. Et est-ce qu'on est prêt, Samy, chez qui on va aller? Alors, on va commencer par le 25, tiens. Oui. Et puis après le 36, et puis le 61, puis le 07. Le 25. Bon, écoute, vas-y, balance du monde. Ouais. C'est parti, c'est pour démarrer. Pascal et Thierry pour commencer. Cette soirée, c'est parti, c'est Pascal et Thierry. Allez, attention. Pascal et Thierry. On y va chez Pascal et Thierry. Ouais. Alors, ça sonne. Ah. Allô? Allô? Allô? Oui. Oui, comment vas-tu? Allô? Allô? Oui? Bonjour. Oui, comment vas-tu? Moi, je suis Patrick. Hein. Bonjour, Patrick. Ça va, Patrick? Le téléphone de Thierry et Sabine. Oui, le téléphone de Thierry et Sabine et Patrick. Absolument, oui. Absolument, oui. Voilà. Voilà, ah, c'est plus personne. Ouais, ah bah, ils sont partis. Ils sont partis. Cédric, tu peux intervenir également. Salut les filles. Oui, oui. Kikou les boys and girls. Oui, bonjour les oulala, ça fait du monde. Hein. Oui, attendez, doucement les amis là. Les filles, les boys and girls. Jean-Louis et Romain. Là, je suis à poil là. Écoute, ça tombe bien, t'es prêt. Parfait. Prêt à accueillir les familles. Allô? Oui. Oui, comment vas-tu? Qui c'est? Bah devine. Allô? Allô? Moi je suis Patrick. Hein. Ah c'est Pat, tu vas bien? Ouais, je suis à poil là. Ah bah c'est cool. De trois doigts dans le cul. Ah bah, c'est ton plaisir. Hein. Mets le bras carrément. Hein. Ouais, absolument, oui. Ouais, si t'arrives à mettre le bras, remonte jusqu'aux amygdales et puis comme ça tu te caresseras la gorge en même temps. Ouais. C'est excellent là. Mmh. Bah, faut que tu viennes me masser, mais pas simplement ça, hein. Ah ouais, ouais. Surtout si elle commence à bien te frotter et puis à bien te sucer et tout. Putain, tu es sûr qu'en plus t'as pas de branlé? Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Ça t'excite un peu ou... Saucisson de cheval. Je te prends le saucisson de cheval et je te l'enfile, là. Tu dois pas avoir beaucoup des gonzesses. Avec une voix de merde comme ça, des gonzesses, ça fait peut-être un moment que t'en as pas tiré. Je suis en train de m'assurer, là. Ouais, continue, je veux t'entendre gicler, par contre. Hein. Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu, non? Ouais, bah bien sûr, vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. T'es en train de te faire baiser ou pas? Ah bah bien sûr, hein, tu crois que j'ai que ça à foutre? Ouais, moi, je suis en train de te baiser complètement. Je suis en train de te baiser comme il faut, là. Ah ouais, vas-y, vas-y. Par contre, tu mets une capote derrière. Non. Écoute, tu le suces bien. T'as mis un petit peu de doigt dans la chatte, là? Allô? Allô? Allô? Elle bave, là. Bah, c'est bien, là. Elle bave. Vas-y, parle, parce qu'elle est en train, là, elle est en train de baver à fond, là. Ah, il dégoûte, quand même. Allô, qui, Patrick? Ouais, un peu. Il dégoûte, oui. Mais c'est quoi qui bave? Ah, sa chatte, là. Ah non, c'est sa bite qui bave. Bah oui, oui, il y a tout qui bave, là. Très bien. Il est parti, le monsieur? Ouais. Oh, bah, il y a une discussion sympa, quand même. Eh bien, écoute, c'était bien. Bon, c'était pas un double appel, c'était un appel Patrick contre les familles. Ouais. Mais t'es très sympa, le mec. Oui, sympa comme tout. Parfait. Bon, bah, écoutez, ça nous fait plaisir. Vas-y, on va un autre. Allez, hop, c'est parti pour un tour. Envoie les numéros qui sont prêts, là. Balance tout. On se les finit, les numéros qu'on a préparés, allez, c'est parti. Et on file donc on file partout en France. Ouais. Et laissez-nous les numéros, on peut les appeler en live là maintenant. Ah. Oui. Ah. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Mais c'est vous qui m'appelez, madame? Ah bah pas tellement, non, ça a sonné, j'ai répondu, c'est marqué privé, alors je... Moi ça a sonné, ça s'est affiché indisponible, mais j'ai appelé personne, donc je sais pas ce qu'il y a, mais bah, je sais pas. Bah écoutez, je sais pas, désolée, hein, c'est pas grave. Allô? Ah, allô? Putain, j'ai loupé Patrick. Ah, merde. Je viens de récupérer le allô de Patrick. Allô? Allô, très bien. Vas-y, refais le numéro des dames, et dans un instant, on retrouvera Sacha en direct avec nous, et devinez d'où il appelle, Sacha. Sacha Mon? Non, Sacha. De Marseille. Oh, Sacha. Et Sacha, oui, Sacha Mon. Soirée de Jules qui arrive tout à l'heure. Il est de Sacha Mon, hein. Jules débarque et Sacha, t'es bien de Saint-Étienne. Sacha de Saint-Étienne. De Saint-Étienne ou de Marseille? De Marseille, pardon, ah excuse-moi. Ouais. Ouais. Complètement perdu, là. Qui est... Le mec, en l'espace de 10 secondes, à voyager. C'est ma ville, Romano. Sacha Mon, Saint-Étienne, Marseille. Sacha de Marseille qu'on va retrouver en direct avec peut-être nous. Peut-être en direct de Lille, du coup. Et oui, car avec Skyrock, écoute, on ne sait pas. Tout est possible avec les ovnis, tout ça, tout est possible, vous le savez, hein, bien sûr. T'es bien à Marseille, hein, Sacha, on s'est pas trompé. Non, c'est ça. C'est ça. Ouais, Sacha. C'est ça. Ouais, merci. Sacha. Tiens, on parlait des fans tout à l'heure. Toi, t'es fan. Alors, pas d'un artiste, pas de. Enfin, si, on peut dire. T'es fan de quelqu'un. Mais t'es surtout fan d'un sport, toi. On va découvrir ça dans un instant. Tu restes avec nous, Sacha. Bouge-toi. Allez, on retourne chez les familles, là, les deux bonnes femmes. Allez, vas-y, rappelle-les. On rappelle les deux, puis t'en remets d'autres derrière s'il y a besoin. Hein. Alors, c'est reparti, j'espère qu'elles vont répondre les deux là maintenant. Là. Allô? Allez. Allô? Allô? Ah. Allô? Allô? Allô? Oui? Bonjour. Oui, comment vas-tu? Oui. Qui c'est que ce truc là? Vous m'appelez pas, je suppose, comme tout à l'heure. Ah non? Non, non. Eh ben moi non plus. Mon téléphone sonne et ça s'affiche indisponible. Donc je décroche quand même. Quelqu'un a l'air de m'appeler et en fait... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah. Ouais, il y a quelqu'un d'autre sur la ligne. Hein, y a pas mais vous êtes trois, vous êtes oui, on est trois là. Qu'est-ce apparemment, que c'est que ce truc? Apparemment, oui, on est trois. Ouais. Donc il y a quelqu'un qui appelle quelqu'un là, non? Ah, moi, je sais pas. Personne, hein. Non, personne n'a appelé personne? Ah non, moi j'ai appelé personne, on est en train de manger. Ouais, moi non plus, je suis en train de faire les devoirs de ma fille, j'appelle personne. Bon, mais bon, bah, il y a un bug, je sais pas. Je oui, pense. Oui. Allô France Télécom. Ah, il y a encore quelqu'un. Ah, encore quelqu'un. Oui, comment vas-tu? C'est ça. On est quatre au bout du fil et attends, tout le monde croit qu'on s'appelle, mais en fait on appelle personne. Allô ouais, toute la France, à bientôt. Ouh là là. Moi je suis décaloté complètement. Ouh là là, on raccroche et puis on verra ce que ça donne. Ouais, il va te trouver une allô patate. T'es pas un travesti. Eh, mais t'es quoi, toi, là? Moi, je suis décaloté complètement. T'es quoi, toi, du con? Tu veux pas que je te baise? T'es quoi, du con, toi? T'appelles où, là? Tu fais quoi? Bah, je me suis fracturé la clavicule. Je vais te la couper, moi, tu vas voir. Je vais te la couper, tu vas voir, ça va te faire du bien. Bah, je vais faire faire tousser. On va donner le numéro flic. Allez, je le donne. Ça fait du bien à la chatte, hein, ça. Allô? Salut. Non mais du calme. Et ben voilà. Salut les filles. Et bien elles sont tous parties. Bravo. Génial. Et bien écoutez, bravo. Bien joué. Non mais c'est bien parce que ça permet de donner la parole un petit peu à tout le monde. Maintenant vous pouvez la prendre. Vous faites comme Sacha, vous nous appelez, vous faites au 0153 40 30 20, tout ce que vous voulez. Mais comme nous disait, comme nous dit Pichet de Rouge là, c'était un pseudo. Hein. Bonjour le Pichet de Rouge. C'est quoi son expression là? Va te trouver une patate. Va te trouver une patate, c'est une chatte, une patate. En Italie, la patata, c'est la chatte. Donc je pense qu'il a une origine italienne et qu'il a transformé ça en français, Romano. Tu veux d'autres renseignements intellectuels ce soir? Je connaissais pas cette expression. Une patate, c'est une chatte. Va chercher une patate, quoi. Il va te chercher une patate. Bon, bah merci pour ce double appel. Magnifique. Et on y retournera peut-être tout à l'heure. On se fait le 24K Magic de Bruno Mars. On retrouve Sacha. Tu bouges pas, Sacha. T'es avec nous. Ouais. Hein. Tu vas nous parler de ton idole et de ton sport. Le sport, tu kiffes, toi. Bien. Ouais. Si vous avez vous aussi des passions, n'hésitez pas à les partager avec nous. On aime bien parler de vos passions. Et Bruno Mars, tout de suite, c'est avant de retrouver Jules. Il arrive d'ici un petit quart d'heure, une petite demi-heure. Jules oui, avec oui. nous. Et les surprises pour ce soir, pour Jules. Et vous tous en direct jusqu'à minuit sur Sky. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, en direct jusqu'à minuit, c'est Skyrock, c'est Radio Libre. Et c'est au 01 53 40 30 20. Il y a du monde qui veut parler à Jules ce soir. Il arrive dans une demi-heure. Jules. Là, il est en studio de prod. Il enregistre des trucs spécialement pour vous que vous écouterez bientôt sur Sky. Et moi, je suis Lovni. Et Lovni est avec nous également. Bonjour Lovni. Ça, c'est une surprise pour Jules. C'est joli. Vous ne croyez pas aux extraterrestres, mais vous avez tort. Je suis Bon, Jules ne peut pas entendre ce qu'on est en train de faire actuellement parce qu'il est enfermé avec un casque sur la tête et oui, il n'a pas la radio libre dans le casque. C'est, faut quand même, non, vous inquiétez pas. Faut quand même qu'on préserve la surprise pour ce soir. Très bien. C'est l'OVNI, le vrai, il est avec nous ce soir. Je suis là. Oui, oui, c'est bien moi. Et bah ouais, vous l'avez reconnu. Hein, on l'OVNI. M'appelle l'OVNI. Oui. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. La première version de l'OVNI interplanétaire sur Skyrock. C'est On m'appelle l'OVNI. Et à retrouver en direct sur Sky. Qui c'est qui voulait parler à Jules ce soir? Il y a Marwan qui est au téléphone avec nous. Salut Marwan. Ouais Marwan. Salut. Salut Marwan. Salut. T'es lyonnais, t'as 14 ans. Pour l'instant 0-0 entre Lyon et Séville. On suit le match aussi. Yes, et Monaco s'est pris un but 1-0 pour Leverkusen. Aïe aïe aïe. On suit le foot. Et toi tu suis Jules Marwan, c'est ça? Jules. Ah ouais. Tu veux vraiment lui parler toi aussi? Ouais. Hey, c'est la folie hein, parce qu'on a eu Anissa tout à l'heure. Elle voulait lui proposer des trucs pas très catholiques, comme on dit. Toi, Marwan, j'espère que c'est un peu plus catholique, comme on dit. Moi, je l'ai appelé 37 fois. J'ai appelé la radio. Je sais qu'on réponde. T'as appelé 37 fois pour nous joindre pour avoir Jules. Ah, il lâche pas l'affaire, Marwan. Et à la 38e fois, il a réussi à nous avoir. Donc, tout est possible. Hein, allez-y, au 41-759 sur l'appli Skyrock. Là, je vois un message. Est-ce qu'il est possible d'avoir Jules pour mes 18 ans? C'est vendredi. Ah, tu veux ça pour ton anniversaire? Je sais pas si nous aurons. Mais parce qu'on peut pas te l'envoyer. On lui demandera. C'est la puissance qui en a 17 aujourd'hui, qui aura donc 18 vendredi. Donc, on te garde la puissance. J'ai vu ton message. Ça roule. Il y a Nico aussi qui voulait parler à Jules, qui doit être dans le coin. T'es là, Nico? Ouais, je suis là. Eh ben dis donc, t'as de la concurrence, Anissa, hein, parce qu'Anissa, elle attend depuis hier. Anissa, tu seras la première à passer. Ah, mais laisse tomber, il y a une queue. Il y a une queue, mais exactement, ouais, et ça, queue. Ça excite beaucoup Marie. Venez faire la queue. Ah, il y a une grosse queue. Ouais, au 01 53 40 30 20, la queue, et vous tombez sur la Marie juste derrière. elle attend avec impatience. Bah ouais. Et le 41-759 et l'appli Skyrock pour débarquer ici tout au long de la soirée sur Sky. Donc, ouais. Marwan, Anissa et Nico, et vous tous qui nous écoutez, ouais. Il arrive, Jules, sur Skyrock. Et ne quittez pas. Anissa, les liquides, elle va tomber, Anissa, là, d'ici. Ah ouais, c'est possible, ouais. Alors, il y a Marwan, toi, tu voulais demander quoi, Jules? Bah, moi, je voulais demander combien d'albums il allait sortir en tout, enfin, l'année prochaine, là. Ah, tu veux déjà le prochain, toi? Mais écoutez, il y a déjà. Cette année, il en a fait 4. Non, mais c'est vrai que Jules est un gros producteur d'albums. Cette année, 2 albums payants, 2 gratuits. Ouais, et ça, Romano, il préfère les gratuits. Hein. Pour toi, c'est les meilleurs. C'est vrai. C'est vrai, hein. Je sais pas pourquoi, mais tu as toujours préféré. Je sais pas, il y a un truc en plus. Tu as toujours préféré les gratuits. On lui demandera, t'inquiète pas, Marwan. Restez bien avec nous. Et puis, si vous voulez parler à Jules, le 41-759, la piste Skyrock et le 01-53-40-30-20. Préparez-vous pour le clash de la drague qu'on va attaquer d'ici quelques instants. Vas-y, y a pas de problème. Clash avant Jules, si on a le temps. Après Jules, si on n'a pas le temps, on s'occupera de ça d'ici minuit. Il y avait Sacha le Marseillais aussi qui est avec nous. Les Marseillais envahissent Skyrock ce soir. Hein. Ouais. Salut Sacha. Ouais, salut. Sacha. Ça va Sacha? Ouais. Ouais, alors toi t'es fan de qui? Parce qu'on parlait des fans tout à l'heure, parce qu'on a eu Anissa qui est prête à donner sa culotte pour Jul, enfin faire la totale. Hein. Donc ouais. on en reparlera tout à l'heure avec elle. Donc toi tu serais prêt à donner ta culotte à qui, Sacha? Pas ma culotte quand même. Hein. Ton slip. Ton slip. Non, ton boxer. Non. Mon argent. Ton cul. Ton argent. Hein, ton ah ouais. À qui tu pourrais te... À quelle star tu serais prêt à payer pour le voir? Ou la voir? Qui? John Cena. Le catcher. Ah, c'est le catcher ça, ouais. T'es fan, ouais. T'es fan de John Cena? Non mais lui donne pas de sous, il en a assez. Moi je m'attendais à Rihanna, Nicki Minaj, Shy, et toi c'est John Cena. Donc toi t'es fan de catch en fait. Bah c'est la star du catch quand même ce mec là. Ouais. Quoi, une des grosses stars quoi. Et tu l'as déjà vu toi John Cena? Non. Bon, il est pas dans le studio ce soir, hein. Nous non, ce soir on a Jul. Hein. Non. Ça démarre par un J aussi à la limite. Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est déjà pas mal. Ah ouais, John Cena, mais pourquoi t'es fan de catch? Depuis tout le temps tu regardes du catch? Ouais, ça va faire une dizaine d'années, 10-15 ans. 10-15 ans, quand même, quand même. Sacha catcher. Non, mais il y a une fan base pour les catcheurs. Non, mais ouais, il y en a. Moi, les mecs travestis en slip moule-boule, ouais, t'es pas trop mon truc. Ouais, déjà, moi, c'est sur quelle chaîne ça va passer? C'est quoi, NT1? C'est NT1, ouais, que ça passait. Ouais, maintenant c'est sur AB1, je crois. AB1, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais je suis déjà tombé dessus, ça se regarde, c'est marrant à regarder. Hein. T'aimes bien t'as des meufs catcheuses aussi. T'as des gros qui sautent dessus. Ouais, non, mais bon, tu sais que c'est du mytho, mais les mecs, c'est quand même des athlètes. Hein. Ils font du spectacle. Ils font des figures de ouf hein, quand même. Hein. Ouais, surtout quand il y a des femmes, ça c'est intéressant. Ouais, la Ligue des Meufs, moi j'aime bien aussi. Ouais. La Ligue des Meufs. Ouais. Bah, j'ai vu un truc avec des Mexicaines. Cédric, pour lui, c'est comme un film de cul. Hein. Oh, ouais. Tu lui mets une meuf en slip, il y saute dessus. Oh, vas-y. Oh là, j'ai déjà cassé les télés. Oh là, ça va, t'es vous les gonzesses. Bah, je préfère regarder des meufs qui font du catch que des mecs, tu vois. Ok, John Cena pour toi, c'est bien noté. Il y a Johan aussi qui est au téléphone avec nous. Johan de Paris, salut Johan. Yo, yo, yo, l'équipe, ça va ou quoi? Yo, Johan. Salut l'équipe, ça va? Salut à toi, t'as 18 ans et t'es parisien, toi, c'est ça? Ah bien, bah oui. Eh bah oui, moi, bah oui. Je suis prêt à donner tout ce que j'ai juste pour le boule à Nicki Minaj. Le j'en connais plus. Plus son boule. Je connais pas qui s'est prêt à donner. Mais alors, dans ce moment-là, ça s'appelle de la prostitution. Mais elle est déjà venue nous voir. La prochaine fois, il faudrait que je te rappelle. Alors, elle a un bon boule, Johan. Ah bah oui. Ah, sinon, si je peux pas trouver Nicki Minaj, je vais peut-être prendre la Marie. D'accord, donc. Ça se vite fait. Ça, je te remercie. La Marie ou Nicki Minaj. Ouais, enfin, au niveau du cul, je sais pas bien là, mais. Je sais pas comment je dois le prendre. Moi, je suis intéressé. D'accord. Allez. Il y en a deux qui sont intéressés, Marie, parce que Sacha vient d'intervenir. Il a laissé tomber son catcheur. C'est vrai, finalement, John Cena, bon, à la foutre. Ouais, tu mets John Cena de côté. Ouais. Allô? Moi, ça coûte rien. Hein. Oui, on t'écoute, Johan. Après, comme on dit, un trou, c'est un trou, hein. Ah ouais, parce que toi tu. Ah ouais, toi c'était pour me baiser quoi, en gros, c'est la classe. C'est sympa pour Marie quoi. Ah ouais, non mais c'est clair. Bon, toi un truc qui pue, hein, tu vas dedans. Hein. Nicki Minaj ou Marie. Hein. Moi je pensais juste rencontrer, tu vois, je pensais pas à un truc dégueulasse. Mais Marie, évidemment, c'est pas mal. C'est pas mal, de me comparer à un trou. Mais non, mais on te compare à Nicki Minaj. Excuse-moi d'être vexé un petit peu. Hein. Vois le positif, Marie. Ah, positif, c'est ça. Nicki Minaj, je vois pas ce que j'ai en rapport avec elle, mais bon. Marie, regarde ton cul, regarde. Putain, j'ai un cul plat. Donc je sais pas trop mais... Alors, par rapport à Nicki Minaj, les filles ont tout un cul plat. Ah bah Nicki Minaj pour la soirée, on a été obligé la canapé 4 places. Ouais, 4 places hein. Et encore ça débordait sur les Au moins. Et encore, bah, la prochaine fois on va prendre 4 places avec des angles. Oui c'est ça. Pour bien la soirée. Non mais là en ce moment tu dois être content là. Elle passe dans la pub Beats là, la télé là. Ah ouais, je regarde, ouais. Ouais. Je regarde. Quand elle fait le bisou à l'écran, t'as l'impression que c'est pour toi, quoi. Et quand on voit Nicki Minaj dans la pub Beats. Ouais, elle est en combinaison noire et tout, le truc ultra moulant. Nicki Minaj, Beats. Étonnant, non, quand même. Ouais. Bon, si elle revient nous voir bientôt, on te fera signe, Johan. Promis. Ok. Et allez, Romano. Ah, merci, mon pote. Je vois que les clasheurs se préparent. On va y aller pour le gros match de la soirée, parce que le gros match de la soirée, c'est pas Lyon-Séville. C'est pas Monaco Leverkusen. C'est Romano contre Cédric ce soir. Oui. Avant l'arrivée de Jul, Jul tout à l'heure. Est-ce que vous avez des méthodes pour le clash de ce soir, Cédric, Romano? Ouais, moi j'ai ma méthode, moi. C'est quoi ta méthode? Bah, je suis célibataire là depuis quelques jours, ma meuf elle est partie en voyage. Depuis quelques années, Cédric. Non, quelques jours. Ne m'étonne pas dès le début du clash, c'est depuis quelques années. En fait, Cédric, je vais résumer ta méthode, c'est la méthode du galérien. Non, c'est pas la méthode du galérien, c'est ma meuf elle est partie en vacances une semaine et moi pour pas perdre la main, j'aimerais bien continuer à baiser un petit peu quoi avec les familles pour pas Pas perdre la main, tout simplement. D'accord, c'est ton. Eh ben. C'est ta méthode. Mais Cédric, c'est ta méthode, c'est toi qui dois la choisir. Ouais. Bravo d'avoir une méthode, c'est déjà pas mal. C'est déjà non, pas mais mal. C'est bien, non, mais ça va, ouais. T'es déjà arrivé avec une méthode en stock et ça, vraiment, c'est respect. Ça va, ouais. Man, merci. Non, mais il y a eu largement pire. Romano, quelle est ta méthode? Moi, c'est la méthode. Je viens de terminer mes décorations de Noël, le sapin, tout ça. Et mon fantasme cette année, ça serait de baiser en bas du sapin, un peu pour la tradition. Donc, je vais proposer à la femme de venir voir mon sapin. Mais en bas du sapin, c'est devant la petite crèche? Ouais, non, mais moi, il n'y a pas de crèche. Il n'y aura pas de crèche. T'as pas réfléchi à ça, Romano? Il a raison, carrément. Non, parce que moi, j'ai un sapin, mais j'ai pas de crèche, tu vois. T'as pas de crèche? Non, j'ai un élan. Un élan? Ouais, les, un élan. Ah, t'as un animal, quoi. Oui, non, mais pas un vrai. T'as acheté une bête. Non, mais c'est une peluche, tu vois. T'as mis de la paille et tout. Un petit truc. Non, ça va, on va pas non plus. Donc, baiser en bas du sapin de Noël. Ouais, c'est ça, ouais, pour faire plaisir à la famille. Bon, allez, on y va pour le clash. Comme on dit, je vais mettre le petit Jésus dans la crèche, quoi. Oui, on démarre fort cette soirée avec Jules tout à l'heure, avec le clash tout de suite. Cédric contre Romano. Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Ouais, Romano, Cédric, les deux sont là. Oui. Plaisir. Bonsoir mes amours. Salut les filles. Ah, Cédric dit bonsoir également à son public. Ouais. Et oui. Bon, la team Romano, ce soir je compte sur vous. Hein. Comme la semaine dernière, comme lundi, on le pine. Attention. C'est moi j'espère faire mieux moi. C'est notre mission ce soir. Est-ce moi ça j'aimerais bien te baiser tiens. Est-ce que t'es prêt Cédric? Moi je suis prêt, toujours prêt moi. Donc t'es prêt avec ta méthode de jeu galère depuis de nombreuses années parce que ma meuf est partie en vacances depuis 4 ans. Mais je vois que tu as mis ton masque d'OVNI déjà. Non du tout. Ah merde. Ah non. Ce qui est bien, c'est que t'as le physique déjà pour. C'est vrai, tu coûtes moins cher en déguisement, Cédric. On a été obligé d'investir dans des déguisements, tu vois, alors que. Mais tu veux vraiment que je me déguise en E.T. tout à l'heure, toi? Non mais attends, tu vas être trop beau. Je vais être trop beau, mais t'as vu la gueule d'E.T. Non mais j'ai juste peur. Tu veux pas essayer de mettre le masque? C'est juste peur. Le nez, j'ai peur. Ouais. Que le nez passe pas. À mon avis, ça va me faire une bosse, tu sais. Parce qu'en Manon m'a acheté un habit d'E.T., un déguisement d'E.T. Ouais, non mais vas-y, fais voir le masque pour voir. Il veut que je fasse l'OVNI. Bon, on appelle pour Cédric. Vas-y. Premier tour, c'est qui? Allez, vas-y. Cédric. C'est Romain. Mais Romain. Pourquoi tu veux que mon nez rentre pas? Ah, bah, celui-là, il a le nez plat. Ah, ouais, il a un nez pourri, lui, là. Non. Bonjour, Romano. Ah, non, mais la gueule. Le nez rentre, hein, le nez rentre. Hein. Allô, Romain. Allô. Ouais, bonsoir, est-ce que Romain est là, s'il te plaît, ma belle? Oui, c'est qui? C'est Michel au téléphone. D'accord, pas de soucis. Merci. Michel, bon feeling déjà. Oui, très bon feeling, Cédric, comme tu peux le remarquer. C'est pas un truc de ouf, elle te parle. Ah, mais ça, je pense que ça va bien se passer. C'est parce que le cas au téléphone. Ferme ta gueule, toi. Allô? Ça, il n'y arrive pas tous les coups. Hein. Ouais, Romain, comment vas-tu? Ça va. Ah, ben nickel. Dis-moi, je t'appelais parce que j'ai ma meuf là qui est partie pour une semaine en vacances. Donc, du coup, pendant une semaine, je vais galérer un petit peu là sexuellement et j'aurais bien aimé voir ta femme ce soir histoire de ne pas perdre la main. Allô? Ouais. Ouais, je peux passer à la maison histoire de faire l'amour avec ta femme? Ah, non mais c'est pas une blague. En plus ça pourrait être sympa, je vais lui faire découvrir des trucs originaux. Ok, sur ce, bonne nuit. Non mais j'arrive hein. Oh là là. Effectivement, il y avait du grave du feeling. Ah putain, avec la femme plus qu'avec le mec. Oui, le feeling, putain, il s'est évaporé quoi. Philippe, c'est évaporé. Putain. C'est le truc hallucinant quoi. Ah bah là ouais. Alors on passe à Romano. Bah je t'ai dit, t'aurais dû garder la meuf. Le mec, c'est Joël. Ah mais je pensais que le mec, tu vois, il y aurait un petit truc en plus. Eh bah tu pensais mal. Ouais. Bah je vais te faire une démo quoi. Ah, c'est à toi, Romano. Non, mais je vais y aller mollo au premier tour. Allez. Parce que t'es pas sûr de toi, ouais. Si, je veux pas t'humilier dès le premier tour. Si, attendre. Vas-y, essaye de te la raconter. Bonjour. Vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. T'as vu comme j'ai le feeling, moi? On appelle qui? Frédéric pour toi, Romano. Allez, Fredo. Alors Fredo, bordel de merde, le feeling serait-il parti là? Cyril. Allô Cyril? Oui. Oui, bonsoir, comment vas-tu? Bien. J'ai un mauvais son, je reconnais pas la voix, je suis désolé. Ah mais moi, parce qu'on s'est jamais parlé, je parle plus à ta femme d'habitude. Elle est là ou pas ce soir? Allô? Pareil. Eh, c'est Jean-Louis. Jean-Louis? Eh oui, comment tu vas? Bien. Bon, d'ivoire, je t'explique vite fait la situation, là. Je viens de finir mes décorations de Noël, le petit sapin, là, ce soir, là. Et je t'aurais bien prêté ta femme pour la soirée, pour lui mettre, comme on dit, le petit Jésus dans la crèche. Oh. Si tu vois ce que je veux dire. Alors, dites-moi qui vous êtes exactement, s'il vous plaît. Jean-Louis David, le coiffeur. Bon, alors, s'il vous plaît. Je vais, écoute, le mieux, Cyril, pas de panique. T'inquiète pas, je passe dans 5 minutes récupérer ta femme. Je lui mets le petit Jésus dans la crèche face à mon magnifique sapin de Noël. Et ensuite, je te la ramène. Faudrait peut-être juste la vider. J'ai juste le courage de me donner votre nom. Oui, bah, je t'ai dit Jean-Louis David. Jean-Louis, mon prénom. David, mon nom de famille. JLD pour les intimes. JLD. Passez une bonne soirée. Oui, bah écoute, elle va être gentille. Bah non, non, mais il est sympathique comme tout le monde. J'ai l'impression qu'il ne comprenait rien. Oui, ouais, il était complètement à l'ouest. Complètement à l'ouest. Il ne rien de rien, quoi. Bon, comme tu nous l'avais dit, Romano, c'était un tour de chauffe, c'est ça, hein. Non, j'y étais mollo. Ah, tu as été très mollo là. Hein. Bon, là maintenant, il va falloir mettre le turbo. Vous êtes prêts? Ouais, moi je suis toujours prêt, moi. Allez, mec, moi j'ai eu un mec complètement perché. Donc, on appuie sur l'accélérateur, on appuie sur la pédale. Merci, on appuie très très fort sur la pédale. Salut les filles. Allô, Eric. Ouais, allô. Ouais, bonsoir Eric, comment ça va ma poule? Mais c'est qui là? C'est Michel au téléphone, t'as l'air énervé, dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Mais Michel qui? Bah, un de tes voisins. Je t'appelle la soir parce que j'ai besoin de ta meuf. Elle est là ou pas ce soir? Mais de quoi? Qui c'est ce mec là? Bah, je viens de te dire, c'est Michel. Je t'explique en gros là, j'ai ma femme là qui est partie pour une semaine en vacances. Donc, du coup, je vais un peu galérer pendant une semaine le soir, si tu vois ce que je veux dire. Donc, histoire de pas perdre la main, je voulais venir voir ta femme ce soir. Non mais là, mon gars, là, t'es en train de te gourer, là, parce que, écoute, je sais pas qui tu es, toi. Bah, t'es Eric, non? T'es bien non, Eric. Non, mais t'es en train de te tromper complet, toi, je sais pas qui t'es, toi. Bah, je voulais venir à la maison. Bah, viens en bas, là. Bah, je vais venir en bas, enfin, je vais pas venir en bas, je vais venir chez toi, direct. Allez, viens. Et puis, je vais te faire un petit câlin, toi aussi, t'as l'air un peu tendu ce soir. Ok, allez, viens. Et après, je vais m'occuper de ta femme. Il paraît qu'elle est chaude ce soir. Quel chien qui t'attend. Ouais. J'arrive. Allez, viens, pointe-toi là. Bah, non, j'arrive, mon pote. J'achète des capotes et j'arrive tout de suite. Ah bon, voilà. Une invitation. Et voilà, oh, le mec était excité. Attends, grave. Non, mais Vas-y, continue de nous prendre pour des cons. Cédric, tu vois, ce genre de truc, tu peux le dire genre 4-5 minutes après l'appel, parce qu'on sait jamais, il y a des auditeurs qui arrivent, tout ça, qui ont pas entendu. Parce que là, mais là, tout de suite après, ça marche pas. Ouais, mais dis-fou, faut pas démonter mes appels, tu vois. Non, mais toi, t'es dans ta mythomanie. J'ai dit qu'il y avait une invitation. Ah, une invitation, le mec était excité, il me dit viens. Non, mais t'es dans ta mythomanie. Bah, si, le mec est excité. Il y en a qui sont dans leur paranoïa, Cédric, c'est un peu dans sa mythomanie. Ah, non, mais t'es complet, tu te fous vraiment de la gueule du monde, j'espère que vous le punirez, cet enculé. Allô, Alain. Allô. Ouais, Alain. Oula, bordel, qu'est-ce qui t'arrive à la voix? Alain. Oui. Oui, ça va? C'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil, un copain de ta femme, Jean-Louis David, le coiffeur. D'accord. Ça a été du rapide avec lui. Est-ce que vous voulez que je donne un troisième tour quand même? Je sais pas, moi j'ai un problème au niveau de l'accélérateur. Oui, c'est vrai. C'est soir, je sais pas, je n'arrive pas. J'ai les jambes trop petites, pas la pédale. Appuie sur la pédale. Mais je sais pas, j'ai les jambes trop petites. Bon, je donne un troisième tour parce que je suis bien bon. Allez, essayez de. Ah, moi j'ai une invitation déjà. Essayez de serrer. Moi j'ai rien, moi. Ah, bah je sachais. Un petit effort et t'arrives au serrage. Ouais, bah j'espère. Romano, un petit effort, t'arrives au serrage aussi. François. Allô, François. François. Allô. Oui, François, comment ça va? Je fais peur au gosse. François. Pardon. Oui, François, comment vas-tu? Oui, c'est qui? C'est Michel au téléphone. Michel. Ouais, j'entends des cris derrière, c'est quoi? C'est les enfants? Non, Michel qui? Un de tes voisins, je connais un petit peu ta meuf. Elle est là ce soir ou pas? Attendez, vous adressez à qui normalement là? Bah, ta femme, j'aurais bien aimé parler à ta femme normalement. Et vous êtes qui déjà? Je viens de te dire, je suis Michel. Oui, mais Michel qui? Michel a un voisin. Je suis avec une femme blonde. J'ai pas de voisin qui s'appelle Michel. Bah, moi je connais un peu ta femme, on se connaît pas, toi et moi, mais je connais un petit peu ta femme. Ah, tu connais ma femme? Ouais, je t'appelais parce qu'en fait, là, tu sais, ma femme, la mienne, elle est partie en vacances là pour une semaine. Donc, du coup, le soir, je me sens un peu seul. Et histoire de pas perdre la main, j'aurais bien aimé voir la tienne. Oui. Ça pourrait être sympa. Ouais, non, sympa, ça ne sera pas ça. Ça aurait pu, c'est vrai. C'est je vrai. Crois que je vais le rappeler. Non, ça aurait pu être sympa. Tu prends un rappel? Ouais. Il prend un rappel. Mais t'es complètement con. Mais laissez-le si, faire. Attention, il n'y aura pas d'autre tour. Non, mais ça a coupé rien du tout, mec. Mais t'es vraiment complètement mytho. Il n'y a pas d'autre tour. Oh là, ça a coupé. Ça recommence. Il y a sa maison, elle est passée sous un tunnel. Ah, si, ça a coupé. Ah oui. Allô? François, ça a coupé. François parle dans le téléphone. Comment nous faire perdre du temps? François. Je fais le film derrière là. Allô François? Ou les gosses, on sait pas, c'est les gosses ou le film? Moi je pense que c'est les gosses qui ont eu peur de Cédric. Ah, non, c'est le film. Vas-y, raccroche. Bon, t'as niqué un rappel. Bon. T'abandonnes du coup. Ouais, je m'en fous, de toute façon, il n'y aura pas d'autre tour. Donc. Ouais, mais il y a un rappel pour Manon. Rien, peut-être. T'imagines? Non, bah, 3-3, oui, peut-être. Je crois que je vais faire un quatrième tour aujourd'hui. Tiens. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un match en quatre tours. Oh, on a le temps. Ouais. Michel. Bon, Michel. Donne tout. Hein. Ah. J'espère que ça va. Moi aussi. Le faire. J'espère qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de sexe. Votre correspondant. Ah, il est là. Sébastien. Allez, ta gueule. Eh oh, ouais, sur un autre ton. Allez, ta gueule. Eh non, mais je vais venir là. Ah putain, non, c'est quoi? J'ai tombé sur un mec à bout de nerfs. Je prends mon rappel. Bah oui, t'as un rappel. Attention, tout se joue maintenant. C'est maintenant ou jamais. Putain, va-t-il putain, réussir? Va-t-il réussir à s'élire? Il faudrait qu'il me laisse en placer une, quoi, histoire que je le chauffe bien et que j'arrive en speed, quoi. C'est la dernière chance, ça sonne. The last one. Putain, j'espère que ça va le faire. Allô? Et malheureusement, putain. Malheureusement, Omano, pas de rappel. Alors là, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer? Ah, ça va être les votes, là. Bah ouais. Bien vu, hein. Seuls les votes comptent, hein, vous savez. Et qu'est-ce qui va se passer dans les votes? Oui, je lance vrai. Le top vote. Merci, Soders, mort de rire. Pas de chance, Romano. Non, sur ce coup, pas de chance. Cédric et Romano, ils ont clashé. Eh vous oui. Allez les juger maintenant au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Merci à Poto du 95. Merci à toi. Bonjour Poto. Bonjour Sandrine. Il vote. Je vous dis pas pour qui il vote parce que j'ai pas encore lancé le top. Le top, je le lance dans 5 secondes, c'est-à-dire à pile 21h49. 3, 2, 1. Et top. Allez, c'est parti, vous votez pour Cédric ou Romano? Cédric. Ah bah votez Cédric, moi ce ah soir bah, je sais. Ah bah. J'ai une invitation avec Eric. Romano lui n'a pas de chance comme il l'a dit. Pour ça, votez Cédric, C-E-D-R-I-C. Je vous aime très très fort. Ah bah Romano, est-ce que tu as une déclaration à faire? Ah bah oui. Ah bah vas-y. Ah bah j'espère bien. Ah bah. Alors, ma chance, mes amours, c'est de vous avoir, ma team Romano. Eh bien, ce soir, on a été victime de malchance, mais votez Romano, R-O-M-A-N-O. Votez Romano, Romano, tous ensemble pour baiser le veau. Et dans un instant, Jules arrive avec nous et Alex est en direct. Ah oui, il a besoin d'un petit service, Alex, on va le prendre tout de suite. Parce qu'on va, on va avoir besoin de vous, on va besoin de voir. Oula. On va avoir besoin de vos cerveaux. Oh, ah, besoin de vos cerveaux, ok. Voilà. Non, mais je me prépare à faire l'extraterrestre, Romano. Ah donc, oui, c'est ça, ouais, tiens. L'autre, il va me déguiser en extraterrestre. Excuse-moi. Non, mais Iti, ça te va bien. Bah oui, ça me va bien. Mais il faut mettre un costume complet, hein. Bon, salut, Alex. Salut. Salut. Bon, je vais mettre mon costume, il faut que je le mette maintenant, c'est ça? Bah, il va pas falloir tarder, là, ouais. Salut, Alex. Salut, ça ouais, va les gars? Salut! Ouais, ça va Alex. Ah, ça donc toi t'as besoin d'aide. Avoir. Bah c'est gentil de nous appeler Alex. Ouais. C'est besoin ça. D'aide, pourquoi Alex? Parce que Noël approche. Oui. Et j'ai. Tu veux gagner 1500 euros, c'est pas ça? Hein. Bah si possible. si possible. Oui. Et j'ai aucune idée de quoi faire comme cadeau à ma copine en fait. Ah tiens, c'est l'amour, c'est bien ça. Non mais c'est ta bite. Ouais. Tu vois, si t'as. C'est pas mal. Ouais, Karim a une petite idée. Oh, mais on va y revenir. Cadeau de Noël, tiens, vos idées pour les cadeaux de Noël, vous y allez. En même temps que vous votez, vous pouvez nous laisser ça. On vient avec Alex. Ouais. Alex qui arrive tout de suite. Et dans un instant, Jules qui débarque avec nous. On aura du Sofiane aussi en ligne. Et puis donc, comme je vous le disais, au 41-759 et sur la piste Skyrock. Faites tout ce que vous voulez, profitez jusqu'à minuit. C'est en direct et c'est sur Skyrock, la plus grande radio libre de France. Full Radio Libre, ouais. 21h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Eh ben ça y est, on est prêt à recevoir Jules. Ça y est, j'ai l'air d'un con, Romano, grâce à ton idée de merde. Et non, mais t'as et le masque. Non, mais le masque, je le mettrai quand Jules arrive. L'autre, il m'a mis. Alors attendez, bougez pas, j'ai une espèce de. J'ai un sweat. Alors vous avez. Mais c'est le sweat d'E.T. J'ai le sweat E.T. À la place de la capuche, j'ai la gueule d'E.T. Donc, non, t'as la capuche et la gueule en oui, plus. Oui, c'est ça. C'est, si je mets la capuche sur la tête, j'ai la gueule d'E.T. Voilà, ça c'est moi. Elle est traviole, la tête. Non, mais il faudrait que tu l'aides à s'habiller. Parce non, mais c'est mal fait ton truc, Romano, regarde. T'as pas la gueule en biais de base. Bah non mais les gars, E.T. il est pas rouge, pourquoi t'es rouge, dis full. Si. J'ai la veste rouge. Ah ouais. J'ai la veste rouge d'E.T. mais ouais. Ah, ah ouais, si pas. Attends, ouais, ouais, c'est le petit chaperon. Non, c'est E.T. lui-même qui m'a la filmé. Ah ouais. Oh, très bien. Donc, on m'appelle l'OVNI, vous voilà, connaissez le morceau putain, de Jules. Wow, donc c'est ce soir donc une mise en place exceptionnelle, Romano, ça on peut le dire. Vraiment. Des moyens techniques de ouf, oui. Des tenues de scène. Et on est allé à Hollywood. Des effets spéciaux. À Hollywood cet après-midi hein. Exactement. On m'appelle Love Me. Et Jules arrive avec nous dans un instant. Il y a du monde pour Jules. J'espère qu'on aura J'espère qu'on aura le temps d'en prendre plein, plein, plein, le maximum. Merci pour tous les messages, ça fait plaisir. Ça va lui faire plaisir à Jules. Envoyez-lui vos messages. Il y a le hashtag aussi Jules sur Skyrock ou Jules dans la radio libre de Difool, c'est comme vous voulez. Hashtag Jules sur Skyrock, hashtag Jules dans la radio libre de Difool. Et vos messages au 41-759 sur l'appli Skyrock. Et bien sûr au 01-53-40-30-20. Si vous voulez nous appeler et si vous voulez passer dans l'émission et si vous avez un truc à demander à Jules, là il y a Romano qui est en face de moi en train de s'habiller. Ah, toi tu t'es pris un vêtement luxe, moi j'ai un truc tout pourri avec la gueule d'E.T. Toi t'es swagué au niveau de l'extraterrestre. Vous aurez les photos sur... Attends, parce que putain, c'est la galère technique. Vous aurez les photos sur tous les réseaux là d'ici quelques instants. Voilà, parfait Romano. Et c'est pas tout parce qu'il y a des effets spéciaux dans le studio. Magnifique. Ah bah alors là t'es super dis donc. Regardez la gueule qu'il a. Ah ouais. Marie, tu sais, Romano il est de l'autre côté parce que Marie elle te tourne le dos et te cherche. Putain, mais là, ouais, là, mais t'entends, il arrive pas à respirer, gros. Ah, je vais faire une piste d'as. Bah, parce que tu disais que ça pue. On t'entend pas, Romano. Non, mais il a dû péter dedans l'exprès, en fait. Non, on t'entend pas parce que tu es un extraterrestre, tu es peut-être trop loin de la Terre. Reviens vite nous voir. Il n'y a pas de trou pour ta bouche. Et on m'entend plus. Bah, on t'entend loin. Oh, que tu es loin. Hop, attention, il atterrit. On l'appelle l'OVNI, Romano. Il arrive avec sa soucoupe. Et hop là. Oh putain, t'es tout rouge. Ah, putain, il fait chaud là. On dirait un Teletubbies un peu. Ouais, c'est vrai. Quand ouais. Tu sors la tête, on dirait un Teletubbies. C'est la tête que t'as, gros. Bon, on a Jules qui arrive. Juste avant, on prend Alex. On a besoin de vos idées là. Tiens, avant que Jules arrive, il est en prod là, en train d'enregistrer des trucs. Et dès qu'il arrive, quand Cédric, est-ce que t'as pris les minutes? Là, je pense que dans 5-10 minutes, il devrait être là. 5-10 minutes. Bon, ouais. Vous me prévenez juste quand il arrive, histoire que je mette. Ah oui, bah moi aussi, ouais. Je mette ma tête d'E.T. Romano aussi. Quoi. Ouais, histoire qu'on s'équipe. Qu'on lui fasse une entrée de folie. T'as la fumée aussi. Ouais, ouais. Parce qu'on a pris une machine à fumer. On a la machine pour faire à fumer. Un peu une entrée majestueuse. Quoi. Et pourquoi il y a que moi qui ai l'air d'un con dans l'équipe et que Karim il a pas de déguisement? Non, mais moi c'est bien. Cédric, tu nous as dit. C'est parce qu'il avait déjà une gueule d'extraterrestre. Ah mais c'est bon, Cédric, il est déjà déguisé. Ah bah je suis déjà équipé, ouais. Ouais, bah. Samy, pourquoi il a pas de déguisement, Samy? Ouais, pauvre. Déguisement bleu et blanc, tu vois pas? Ouais. Non mais bleu et blanc, c'est pas extraterrestre. Bah si, il est extraterrestre de l'OM, gros. Oui. Ah ouais, bah. Les extraterrestres du foot, on se demande ce qu'ils foutent dans le championnat parfois. Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai, hein. C'est vrai. Bon, on y revient tout de suite, on en reparle dans un instant et on a donc Alex, bah tiens, de Marseille avec nous. Alex, toujours là? Toujours là. Je te conseille d'aller sur Facebook Live dans un instant hein, pour voir l'arrivée de Jules, l'arrivée majestueuse de Jules. Tu veux une musique qui pète un peu, Romano, une musique un peu majestueuse, celle que j'aime bien, là, celle-ci, là, tiens. Dès que Jules arrive, on le fait rentrer, on met ça. Je suis E.T. Et on lui présente ses amis, des ovnis. Ouais. Bon, avant ça, Alex, tu nous as dit il y a un instant que tu avais besoin d'aide pour le cadeau de Noël de ta meuf. Et ça, c'est bien, parce que c'est bien de penser à sa chérie quand on, quand les fêtes approchent, tout ça. Et tu cherchais un cadeau. C'est ça. Alors, tu as pensé, j'imagine, au parfum, au bracelet, au bague. Qu'est-ce qu'on peut offrir à une fille? Un balai, un aspirateur. Non, pas ces conneries. Des gommes à pas. Vaisselle. Non, mais t'es con. Du liquide vaisselle. Un petit paquet de lingettes. Des lingettes et notre nettoyant WC. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir d'autre? Du lave-vitre, une raclette. Une raclette, du lave-vitre. Arrêtez vos conneries. Non, mais très bien, lave-vitre et raclette, vous faites un kit complet, comme ça, elle est contente. Sinon, des casseroles, des poils. Ouais, des casseroles. Mais bien sûr, allez, tant qu'on y est. Vous imaginez les filles. Des ponches scotch brite. Faire un passé, c'est vrai, Marie, on avait oublié. Ouais. Ce qui est magnifique, c'est que déjà, vous avez vu, en, je sais pas, 15 secondes, on a trouvé au moins une quinzaine de cadeaux. Une quinzaine de cadeaux pour vous les filles, c'est pas beau ça? Ah, c'est ouais, magnifique. Bah c'est super, ah, ouais. Puis ça nous fait plaisir surtout. On en a 15 déjà. Bon, ouais. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez nous faire signe, vous pouvez nous dire, les filles en particulier, pour nous dire d'abord si nos idées vous plaisent. Non mais. Déjà, très bonne question de Soders974 là, 25 bonjour, Soders. Ans, qui nous envoie un message. Mm-hmm. C'est quoi son budget? C'est vrai que c'est ouais, important. C'est vrai, première chose. Ah ouais, combien t'as d'argent? Bon déjà je suis pas comme toi Romano, je suis pas blindé. Tu veux dire je voulais dire je suis pas radin. Ah ouais, moi je suis pas non, moi non plus hein, je suis pas blindé. Non non plus. C'est ouais, des rumeurs ouais. Ça qui court mais c'est marrant d'être deux ces rumeurs d'ailleurs. Non mais c'est vous qui dites ça mais qu'on dit que t'es blindé. Tu sais j'ai des frais comme tout le monde. Non mais c'est vrai, tu sais je suis pas logé gratuitement. Les costumes là que t'as pris, tu les as payés avec très cher bien sûr. Ta carte bleue. Évidemment. Non, là, ça, j'ai fait. On a pris la carte bleue d'ici. Ah, la carte bleue de Skyrock. Bah, ouais, parce que là, moi, je pouvais plus, là. Attends, ouais. Je pouvais plus. Là, c'était au-dessus de mes forces. T'as combien de budget, alors, toi, Alex? Entre 80 et 150 euros, je crois. Entre 80 et 150 tu peux euros. Faire un truc sympa. Ouais, 150 euros, tu peux faire un truc bien. Mais déjà, oublie. Romano, parfum, déjà, va te conseiller de faire du 80, lui. Ouais, peut-être même, on peut réduire à 50. Hein. 50, d'accord. Non, mais déjà, oublie le parfum, parce que je trouve ça hyper impersonnel, en fait, le parfum. Ouais. C'est quand t'as pas d'idée. Un, C'est pas génial pour ta meuf, je trouve. Bon, après, sauf si elle te demande du parfum et que. Oui, après, bon, oui, évidemment. Oui, je voudrais du parfum parce que je pue. Oui, bah, écoute, ma chérie, j'avais remarqué, je t'en ai acheté 2 litres. T'inquiète, on a ce qu'il faut. 2 litres, t'en as pour l'année, là, tu vas voir. Bon, on a Marie au téléphone avec nous en direct du 33 qui a une petite idée. Donc, les filles, allez-y, 41-759, l'appli Skyrock et le 01-53-40-30-20 pour arriver dans l'émission directe. Et puis, dites-nous ce que vous aimeriez comme cadeau de Noël. Bonjour, Marie. Salut. Bonjour. Bonjour, Marie, 23 ans et donc t'es à Bordeaux ou à côté de Bordeaux, toi? C'est ça. C'est ça. Bienvenue, je te présente Alex. T'as vu comme il est romantique, Alex? Il est mignon. C'est mignon, ouais, hein? Ouais, c'est trop bien. Eh ouais, les gars, on est comme ça. Hein. C'est ça, les gars du quatrième millénaire. Eh ouais, les beaux gosses. C'est ça, les beaux gosses. Alors, qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau pour Noël ou alors qu'est-ce que t'aurais à conseiller à Alex pour sa meuf? Bah écoute, moi je trouve que les bijoux, ça marche bien. Ouais, ça, je vous aimais bien, les bijoux, c'est vrai. Bah, les bijoux un peu originaux, de créateurs, c'est pas forcément cher et voilà, c'est un truc original que ouais, tous les filles. Ouais, c'est vrai, tu pars en argent, c'est pas très cher et c'est du vrai, tu vois, c'est pas. Moi quand j'achète des bijoux, non, mais pas en argent, Marie, faut pas abuser. Bah quoi? Bah pourquoi pas? Attends, Marie, elle en profite. Non, mais pas forcément en argent, mais il y a des trucs très originaux de créateurs. À un moment, on m'avait acheté des boucles d'oreilles qui changeaient de forme un peu, enfin c'était original quoi, c'était trop des bien. Des boucles d'oreilles qui changeaient de forme? Oui, il y avait un motif qui changeait de forme dessus en fonction de l'angle duquel on la regarde. Ah ouais, c'était un truc visuel. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc les petits bijoux. Non mais les bijoux, c'est vrai, il a raison, Marie, plaisir. Alex, c'est toujours efficace. Ouais. C'est mon bijou. C'est mon bijou. Le seul truc, c'est pour les bagues parce qu'il faut la taille, quoi. Ouais, mais ça, la bague. Puis mais la bague, qu'a priori, alors moi, ce que j'allais acheter une à carriole. Un jour, il y a longtemps, oh là. Et ben là, a priori, ce qui se fait, ben, en tout cas moi, ce que m'avait expliqué le bijoutier, c'était que bon, quand t'as pas le tour de doigt, tu lui offres comme ça et après tu peux changer. Non, et après en fait, il retravaille la bague, il l'ajuste à ton doigt. Ouais. Non, mais si tu veux pas te tromper, tu lui achètes un bracelet, tu lui achètes un collier. Moi, j'aime bien prendre deux trucs qui vont ensemble. C'est plus mignon. C'est basique. Ouais, c'est ensemble, mais c'est toujours mignon. Et puis, ce qui est bien avec ça, c'est qu'elle a toujours, ça sur toi. Donc, il suffit qu'elle regarde sa main. Elle a toujours ça sur elle. Ouais. Oui, plutôt. Et elle regarde sa main, elle voit le bracelet, elle se regarde dans la glace, elle voit le collier, elle se dit oh, Alex, j'ai un homme il est super. Il est trop romantique. Non, mais sinon, elle se met à pleurer. Sinon, elle n'a pas une passion, un truc qui l'a fait kiffer, tu vois. Le truc, c'est qu'elle n'est pas comme les autres filles. Ah. Elle, ce qu'elle aime, déjà, j'ai acheté une Play, on s'est acheté une Play. Et elle joue avec moi, on joue sur Call of, sur FIFA. Bah, j'ai des jeux. Là. Comme ça, tu peux en profiter toi aussi. Ah bon, ouais, c'est pas con. Ouais, ça, c'est pratique. Double emploi. Je suis désolé, le bijou, on va le mettre de côté. Et puis, on va te refaire ta collecte. Donc, tous les jeux que t'as envie d'acheter, tu les achètes. Ouais. Et comme ça, vous faites des parties ensemble. Comme ça, t'en profites. C'est bien, c'est bien. Elle veut pas un abonnement au foot. T'es fan de foot, t'as une meuf, elle veut un abonnement au foot. Justement, je voulais dire que c'était quand dimanche dernier là, je l'ai emmené voir le match de l'OM. D'ailleurs, Samy allait l'OM. Ah bien, la victoire 3-0. Le match que vous avez gagné. Ah, oui, ouais, c'était beau. Voilà, exactement. 3-0. Elle venue, elle a gagné. Et franchement, elle a kiffé, mais elle a surkiffé. C'est bien. Et du coup, j'avais un peu regardé les billets en VIP parce que je voulais faire un truc joli et tout, mais ça fait un peu trop cher quand même. Ah ouais, genre l'amener dans une loge, champagne et compagnie. Ouais. Ah ouais, c'est clair, c'est cher ça. Ouais. Ah, faut raquer là, mec. Ça, c'est le luxe. Bah, tu lui offres FIFA, ce sera peut-être mieux qu'un aspirateur et FIFA plus. Ah bah ça c'est sûr, Marie, on est d'accord. Il faut toujours écouter le conseil des filles. Ah ouais, ils sont misogynes, je vous écoutais tout à l'heure. Attends, t'as vu un peu Samy 766 qui vient nous envoyer un message. Moi j'ai acheté un cuiseur vapeur à ma femme. Génial, j'adore. C'est bien, c'est bien. Ah bah c'est sympa. Mais oui, voilà une bonne idée, ouais. Offre-lui une autre console, comme ça vous pouvez choisir la console sur laquelle vous jouez le soir. Et toi tu t'éclates en plus. Ah ah ah. Ouais, mais Damien, 50 balles. Qui nous envoie le message du 68. Ah sinon il y a un truc original, mais je sais pas comment ça coûte. Erwan JY qui lui est un gamer, c'est son pseudo. Et a priori tu peux faire, si elle est fan de jeux vidéo, tu peux lui faire une manette de PS4 personnalisée. Ah ouais, c'est vrai. Tu écris un petit mot derrière. Et tu crois que ça lui ferait plaisir ça? Ouais, je pense quand même. Mais tu mets quoi dessus? C'est les fans de la PS4. Ah, tu mets son prénom. Tu mets sa photo. Tu mets une photo. Ah ouais, on peut mettre une photo? Ouais, je pense. Je sais pas du tout. Ah ouais, je sais pas. Ouais, moi non plus. Ah, c'est marrant ça. Pas mal. Bah, pour les gamers, ouais, si ça lui plaît, pourquoi pas. C'est original. Quoi. Ou alors, qu'est-ce que vous dites, Comidé? Tiens, on va les prendre en vrac. Dream Fairy qui nous dit thalassothérapie en amoureux, pourquoi pas? Ah ouais, mais avec ton budget, ça va pas le faire. Ouais, soirée pizza, bière et console. Tu lui offres une magnifique soirée, c'est Jess qui propose ça. Jess du 69. Une magnifique soirée pizza, bière et jouer à la console en amoureux. Joyeux Noël! Ah, c'est comme avec des potes. Ouais, comme avec des potes, mais c'est bien d'avoir une meuf qui est ton pote. Moi, ma meuf m'a interdit d'acheter un cadeau. Mort de rire, Yolomène, il est content, tiens. Très bien. Si elle, faut pas assister, hein, non, surtout pas Yolomène. Un collier à 30 euros à Leclerc, j'en ai acheté un déjà. Et c'était pas mal. Ah ouais, genre au manège à bijoux là. C'est Hublot qui nous laisse Ouais, t'as des trucs pas chers. Leclerc bijoux. Ce que je disais, qui sont pas forcément en toc, donc c'est bien. Il y en a un pour sa meuf qui lui prend la tête régulièrement, c'est Sam Rouche. Non, c'est pas Sam Rouche, c'est qui? C'est juste en dessous. Ah oui, c'est Frico, excuse-moi. Frico qui lui propose un collier anti-aboiement. Ouais. Ah, c'est pas mal. Si vous avez une meuf qui c'est gueule con. Tout le temps, c'est vrai que un collier anti-aboiement, c'est double effet. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, c'est les colliers qui te mettent des petites décharges. Exactement. Donc c'est un très beau bijou. Et ouais, en plus, charmant. Ça l'empêche de crier. C'est pas moi. C'est pas mal. Des montres, c'est joli. Ah, c'est Salima qui aime bien les montres. Salima, 14 ans. Sinon, là, je regardais. Ouais, les manettes. Là, tu peux les personnaliser. Tu peux changer la couleur des boutons. Tu peux changer la couleur du fond. Mettre une photo. Faire graver le nom. C'est marrant ça. Tout, ouais. Tu peux vraiment personnaliser de A à Z. Quand le prix. Ouais, c'est vrai qu'avec le nom, ça fait stylé un peu. Ouais, c'est bien. C'est sa manette à elle. C'est écrit dessus. Ouais, c'est ça. Comme ça. Ah ouais, putain. Par contre, c'est pas. Après, elle va plus jamais la passer, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est déjà une manette normale, je crois, c'est 60 balles. Comment ça coûte? Ah bah là, je suis sur un site, c'est 100 balles là. 100 balles, mais bon, t'as 150 balles. Ouais, c'est dans le budget. Ah bah ça va, c'est dans le budget, ouais. Après, vois. Ouais, oui, regarde, il y a peut-être des trucs moins chers. Après, c'est un bête de truc, hein, c'est unique, ça qui est bien, tu vois. Oui, ça, c'est. Il n'y en aura pas d'autres, c'est vrai. Ouais. Amy, tu mets une photo. Moi, j'aurais jamais fait. Tu mets une photo de toi et d'elle dessus. Ouais, avec un bisou. Tu peux mettre des photos? Normalement, des photos. A priori, tu peux mettre des images que. Alors, je sais pas jusqu'à quel point, mais. Non, mais un jour, elle va s'énerver. Tu y aura ta photo avec elle dessus, ouais. Et elle va jeter la manette. Et ça, tu vas mal le prendre, et ça risque de poser des problèmes dans le couple. Oui, puis de casser la manette. Ouais, donc les photos, tu peux, parce qu'il y a deux possibilités. En fait, c'est soit c'est directement imprimé sur la manette, ou alors tu sais, ils mettent un sticker. Mais bon, c'est bien fait. Hein, c'est pas un truc dégueu qui se décolle en deux jours. C'est un truc super bien fait sur mesure avec les. A priori c'est pas mal hein. Et c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui dit je vais en acheter une pour moi, trop stylée la manette. Ouais, c'est vrai, t'as ta manette personnelle, c'est pas mal, je savais même pas que ça existait. Moi non plus. Bah merci du message tout à l'heure. Merci de l'idée. Moi je veux Jules comme cadeau de Noël. Oui, maintenant on s'occupe du cadeau de la copine d'Alex. Qu'est-ce que t'en penses Marie de tout ça? Tu t'aimerais quoi toi à la place de la copine d'Alex? Franchement, ça dépend des goûts de chacun. Après, j'avais une autre idée, c'est que ben il l'écoute, mais comme il a un peu dit tout à l'heure, en fait, il l'écoute, il voit un peu ce qu'elle kiffe. S'ils font des trucs ensemble, ils se baladent dans la rue, elle dit ah ouais tiens j'aime ça et tout, et il voit et il revient l'acheter après pour lui faire une surprise, et du coup elle se souviendra, elle fait ah ouais c'est vrai j'aimais bien, du coup je vais kiffer ça. Oui c'est vrai, tu peux aussi essayer de la travailler un petit peu d'ici le 25 décembre. Voilà, c'est mais ça. Attention, ça va vite là maintenant, hein. Puis ça sera plus une surprise, tu la travailles trop, elle va trop sentir ce que tu vas lui offrir. C'est clair. Ouais, c'est ça, faut pas être trop insistant, sinon elle va se douter de quelque chose aussi, il faut que ça reste une surprise. Oui, et sinon vous avez oublié le robot pâtissier pour les femmes, nous dit Disons. Oh non. Ah oui, le truc là, que les darons elles ont, là, le Thermomix, je sais pas quoi là. Le robot pâtissier. Ou les cookéos, tout ouais, ça. Ouais, c'est ça là. Et une photo de sa bite sur la manette pour qu'elle le touche, ça va l'exciter, c'est ce Bob qui propose ça. Ah bah super. En plus, la manette elle vibre, elle aura l'impression d'avoir ta tub en main quoi. Ouais, ou pour allier l'utile à l'agréable, un petit resto et après une nuit à l'hôtel, et comme ça. T'en profites toi aussi, c'est vrai. Il y en a plusieurs qui ont dit c'est ça. C'est bien aussi ça. Hein. C'est pas mal, hein. Comme ça, elle en profite, il en profite. Et c'est. Voilà, elle va se faire trombiner à l'hôtel, tranquille. Soirée romantique. Oui, Romano, trombiner moyen romantique quand même. Non, mais au final, c'est romantique, Romano. Oui, c'est... Bah, non, mais ça se résume à ça. Tu la meuf, tu reviens à l'hôtel, vous n'allez pas regarder la télé, quoi. Il y a Hamza qui est super romantique aussi. Ah, bah non, c'est clair. Soirée FIFA, chips, super. Et sodomie en dessert. Le rêve. Le rêve. Bah, je prendrai directement le dessert. Je vais prendre le truc au chocolat. Du coup, direct. Tu vas immédiatement. Prends direct la sodomie, moi. Voilà. Sinon, les fringues, ça fait toujours plaisir, mais faut pas lui acheter n'importe quoi. Message de Romanette. Non, mais la manette, c'est vrai, ça vous a... c'est pas trop romantique pour certaines filles, la manette, mais si elle est vraiment fan. Non, mais bon, si elle adore. Si c'est son truc. Bah, c'est ça. Ouais, voilà. Si c'est son truc, c'est bien. Bon, bah, Alex, réfléchis. Dis-nous, envoie-nous un message avant de lui acheter quand même. Quand t'achètes un cadeau à ta meuf, t'es pas forcément obligé de lui acheter un truc cucula praline, tu vois. Ah oui, non, mais ça, c'est évident. Voilà. Après, elle est pas comme ça, donc du coup. Si ça lui plaît, bon, a priori, il y a moins cher que 100 balles. Hein. Y a... Pour les manettes, ouais, ouais. Ça va, 100 balles. Il y avait un auditeur, mais c'était 170, ça fait. C'est là, il y a un auditeur qui l'avait fait lui-même, là, et lui, il en a vu pour 30-40 euros. Bon, après, c'est lui qui avait monté les trucs lui-même sur la manette. Hein. Ah ouais. Bon, bah, très bien. Vous savez de quelle couleur est Romano ce soir, Alex et Marie? Parce qu'il faut que je vous le dise, parce qu'on est à la radio, bientôt vous aurez les images, on va vous les mettre. Hein. Et les photos, Romano, donc déguisé en extra. Il n'entend pas, Jules, là? Non. Il n'entend pas. Déguisé en extraterrestre. Non, il est. Ouais, il est jaune. Rouge, jaune tirant sur le vert. Ah non, c'est vert. C'est vert martien, quoi. Vert électrique. Bah, c'est vert jaune fluo. Vert fluo, quoi. Ça ouais. fait un peu habit, tu sais, les gilets là, que tu mets quand t'es, genre, t'as crevé un pneu, là. Ouais, ou alors dans la bagnole. Sauf que ça tient vers le vert, là, quand même. Ou alors on parlait. Je vais dire quelque chose de très méchant, mais je suis obligée, désolé. Il s'est déguisé en Cédric, en fait. Non, ouais. Non, moi, je trouve pas ça méchant, je trouve ça drôle. Description. Non, Cédric, lui, par contre, n'a pas eu besoin de se déguiser. Ah, c'est quand c'est même. Ça qui est bien. C'est ça d'avoir un physique particulier. C'est le meilleur des le sien. Ouais, exactement. Non, mais ça rend service. Ah bon, oui, ça. En tout cas, magnifique. Tu ressembles un peu à un gourou d'une secte. On parlait des sectes hier soir dans l'émission. Ouais, mais parce que j'ai pas la tenue complète, parce que j'ai les mains. Ouais, moi aussi j'ai les mains. J'ai les mains à quatre doigts. Ouais, ouais, faut juste me prévenir quand je l'arrive. Il va arriver dans deux minutes là, donc faut vraiment se préparer. Ouais. Alors, prépare-toi, vas-y, commence à mettre tes mains et tout. Ouais, mais le problème c'est quand j'ai mes mains, je peux plus me servir de la table de mixage. Ah, d'accord. J'ai les doigts trop longs et ils sont. C'est des grands. Non, mais ils sont immenses les doigts. Ils sont au bout. Bah oui, fallait prendre des doigts à ta taille, Romano. Ah, mais ouais, mais là c'est des doigts d'extraterrestres. Ah, les extraterrestres ont des grands doigts alors. Bah apparemment, écoute. Ils sont comme ça, les extraterrestres dans leurs ovnis. Ah, je peux te faire un doigt. Ah ouais, mais c'est un grand doigt. Putain, on m'a jamais fait un doigt comme ça, Romano. T'as de la chance que c'est toi, autrement je t'en aurais mis une. Parce qu'un doigt qui fait 30 cm. Je peux même le faire le signe de Joule, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Tu vas galérer. Ouais. Vas-y, fais le signe de Joule avec l'extraterrestre. Attends, il faut que tu bloques le truc. Mais on le fera en vidéo tout à l'heure. Mais tout à l'heure, pendant le clash, Romano avec ses grands doigts, il faisait des bras d'honneur, hein, Cédric. Des doigts d'honneur. Ouais, des doigts d'honneur. Des doigts d'honneur, ah, Cédric. Hop. Tiens, justement, je vous donne les résultats du clash. Il faut que je plie les doigts. Merci en tout cas, Alex. Hein. Tu nous tiens au courant pour le cadeau que tu vas acheter à ta meuf. Ouais, au gaz aussi. Tu nous dis. Mais la manette, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Si elle kiffe ça, ouais, c'est sympa. Moi, j'ai bien aimé. Non, puis, c'est vrai. Ouais, et puis ça coûte pas super cher. Tu peux aussi lui faire le petit repas et tout ce qu'on a prévu derrière. Hein. Non. Bon, super. Merci Marie, c'est gentil d'avoir appelé en tout cas. Et merci les filles pour les messages que vous avez laissés. Mais tes idées étaient bonnes aussi, Marie. Cool, bah ouais, oui. Ouais, très bien, Marie. Merci. Vas-y, Marie. Est-ce que ce serait possible d'avoir une photo dédicacée? Oui, on va même te la faire dans l'émission parce que les photos dédicacées à Skyrock, elles sont perso. On les fait le soir même. Trop beau, je vous adore. Et bah, toi aussi. Et bah, une photo dédicacée pour Alex. Ce sera notre cadeau de Noël, Alex. Ouais, voilà. C'est merveilleux. Hein. Merci, les gars. Et puis, c'est pas cher en plus. Hein. Ah, et puis, pareil pour toi, Marie. On te fait une bise, Marie. Merci d'avoir appelé. Je peux juste passer une dédicace, les gars? Vas-y, Alex. Bon, déjà, je fais une grosse dédicace à ma chérie Manon qui m'écoute, là, apparemment. Ah, bah, elle va savoir ce que tu vas lui offrir. Il y a plus de surprise. Ah, bah, attends, mais pour elle. Qu'elle n'a pas écouté. Elle voulait que je dise à Romano. Tu sais, se faire engueuler, tu sais. À Romano, qu'elle aimait trop le chauve. Mais Team Romano pour la vie. Ah, une grosse dédicace à vous et à tout et à toute tout le lycée Artaud. Et ben, et on pense à Momo qui est dans nos cœurs. Et ben c'est gentil. C'est merci gentil, Alex. C'est gentil. Et ouais, ça vient de Marseille en plus. Bisous Alex. Ouais. Salut Alex. Merci Alex. Et je vous donne des résultats du clash avant l'arrivée de Joule. Comme ça, après, on peut continuer la soirée et débarquer avec Joule. Je sais pas comment on va faire avec tous ceux et toutes celles qui veulent passer à l'antenne. Mais il y a du monde. Il y a du monde pour Joule. Au 41-759 et sur le pli, il y avait aussi du monde pour votre clash de la drague de ce soir. Cédric et Romano, voici les résultats du clash. Ah. Bah, où qu'il est, mon adversaire. Il arrive, il est en train de, chier, de préparer Joule. Tu vas me dire, il vaut mieux qu'il soit dehors, Cédric, parce que je vais lui annoncer un truc qui est pas super. Parce que je crois que pour le clash de la drague de ce soir, pour Cédric, c'est rapide. Ah ouais. J'ai du 32% pour Cédric et du 68% pour Romano. Ah oui, effectivement. Ne lui dites pas, ça risque de le mettre en J'ai entendu gueuler dans le couloir. Non mais comptez sur moi, je vais lui annoncer la bonne nouvelle quand il rentrera dans le studio. Tu vas lui annoncer donc les résultats de votre clash de ce soir sur Skyrock. Eh bien, on l'a bien baisé. 68 contre 32. Ah ouais, parce qu'en plus, quelque part, c'est même un peu dégueu pour lui. Cédric avait pas fait grand-chose, mais il avait quand même réussi à avoir une invitation. Moi, j'y fais absolument rien, mais en tout cas, la team Romano était là, bien présente. Oui. Même dans les moments plus difficiles, je savais que je pouvais compter sur vous. Et je vous le dis encore une fois. Attention. Je vous aime. Oh, que c'est beau. I love you. Et je vous fais un bisou. Oh, qui vous est c'est mes bijoux. Vous êtes mes bibijoux, joujoux. Ah, vous êtes mes bijoux. Eh si, tout est possible. Vous êtes mes bijoux, joujoux. Ah, merci. Il va faire demi-tour ensuite. Pour cette belle déclaration qui t'est. Ah, il connaît, hein, j'en ai déjà saccagé des titres. C'est pas faux, effectivement, il connaît. Ouais. Tellement romantique. Bon, quelqu'un va voir pour qu'on se prépare, qu'on fasse l'entrée de Joule là maintenant, c'est parti. Ah, si tout attends, monde est prêt. Attends, il faut. C'en est où là? On en est où? Je vais voir et j'arrive. Ouais, vas-y, dis-nous. Ouais. Tu nous dis. Parce que moi, le masque, je vais le mettre au dernier moment parce que je crève de chaud et ça pue la mort là. Donc, donc c'est mieux. Les fans de Joule arrivent. Ils sont là avec nous. On aura Anissa, fan ultime de Joule. Anissa, elle a envoyé sa photo pour. pour qu'on, que Jules donne son avis. Ah, on va la présenter à Jules, Anissa. Très bien. Il y aura Nico, il y aura Léo, il y aura Marwan. Vous en direct, vos messages au 41759 et sur l'appli, je vous le disais. Les surprises pour Jules également. Ah, puis je vous demandais de qui vous étiez fan aussi tout à l'heure. Et je crois qu'il y a Sofiane en ligne avec nous. Yes. On a eu des fans de Catch, des fans de John Cena, des fans de Nicki Minaj. Tous les messages que j'ai pas eu le temps de vous lire tout à l'heure. Et Sofiane aussi qui nous a laissé son numéro. Tiens, t'es là, Sofiane. Ouais, je suis là. Salut, ouais. Ouais. Salut Sofiane. Salut Sofiane. 20 ans, et t'es où? Dans le 78, dans les Yvelines, toi, Sofiane. Ça. Ouais, à Libé. Eh ben, bienvenue à toi. Alors, toi, t'es fan de qui, Sofiane? Alors, moi, c'est du football, moi. En général? Non, c'est la pioche, Paul Pogba. Ah, t'es fan de Paul Pogba. Il est sympa, ce Paul Pogba. Ouais, moi, je l'aime bien. Il est marrant, Paul Pogba. La carte, la jeunesse. Il y avait Paul Pogba. Il incarne la jeunesse, c'est vrai ça. Il incarne la jeunesse. Mais avec Griezmann, c'est un peu les. C'est la relève, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est la relève. La relève. Et tiens, puisqu'on parle de foot, Monaco a pris un deuxième but 2-0. Ah ouais, merde. Contre Leverkusen. Monaco en Europe, c'est pas ça. Hein. Mais Monaco est déjà qualifié, de toute façon, je crois. Ouais, bah oui, sûr même. Ouais, ils sont déjà qualifiés. Ah, c'est pour ça qu'ils ont lâché. Ouais, je pense qu'ils jouent pépère. Ah, parce que je me suis dit, ils le font. Comment ils font ce match? Ils gagnent tout, ils prennent pas de but quand ils jouent en championnat, et là, ils perdent 2-0. Mais je crois qu'ils y vont cool. Ouais, après. Ils sont déjà qualifiés. Donc 2-0 pour Monaco qui est déjà qualifié et 0-0 pour Lyon face à Séville. C'est chaud pour les Lyonnais, reste un quart d'heure. Et pour l'instant, s'ils gagnent pas par deux buts d'avance, ils sont éliminés. Pas qualifiés. Éliminés. Et les résultats du clash, tu les donnes pas à Cédric? Cédric, j'ai pas vu que t'étais rentré, dis donc. Ah, je suis parti voir là pour Jules. Pourtant, on le voit. Hein. Bah, il est en train de se préparer. Très bien. Alors. Il devrait pas tarder. Le clash, tu veux les résultats? Bah oui. Eh ben, je te les donne. Vas-y, Romano, tu voulais lui les donner personnellement. À ton avis, tu fais combien? Je sais pas. Moi, j'ai une invitation, toi, t'as rien fait. Je pourrais gagner, quoi. C'est possible, en effet, tout est possible. Bah, je mériterais de gagner. Ouais. Ouais. Alors, le problème, il y a eu un petit souci, Cédric. Je m'entends te prévenir. Quel souci? Ah, bah, le problème, c'est que il se passe pas réellement ce que t'avais prévu, quoi. Ah merde, alors. Ah ouais, putain, c'est chelou. Non, parce que tu peux pas gagner avec 32%. Non. Ah, bah, non, mais 32%, pourquoi 32%? Parce que tu fais 32%, j'en fais 68 et je t'ai baisé. Mais tu mérites pas 68, gros. Non, mais même moi, je l'ai dit. C'est. Oui, il a été honnête. Tout à l'heure, il nous a dit c'est injuste. Parce que c'est lui qui a l'invitation. Mais bon, je prends quand même la victoire. Hein. Vendredi, vous pourrez vous rattraper les deux. Hein. Enfin, Romano, toi, ça va? Ouais, bon, c'est bon. Hein. Cédric, il y a du rattrapage à faire. Ah, bah, j'aimerais bien. Ah, ouais. Bon, allez, Anissa, t'es prête? Le grand moment est arrivé, Anissa. J'ai peur. Alors, dans un instant, tu seras au téléphone avec lui. Il sera là dans le studio. On va mettre la pub comme ça, après on est tranquille. Et on est tranquille. Et on est bien. Okay. Donc tu as. Ouais. Allez, je vous dis, dans 5 minutes, normalement il est là. Donc on met la pub et un disque si on met 5 minutes, parce qu'il n'y a pas 5 minutes de pub. Trop pressé. Ah ouais, mais on te comprend, nous aussi. Ouais, nous on n'en peut plus aussi. Alors, quand même, j'ai prévu une tenue spéciale pour lui, j'espère que ça va lui faire plaisir. Ah, tu es tellement beau. Ah ouais? Ouais, je suis à poil. Ouais, super. C'est la tenue spéciale, Jules. Donc Anissa, la grande rencontre entre. T'es une des surprises de la soirée en plus, Anissa, nous. Hein. Ah, bah oui. Eh bah oui, on t'a mis dans les surprises de la soirée, tu en as de la chance, hein. C'est pas beau. Ouais. Bon, Jules arrive. Anissa, tu restes là. Il approche. Les autres aussi. Le temps d'écouter Jay Hilfinger et Zion McCall tout de suite pour Juju and the Beat. Le son qu'on se balance tout de suite. Jules juste derrière. Attends, vous tous en direct. J'essaye d'appuyer avec mon gros doigt. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Allez, vas-y, Romano, habille-toi. C'est parti pour la grande surprise. C'est Jules qui débarque sur Skyrock, qui est avec nous. Anissa est avec nous aussi en direct depuis hier. Elle est au téléphone. Elle en peut plus. Elle est au bord du manège. Ouais, elle n'est pas elle n'est pas sortie du téléphone. Elle n'est pas sortie du standard Skyrock. Anissa, tu es là depuis hier soir. C'est pas beau, ça. Ah ouais, c'est pas beau. Jules, avec nous. Tiens, écoute bien. C'est quoi ça? T'écoutes, Anissa? Oui. C'est pour toi. Écoute bien. Grillé, Jules. Ah bah ouais, mais moi, hier, tu découvrais les morceaux à la première. On lui passait une note hier soir et Anissa, elle savait ce que c'était. Mais c'est parce qu'elle flippe, elle nous disait qu'elle avait peur de lui parler. Hier, on lui mettait ça, juste ça. Juste ce petit bruit-là. Hop. Ah oui, on n'entend plus. Ah bah oui. Et ben elle trouvait quand même quel était le titre. Ça fonctionne bien. Rien comme ça, tu savais quel était le titre, là. Bon, c'est quoi ce bordel tout autour, là? Vous me videz le studio, s'il vous plaît. On va faire une entrée majestueuse. Bah oui. Attention. Ah oui, oui, oui, je ne veux que toi, Anissa. Romano, attends, déguise-toi là. Alors, on se déguise. Attention. Oh, allez, allez, c'est parti. Ah, c'est parti, on y va. Romano, habille-toi. Je l'ai mis à l'envers, je l'ai mis à l'envers. Laisse-moi faire. Dépêche-toi. Bon. Attends, je n'arrive pas, mec. L'autre, il est arrivé avec des déguisements tout à l'heure. Il m'a dit ça va faire plaisir à Jules. En plus, non, mais attends, ça va, l'autre tranquille. Il pourrait... Romain, des réseaux sociaux, normal, le mec, il me pourrit la gueule. Ah non, mais il est bête, celui-là, c'est pas bête à côté. Tu sais pas t'habiller. Allez, profite. Touche mon corps. Tes lunettes. Hop, hop. Un bras. C'est bon. L'autre bras. Nickel, voilà, c'est dans bon sens. Voilà. Oui. Attends. Le masque. Oh, que tu es beau, Romano. Attends, aïe, mon nez. Ça y est, t'es prêt. T'es en train de m'étrangler, du con. Ça y est, t'es prêt. C'est du con. C'est bon, nickel, c'est bon, t'inquiète. Voilà, parle bien dans ton micro pour voir si on t'entend. Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Donc, Romano, je magnifique. Je parle par les yeux. Ça, on t'entend, t'inquiète. Bon, et moi, je suis comment, là? Oh, la gueule. T'es Ichi. C'est bon. Ah ouais, t'es Ichi. Où sont les mains? Bon, ça y est, on est prêt attends, pour faire. Attends, deux secondes. Bon, Romano, t'as la machine à fumer attends, il faut attendez, peut-être attends, éteindre attends, un peu la lumière, maintenant. Attends, j'enfile mes... Eh, les gars, elle est devant la porte, hein. J'enfile mes mains. Bon, attention. On file, on file. L'entrée de Jules dans le studio. Bon, Romano, machine à fumer. Attends-toi. Machine à fumer. Merde, attends, il est derrière, il est derrière. Machine à fumer, très bien, attention. Le voici, il arrive. Bonjour, Jules. Très bien, mets-moi mon micro. Bonjour, Jules. Comment vas-tu? Ça va et toi? C'est chaud ce soir, regarde, je vois que des ovnis. T'es l'ovni, bien ou quoi? Oui, ça va bien. Ça va? Ça va? Ça va, toi? J'ai un peu chaud là-dedans. T'avances, il fait bien chaud. Bon, vous voyez marqué un costume au rebelle, j'ai vu, hein, mais bon. Je suis comme dans ton clip, tu sais, t'as, le, t'as la... Mais t'as pas E.T. dans ton clip. Là, il est là, E.T., regarde. Ouais, bah ouais, on l'a avec nous. Non, c'est moi, E.T. Arrête. Regarde. Non, lui, c'est Roswell, lui. Non, mais je suis... Romano, c'est Roswell. Romano, c'est Roswell. Tiens, je te donne le micro, Jules. Fous-toi de ma gueule, tiens. Attention. Regarde, je n'ai que 4 doigts. Merci. Ouais, et tu arrives à faire lancer une violon avec les 4 doigts? Ah, c'est une violon avec les 4 doigts, alors attends, je vais te faire lancer une violon en extraterrestre, bouge pas. Et merci. Et merci. Le problème, c'est que je vois rien. Attends, bouge pas. Oh, c'est chaud ce soir. Tu as vu la fumée et tout? On est dans l'espace. Là, on est dans la soucoupe. Ouais, ça y est. En fait, c'est bon, je viens de comprendre. Fais lancer une violon. Tu peux pas? Il a les doigts foireux, quoi. Bon, bon, Romano. Qu'est-ce qu'il y a? Il est en train de il est en train de mourir dans son truc parce qu'il paraît qu'il fait chaud dedans. Bonjour, Jules. Bonjour, ça va, quoi. Donc, ça va? Ça va, tranquille. Comment vas-tu? Oh, vous êtes des fous. Merci. Non, on se voit plus avec la fumée, quoi. Merci. Tiens, ouais. Oh, la fumée, gros, on voit plus rien. Merci. Merci. Même les extraterrestres écoutent Skyrock, c'est quand même magnifique. Ah, magnifique. Belle la soucoupe ce soir. Ah, putain, t'as vu la soucoupe? Salut, Jules. C'est pas... Ah, excusez-moi parce que j'ai... Ouais, c'est clair. Hé, hey, Jules, c'est moi. Mais en quoi? Tu m'as pas reconnu? Non, il t'avait pas reconnu, bien sûr. On avait juste peur qu'elle ne tienne pas, mais il l'a tenu. Ah, putain. Il faut arrêter la fumée. Ouais, le studio est encore plus enfumé que quand on avait reçu Wiz Khalifa et Snoop Dogg. Ouais. Bah, c'est à peu près ça, on se l'a dit. Hein. Non, c'est-à-dire que la fumée part, mais on a plus besoin. Là, ça y est. Faut arrêter, c'est bon. La surprise, il l'a vu. Hein. Ah. Bienvenue, Jules. Ça nous fait plaisir. Belle surprise, belle. Ouais, tu nous as fait. T'as vu un peu. On t'a fait une entrée à l'américaine. Tu nous as fait une entrée, mais jamais on a fait ça. Bon, Jules, avec nous en direct sur Skyrock, avec vous tous et vous toutes. Et tu sais que tu nous bloques le standard depuis 21h. Depuis hier, soir. Regarde les messages qui défilent. Bon, il y a eu du foot ce soir, c'est presque fini. Hein. Ouais. Mais c'est toi qui es en tête de tout, Jules, ce soir. Allez, ben, ça fait plaisir. Je vois ça. La team Jules, elle est... Ça, t'as vu ça, hein? La team Jules est bien présente, ouais. Ouais, la team Jules est là. Il y a du monde derrière, ouais. Bien présente. Bon, est-ce que c'est... Romano, j'ai une petite question. Oui. C'est... on peut respirer sans problème, sans tomber malade, le truc. Ah non, c'est fait exprès. Hein, tu vas pas nous tweet Jules. Non, ok. Il y a l'album qui est sorti vendredi dernier, ça serait con quand même. T'inquiète, ouais, ça serait dommage. Ouais, c'est clair. Comment ça va? Ah, ça y est, ça sort encore la fumée, t'as vu? Ça sort encore. T'as éteint ça, Romano. Mais je ne peux pas éteindre. Merde. On n'a jamais fait une entrée comme ça. Ah hey. Oh, putain. Hey, si t'as besoin d'un ovni quand tu fais tes concerts, je suis dispo. Hein. Vas-y. Concert à la fin du mois pour toi, Jules. Hein. Ouais, c'est ça. Et ouais. À la fin du mois, on va te retrouver en concert Skyrock. Ça démarre par Marseille. C'est ça. C'est fou, tu démarres à la maison. Tu démarres à la maison. Moi, j'aurais plus fini par Marseille, moi. Ah ouais? Ouais. On me l'a dit, ça aussi, mais. Mais moi, j'avais envie de commencer à la maison, tu vois, pour me. Voilà, être avec. Attends, on va te changer de micro parce que ouais. C'est désagréable, ça grésille. Vas-y, prends celui-ci, Romano. Hop là. Ouais, vas-y. Mais non, on peut pas celui-là. Si, vas-y. Ah oui, ne marche pas. Tiens. Non, parce qu'il y a un réglage spécial dessus. Très bien. Ouais. Ouais, parce qu'on va avoir un petit live ce soir. Quand je dis un petit live, c'est une manière de parler parce que je crois que c'est un gros live. On va faire l'OVNI ce soir. Mais l'OVNI avec une version un peu particulière. Donc toi, tu fais ton OVNI à toi. Ouais. Et puis tu verras en plein milieu de l'OVNI, il y aura une petite surprise pour toi. Ok. Et... Oh putain, il a peur. Mais n'aie pas peur, Jules. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu vois, l'autre jour, ça s'est très bien passé. On est parti faire du scout en Y et tout s'est très bien passé. C'est moi qui devrais porter plainte contre toi, Jules. La dernière fois, t'as failli me tuer. Arrête. Ah si, t'as failli me tuer, on a failli se manger un trottoir. On a monté en Y, en Y, et bam, on a failli finir par terre. C'est toi, tu as vu comme tu me serrais. Parce que je t'aime. Ouais. C'est ça le love. Ah, moi j'avais trop peur. Bon, justement, parlons de love. Il faut absolument qu'on te passe Anissa, parce que tu sais qu'Anissa est avec nous depuis hier soir, minuit. Elle nous a appelé hier soir, à minuit, dans l'émission. Ouais. Et elle voulait absolument te parler, donc je vais te la passer, on va faire les choses simples. Hein. Okay. Anissa, t'es pas sérieux. Allô. Attention. Oui. Je te passe Jules. Allô. Allô. Anissa, faut parler, hein. Non, mais je suis choquée. Hein. Mon bijou. Mon bijou. Ça va, mon bijou, tu m'entends? Viens à côté de moi, Jules, parce que... Ah. Non mais il y a un micro qui me casse les couilles depuis tout à l'heure. Ah bah, y a là, là maintenant, ouais, il y a plus de micro. Ça faut que tu le fasses sur scène. Tu prends un micro, tu le jettes, c'est rebelle, c'est pas mal. Ouais Anissa. Oui mon bijou. Ça va? Mais ça va et toi? Non, ça va pas là, ça fait longtemps que je t'attends. Ah ouais? Et depuis hier, elle attend. Elle se plaint. Je suis en train de faire d'enregistrer là, c'est pour ça. Ah ouais, et du coup, bah vu que j'ai pas beaucoup de temps, je peux te demander un truc. Allez, vas-y. Attention. Ouais, genre tu vois, je vais à ton concert. Et j'y vais toute seule. Et du coup, genre j'ai contacté Kamikaze et ton label et tout. Genre je veux trop que tu m'organises une rencontre VIP. J'ai trop envie de te faire un câlin. Tu sais qu'elle est arrivée hier soir, elle nous a dit qu'elle voulait t'offrir une culotte. Hein. Non, c'est pas vrai, jamais. Non, c'est pas vrai. Bah, attends tous les messages que t'envoyais. Eh ouais, bah vas-y, on va gérer ça. Jules, attends, j'ai pas fini. Ouais. Voilà. Genre, j'avais prévu de me déguiser en ange pour ton concert. En ange. Je me suis dit, tu vas peut-être me voir si je suis déguisée en ange, mais il y aura trop de monde. Du coup, j'ai trop envie de te faire un câlin et je veux aller dans ta loge pour remettre. Ah bah évidemment. Ben on va gérer ça. On va voir comme ça si on fait une photo ou quoi, un truc comme ça. Non mais s'il te plaît, vas-y, assure. Elle te fait la totale. Je te dis, Jules. Elle arrive sa culotte à la main. Elle arrive là. Là. Mais moi je mets pas de culotte. Ah super. Tu n'as carrément pas de culotte. Est-ce que tu as des fans, Jules? Anissa, c'est une fan ultime. Est-ce que tu as déjà des fans qui t'ont fait des trucs de fou ou qui t'ont fait flipper? Qui, moi? Ouais. Non. Eh ben c'est la première. Ah ben voilà. Voilà. Je te la présente. Si tu vois une tarée qui arrive en ange, ben c'est elle. C'est ça. Je suis un ange. Non, tu comptes venir en ange ou... Ouais. Elle va venir en ange. C'est parce que moi je veux partir sur Namek avec toi. Ah, ah ouais, carrément. Putain, dommage, ouais. Là je suis sur la lune là. Ah merde. C'est pas loin. C'est trop près de... Mais viens au concert, tu vas voir. On va être tous sur Pluton. Hein, on va faire donc la lune, Pluton et un gros voyage pour le concert. Hein. Il y a des bons voyages. Je vous conseille les concerts de Jules. Tu disais tout à l'heure que bon, à Marseille, quand tout le monde te reconnaissait parce que t'avais l'habitude, ça va. Mais quand tu te balades un petit peu partout, t'es un petit peu gêné parce que t'es dans ton truc, t'es dans ta musique et tu racontais ça tout à l'heure. C'était dans Planète Rap. J'ai pas compris. Moi non plus. Pourquoi t'as dit qu'à Marseille, quand les gens te reconnaissaient, ouais, ça te faisait rien? Par contre, quand t'allais dans d'autres villes, ça te faisait bizarre? Ben, parce que je sais pas, à Marseille, je me dis comme c'est ma ville et tout. C'est comme dis, c'était bon, des collègues. Ouais, c'est la maison, quoi. Ah, voilà. C'est pareil, ouais, c'est tous pareil. On s'est presque déjà tous vus, je pense, tu vois. Ou peut-être pas tous, mais. Ou alors on a tous des collègues encore. Déjà tout le monde se connaît, tu vois. C'est et quand tu vas dans d'autres villes et qu'on te reconnaît, ça te fait pas le même effet, en fait. Mais non, parce que ça me fait bizarre. Je me dis, comment lui, il est là, il est perché là-bas, là, dans une ville, je sais pas où, il me connaît, genre il m'écoute et tout. C'est peut-être pour ça alors que tu démarres le concert à Marseille, parce qu'en fait t'es à la maison, tu vas te sentir tranquille et ça te permet de te chauffer pour le reste. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et Marseille, voilà, parce que c'est ma ville que j'aime, je grandis là-bas et j'espère que là-bas, je pense que j'aurai plus confiance que si j'aurais commencé. Donc le premier concert, c'est à Marseille. Eh ouais. Anissa, tu es heureuse? Non, je suis pas heureuse. Oh bah, tu casses pas. Ouais, et on y peut rien si Jules il est sur la lune et que t'es pas encore sur Pluton. Anissa, est-ce que tu veux qu'on monte ta photo à Jules? Alors, je vais te montrer, je vais envoyer la photo. Ouais, alors, la photo d'Anissa. Ouais, comme ça, peut-être que tu tomberas amoureux de moi. Ouais, alors là, il est debout à côté de moi, donc s'il tombe, il tombe par terre. Hein. C'est, ouais, c'est clair. Là, je le dis déjà tout de suite. Amoureux, moi, je suis déjà amoureux. Oh, Anissa. Ah, merde. Et voilà, le vent. Mais c'est pas grave, c'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas marquer de but. Oh, ça, c'est bien. Proverbe marseillais. C'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut marquer de but. C'est pareil, une phrase que tu mets dans un de tes morceaux, Jules. Ça, alors, voici Anissa. Alors, c'est elle. Ah ouais, Jules. Ah ouais. Oh. Bon, je vais m'occuper de toi, Anissa, en fait. Jules, il est pas célibataire. Si. Non, non, mais Jules, il est pas célibataire. On va si, pas... Tu veux, si tu veux, j'ai un petit frère, tu vois. Voilà, il y a un petit frère. C'est j'ai moi. Frère. Il s'appelle Difool. J'ai un petit frère, tu as vu, il s'appelle Chico. Bah écoute. Voilà, si c'est jamais... le même en plus jeune. Voilà, c'est le même que moi, en plus jeune. Mais non, je non mais pour une nuit, il s'appellera plus Chico, il s'appellera Jules. Oui, voilà, tu vois. Voilà, et bien écoute, un beau cadeau pour Anissa. Tiens, on parlait de l'OVNI là tout à l'heure, des extraterrestres, tout ça. Si tu devais choisir entre un T-Max et une soucoupe volante pour te déplacer, qu'est-ce que tu choisirais? J'ai pris les questions à la con que vous nous avez laissées sur le 41759. Ça, c'est Aline qui nous l'a laissé tout à l'heure. Un soucoupe. Hein. Un soucoupe. Bah, ça va plus vite. J'arrive au quartier en soucoupe comme ça. Normal. Personne ne l'a, celui-là. Le mec atterrit au milieu. T'sais. On parlait de tes concerts, Jules. Pour tes concerts, c'est quoi? Et sur scène, il y aura des ovnis? Question qu'on nous a posée également plein de fois tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura des ovnis sur scène? Est-ce que tu vas arriver dans un ovni? Ben, il y aura l'ovni qui est devant nous là. Il est oh, là. Ben non, t'es embauché. Voilà. Il faut qu'on voit combien c'est payé, voilà. Par contre. Non, ouais. Parce que j'ai des frais, moi, le costume et tout ça. Tout ça, ça coûte cher. J'ai un bel ovni en aura. Sur l'album, t'as un titre qui s'appelle J'ai fumé ma ganja. Mm. Est-ce que c'est ça qui te permet de rentrer en contact avec les ovnis? Oui. Ah. Comme ça, c'est clair. On a dû voir les mêmes alors. Très bien, tu les salueras pour nous alors. Hein. Et ouais, c'est la toxique de l'évêque. Ovni, c'est parce que toi, t'es un peu un ovni dans le rap. On te considère comme un ovni dans le rap, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que je suis intelligent. Ouais, qu'il est fort, qu'il est fort, E.T. C'était pas évident du tout en fait. Mais on t'a déjà dit, t'es un mec bizarre, tout ça. Ouais. C'est vrai. Mais pourquoi tous les jours. Pourquoi on te trouve bizarre? Je sais pas, pour rien. Qu'est-ce qu'on nous a demandé aussi? Tiens, dans le clip, on m'appelle l'OVNI. Il est sorti il y a pas longtemps d'ailleurs, le clip là. Ouais. C'est quand? C'est vendredi, non? Moi j'ai vu ce week-end, je pense. Il est marrant le clip avec les petits ovnis et tout. Ouais, tu ouais. Ouais, ouais, c'est marrant. Ouais. Ouais, j'ai tenté un petit truc. Tranquille. Alors dans le clip l'OVNI, on m'appelle l'OVNI. Mmh. Les ovnis ont la même coupe que toi. Est-ce que la mèche blonde est aussi à la mode sur les autres planètes? Je vois que ça, c'est Idir qui nous a posé la question. Je vois que vous êtes dans un bel état, vous aussi, ouais, ce soir. Pas mal, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une coupe d'une autre planète. Il y a que moi qui l'a fait. C'est la coupe d'une autre planète. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous avait demandé de marrant aussi? Tiens, si tu vois une question qui te fait rigoler. Hein. Si un extraterrestre frappe à ta porte, te propose de choisir entre être invisible pendant une heure ou immortel, qu'est-ce que tu choisis? Ah oh bon, je sais, moi. Immortel. Hein. Ah, immortel. Bah ouais, pareil. Bah, c'est clair. Du Joule jusqu'à la fin des temps. Attends, mais invisible, c'est bien aussi, oh. Ah, ouais, c'est vrai que ça peut être pratique. Ça peut être bien, t'as vu si. Ouais, mais bon, qu'une heure, bon. Ouais, bon, ouais. Après, c'est pété. Tu ferais quoi si t'étais invisible? Si j'étais invisible. Ouais. Ah putain, tu vas. Romano, t'irais quoi? T'irais dans une banque voler des gens? Ouais, c'est clair. Aussi, tiens. On ira ensemble. Ouais, ou alors tu vas. J'aurais pas eu de sous, que j'aurais pu être invisible. Pendant une heure, j'aurais fait un truc comme ça, je crois. Ah ouais? À la douche. Ouais, tu vas visiter quelques banques. Tu vas dans une douche avec Marie, sinon. Ah ouais, aussi. Non, mais tu vas écouter ce qu'on raconte sur toi et tout ça. Tu sais, les gens qui parlent dans le. Ah non, moi je serais allé, moi. Ah bah non, moi je vais piquer du pognon. Tu fais comment après pour cacher le pognon si t'es invisible? Le pognon, il vole. Ouais, ils volent, ouais. Normal. Tiens, vous savez combien il y a de gens qui ont vu des ovnis en France? Ça, c'est hallucinant. Il y a pas que toi, Jules. Hein. Ah. Il y a 4 millions de gens qui ont vu des ovnis. Ouais, quoi, qu'on peut-être cru en voir, surtout. Ouais, ou qui étaient bourrés, ou qui avaient fumé du ganja. Ça, ou fume la ganja de l'album L'OVNI. C'est ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on nous a demandé d'autre aussi sur les questions sur ton album? Tiens, on va prendre Léo, puisque vous êtes là. Ah oui. Ouais, Léo qui nous a appelé tout à l'heure. Salut Léo. Ouais, Léo. Ça va? Ça va, Léo? Ouais, Léo. Ça va et toi? Eh bien. Ça va? Bien, Léo. Léo et Jules. Ça va quoi? Ça va. Ça va, Jules, le sang? Bien et toi? Ça va? Ça va. Et merci. Ça va, et merci. Et merci. Hein. Et merci. Et merci. Alors, t'as Jules en face de toi. Tu voulais lui parler. Qu'est-ce que tu voulais lui demander à Jules? Ouais, je voulais lui demander comment ça se passe quand t'enregistres des sons, tu mets beaucoup de danse, c'est difficile et tout. Quand il y a beaucoup de gens, tu veux dire? Non, tu mets beaucoup de temps pour enregistrer tes sons. Ah non, le maximum, je crois, pour faire un son, ça me prend 4 heures, je crois. 4 heures. Tu le fais tout seul ou tu es au studio? Tout seul. Comme un grand. Mais quand tu dis 4 tout heures, seul c'est chez moi, dans ma chambre. C'est l'instru et tu poses les. Ta ouais, voix. Je fais l'instru. Ah, tout, le titre complet. J'arrive, je fais l'instru, j'écris et. 4 heures. Et c'est moi qui m'enregistre aussi. Comme et ça. Selon l'instru, tu décides du sujet, quoi. En ça fait, moi, je fais pas de sujet. Genre, je dis tout le temps ce que je pense ouais. D'un coup. Tu laisses ça, quoi. J'ai pas trop de thèmes. C'est pour ça, des fois, mes titres, ils rigolent de mes titres, mes fans. Parce que ma team, elle rigole de mes titres parce que des fois, je te jure, genre, tiens, il faut que je mette un titre en gros. Sinon, j'aurais laissé blanc le truc, tu vois, j'aurais rien mis. Ils sont là, ils se disent, mais putain, la ganja, elle est bonne ce soir. Ouais, c'est ça. Elle est pas mal. Mais genre, là, t'en as combien en stock? De quoi, 200? Ouais. J'ai. Oh putain, attention. Trentaine de sons, je crois, un truc comme ça. Oh bah, déjà deux albums, quoi. Ouais. Ou un seul, parce qu'il en met beaucoup. Ouais, c'est vrai. Après, ouais. J'en mets beaucoup. Il y en a beaucoup que je mets pas, tu vois. Je prends vraiment ceux qui me plaisent le plus. Je veux pas donner de la merde. C'est bien, Joe. Et Joe, au concert du Zénith de Paris, tu vas mettre quoi comme titre? Ben, je vais en mettre. Il y en a beaucoup. Il y a toutes celles, à mon avis, toutes celles que tu aimes bien, tu vois, je pense. Ouais. Je moi, pense. J'aime tout, moi. Moi, ouais, j'aime tout, et ben. Et tu parlais du titre. Hein? Tu parlais du titre, on s'en fout du titre. Si le son, il est bien, c'est bon. J'ai pas compris. Parler du titre, on s'en fout du titre. Si le son, il est bien, c'est. Si le titre, il est bien ou nul, si le son, il est bien, c'est bon. Ok. Ah voilà. Il a toujours pas compris. C'est son avis. Pas cool, allez, oh. J'ai pas entendu. J'ai vraiment pas compris. Ouais, c'est tiens, il est de 92 région parisienne aussi. Donc, la prochaine fois. En tout cas, gros big up à toi, Léo. Ouais, c'est cool. Gros big up, Simer. Je peux faire une dédicace? Ouais, vas-y. Ouais, je dédicace tout le monde. Landers, la CLB qui m'écoute. Aswan, Johan, Lerso, tout le monde. Même ma cousine Faroun de Marseille t'écoute tous les jours. Même ma mère, elle t'écoute tous les jours. Oh. Gros big up à elle, gros big up à ta famille, à tous tes potos. Je leur fais une grosse merci dédicace. Tout. C'est la famille merci Léo. Tout, t'es le sang. De rien. Ciao Léo. Ciao. Merci tout. Léo. Ciao. Salut Ciao. Léo. Tiens, il y a Marouane tout à l'heure qu'on a eu au téléphone qui est là qui voulait savoir combien tu vas sortir dans l'album. T'es là Marouane hein? Ouais. Combien d'albums tu vas sortir l'année prochaine? En 2017. Parce qu'il y en a eu 4 cette année, non? Ouais, il y en a eu 4. Deux gratuits, deux payants. Voilà, c'est ça. Mm. Ben, l'année prochaine, je vais gamberger un peu, mais je pense que ça sera dans ces eaux-là, tu vois. Je pense que ça sera dans pareil. Ouais. Ou peut-être un peu moins. Ou toujours pareil, pas de vacances, peut-être quoi. Peut-être un peu moins. Toujours pas de vacances, non, il n'y a pas le temps. T'as pas envie parfois de bouger un peu? Bien sûr, je vais m'en faire des petites, là, après les tournées et tout ça. J'espère. Pas des grandes vacances, un grand voyage, mais peut-être aller prendre l'air quelque part, je sais pas où. Attendez, vous rêvez tous de partir en vacances tout le temps. Jules, lui, il ne part jamais en vacances. Il a des choses à faire. Il s'enferme, il fait des sons. Ah ouais, tu bosses tout le temps, mais tu prends quand même un peu de temps pour ton amoureuse. Là, tu disais que t'étais amoureux, mais c'était ouais, tout le temps ouais, sur ton truc. Je prends du temps, quand je peux, oui, je prends du temps. Bon, il faut. Et l'année prochaine, donc, c'est 4 albums peut-être, ou alors 3. Romano a préféré les albums gratuits, lui. Ah ouais, ceux-là, ils sont excellents. C'est payant, c'est. Quand c'est gratuit, c'est marrant. Quand c'est gratuit, il y a un truc en plus, tu vois. C'est fou, hein. T'as vu Chiquita? Chiquita, ouais. C'était ça le truc en plus du gratuit. Ouais, mais Chiquita, il est sur les deux. Chiquita, il est sur les deux, ouais. Parce qu'il a fait celui-là, il a fait un carton. C'est un truc que je m'attendais pas. C'est une bonne idée d'avoir mis sur le dernier aussi. Ouais, j'ai vu que les vues sur YouTube déjà, elle. Comme tu dis, quand tu dis elle, c'est. T'en as combien, pété, en plus j'ai pas fait de clip et tout ça, j'ai dit ben. On l'envoie dans l'album. Eh ben on l'envoie. Bon, nous on l'envoie sur Skyrock. On va l'écouter, Chiquita, d'ici tout à l'heure. Bon, si vous avez un truc à demander à Jules, vous y allez au 41759 sur l'appli Skyrock. Vous nous laissez vos messages. Alors, Romano, la deuxième, troisième ou quatrième surprise, je sais plus où on en est, de cette soirée. On en est où alors? Bien, tu veux qu'on utilise le truc, le gaz ou pas? Ouais. Ah oui. C'est, ça, t'avais oublié ça. C'est vrai, j'avais ça, oublié. C'est la meilleure des surprises. J'avais oublié. Quel gaz? On te l'a pas dit, Jules. Il on a la tribo là. C'est pas. Alors, le gaz. Ah oui, c'est pas con ça, tiens. Bon, on va s'en occuper dans un instant. Non, mais c'était le morceau, Romano. On va écouter Chiquita là. Ouais. Et puis, juste après, on aimerait bien l'OVNI. Non, en fait, on aimerait bien l'OVNI ce soir. Parce que bon, tu as vu avec la gueule que j'ai là. Hein. Ouais. Et moi, je danserai autour de toi déguisé en OVNI, voilà, ça ne te dérange pas. Ah bah ça va être sympa ça, tiens, ça va être joli. Pas de près. Non, mais j'ai dit, je suis près de toi, je m'ai dit que t'allais faire. Je vais pas te faire une lap dance non plus, hein. Tu vas faire une lap dance? Non, mais je vais pas m'asseoir sur ses genoux, coller mon cul dans le nez, non. Avec ton masque de. Non, mais tu fais comme dans les clubs de striptease avec les meufs. Ouais, non, mais. Cette Jules, c'est là-bas. Non, parce que la dernière fois sur le zip, tu étais trop collé, genre. Ouais, mais. Non, mais oui, mais tu m'as, je sais pas, tu m'as fait flipper sur la moto. Ah ouais. Ah bon, on n'avait pas vu ça, tiens. Bon, Jules de retour, on écoute Chiquita et on te retrouve dans un instant sur Skyrock et vous tous en direct. directo aussi, hein, au 01 53 40 30 20 jusqu'à minuit, la plus grande radio libre de France. Oui. C'est là, c'est sur Sky. Skyrock, de 21h à minuit, radio libre spéciale, Love Me, Joule et T-Fool sur Skyrock. Ouh. Eh ouais. C'est un poème. T'as vu un peu. Alors, eh ouais, j'ai vu. T'as entendu même. Oui, t'as plus entendu, ouais. Joule avec nous sur Skyrock, vous tous en direct aussi, et Chiquita qu'on vient d'écouter sur Sky. Chiquita, une belle histoire ce morceau, Chiquita. Ouais. Ça t'est venu quand, Chiquita? Ça m'est venu genre 2-3 semaines avant l'album gratuit. 2-3 semaines. En fait, l'album est sorti 2-3 semaines après et le titre n'existait pas un mois avant. C'est fou, hein? Ouais, ouais. C'est vrai. Ouais, il bosse. Mais vite. Chiquita, pourquoi Chiquita? Mais Chiquita, ça veut dire quoi? Petite? Bon, je sais. Fille, même. Ça veut dire fille. Ouais, non, ouais, c'est ça. Chiquita, petite. La petite, genre. Genre, comme la petite Marseille. Chiquita, quoi. Voilà, tu as vu, à Marseille, genre. Un poteau, il va voir une fille, il va dire je vais voir la petite. Tu vois. Et merci à la petite de me séguer le pied. Attends, et merci à la petite. Et merci. Merci à me séguer le pied, la petite. Merci. Bon, ambiance un peu ovni ce soir dans les studios de Sky. Après l'ambiance scooter de la dernière fois. Merci. Bon, Joule, on va te gazer, on va faire une version un peu spéciale de l'ovni. Merci. Vous écoutez bien dans l'ovni de Joule. Et donc, des ballons à l'hélium. Parce que... Joule, il veut. Ah, tu en veux un? Ouais, vas-y, Joule, vas-y. Donc, attention. Bonjour, je suis Bifoul. Comment vas-tu, Joule? Est-ce que t'as la pêche ce soir? Ça va, on est là. Oui, ça défonce. Vas-y, Joule, mais ça défonce en plus. Ça défonce. Hein. Ah, c'est la première fois qu'il fait. Hey, mais en fait, il prend une bouffée, il se trompe de micro déjà. Ouais, je suis allé l'OM. Et merci. Et merci. On refait l'OVNI. Et une version de l'OVNI que vous n'aurez jamais entendue, que vous n'entendrez plus jamais après. Hein. Et merci. Et ça serait pas mal si on faisait de la... Attendez. Vas-y, renvoie des ballons, là. Ouais, t'imagines, on fait de l'émission toutes les soirs comme ça. Bonjour, c'est Difool, comment allez-vous? C'est sympa. Ça va? Oh, bah c'est Joule. Ça va, Joule? Dis donc. Ça va et toi? Ouais, écoute, pas mal. Pépère? Ouais, Pépère, comment ça va? Là, tranquille. Ouais, tranquille. Ça te va bien? Ah, bah, tranquille, là, on est là, filmer la ganja. On fume la ganja et on prend des et ballons à l'hélium. Un ballon, moi. On prend les ballons à l'hélium. Et merci. Merci. Hein. Bon, alors, Mano, je prête mon ballon. Ah là, tiens, prends le ballon. Moi, je me sens de faire tu sais, le live comme ça. Ah ouais, ouais, on va le faire comme ça, le live, ouais. Hop là. Ok, merci. Ouais, ça te plaît, t'as préparé des ballons là. Pas depuis le béton. J'ai des potes qui sont béton. Attends à moi. Je suis dans ma paranoïa. Paranoïa. Il y a des gens qui critiquent. Il faut m'en refaire un. Ah, t'es bon ça. Il y a des gens qui critiquent l'autotune, mais on a trouvé pire que l'autotune. Hein. Ah, ça, une autotune pas chère. Ouais, pas cher. Pas cher, l'autotune. Bonjour. Je cours après le temps, je suis loin de tout. On l'appelle l'OVNI. Bon, l'astru, c'est moi qui l'ai, l'astru de l'OVNI. Ouais. Ah, la voix de merde. Donc, c'est moi qui masque, moi. Ah ouais. Mais non. Hop là. En fait, la voix, elle revient plus normale. Non, jamais. Et merci. Alors, donc, moi, je balance l'astru. On vous fait une version en exclu. Et en plus, je crois qu'un extraterrestre interviendra pendant le morceau. Ça, c'était une des dernières surprises de la soirée. Mais décidément, on en est à quoi? 5-6 surprises. Ah, ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Hein. C'est la folie. Tu es qui parle, toi? Ah ben, je suis l'OVNI. Hein. Ah, tu es l'OVNI, d'accord. C'est l'OVNI. C'est lui l'OVNI. Bon, Joule, vas-y, branche ma chambre. Ah, c'est moi qui balance le truc. Je montre le truc. Okay. La tranche 4. Tranche 4. La tranche 4. Ah, vas-y, Joule. Parle dans celui-là, va. Parle dans celui pour voir. C'est la crise au Québec. Hélium plus au Québec. C'est Joule sur Skyrock. Et pourquoi moi, ça marche pas? Parce que tu sais pas faire. Si, ça l'a fait un peu au début. Si, ça l'a fait. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Ding, ding, ding, ding, ding. On m'appelle l'OVNI. Ming, ming, ming, ming, ming. On m'appelle l'OVNI. Ok. On est chaud? Allez, on est chaud, on est chaud patate. T'es chaud patate. C'est parti. Bon, moi, je balance le son et on y va, Joule. L'OVNI sur Skyrock dans la radio libre, version extraterrestre. Mais la vraie. Ok, Joule, on m'appelle l'OVNI. C'est sur Skyrock. Dans la radio libre. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Je suis parti, je squatte plus le béton. J'ai de mes potes qui sont béton. Je sers que ça retourne sans veston. Ils se reconnaissent dans mes sons. Alcoolisé au guidon. Je fais des doigts d'honneur au Schmitt. Faut voir ce que nous vivons. Entre les histoires et les fuites que ça m'étonne. Même plus je m'étonne. Et si mon heure sonne, pleure pas, rigole. J'ai ma team, pour ça je m'en tape la promo. J'ai la rime, je peux y arriver, ça serait beau. Je suis loin de tout. Que il parle de moi, il me casse les couilles. Je suis dans l'insomnie. Je suis dans l'insomnie. J'ai même plus à one mec. On parle plus, ils jalousent. On a le truc, je les comprends pas, faut que je parle cru. Trop d'attentes, peut-être que je sors trop d'albums. Je sais pas, je trouve ça son match. Il me dit c'est la bombe. Regarde, je fais comme je peux, je ne sais pas dire. Non, c'est fini. Nous en plus, c'est trop loin que nous vivons. Une critique. Ben ouais, fais le site, tout le sang, plaque à tri le radar. La galère, oui, on l'a connue. Couteau dans la plaie, ils aimeraient qu'on revienne. Je donne un podium. Ah, je cours après le temps, je vois de tout. Que il parle de moi, il me casse les couilles. L'insomnie. Je suis dans l'insomnie. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. En direct de Diffo. C'est Jules sur Skyrock. Et là je suis chaud. C'est Jules en direct sur Skyrock. Merci, j'ai mal à la tête dès que je vais tomber. On m'appelle l'OVNI. Ils m'ont mis en film avec l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Ah oui, je suis. On m'a dit merci. Merci, Jules. Et merci. Merci. On dit quoi? On dit merci. Et merci. Et merci. Merci. Merci à Jules. Et merci. Ah, la voix. Oui. Vous êtes bien sur Skyrock, ah c'est ouais. Bien Jules. Moi je suis bien Diffoul, toi tu es Romano. Ah c'est bon. Et merci. Merci. Une question Jules, est-ce que tu as la tête qui tourne? Ah oh, j'en peux plus là. Ah putain, ouais. Je vais tomber là. Ah ouais, c'est l'hélium, c'est pour ceux qui nous demandent là. Excellente cette nouvelle version, magnifique. Ouais, très bien. Et un jour t'es en panne d'autotune, tu te prends de l'hélium. Hélium. Non, tranquille. Ça marche très bien. Non, merci, c'est bon, merci. Ça y est. Non, ils sont sympas, ils font tourner les ballons à l'hélium. Ouais, bah ouais. Ouais, par moment on fait tourner d'autres trucs, là on était sur les ballons. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non mais c'est, je m'ai un peu étouffé. Ah tu t'es un peu étouffé hein. Ah. Eh, hey, on m'appelle l'OVNI. Et l'OVNI, mais t'es pas... Oui merci. Attends t'es parti sur un autre morceau. Ah ça y est, je viens d'essayer. Oh putain là, la voix. Marie. C'est horrible. C'est Marie. Bah non mais j'avais laissé les ballons à tout le monde. Il y en avait un qui traînait, je viens de le prendre. Ouais, ah c'est bien. Bizarre. Ah, Marie, et ah j'aime pas. T'as remarqué Jules, dès qu'il s'agit de prendre des trucs, la Marie elle est là. Ah mais bien sûr. C'est vrai hein, tout le temps. Bon, tu es fou. Et, elle est folle, là, par contre. Hein. Mais pour non, vrai, hein. Bah non, je vois pas de quoi tu parles. T'aimes bien les fous, toi, Jules, non? Moi, je suis fou, moi. Les gens pas normaux, hein, t'aimes bien. Bah ouais, c'est plus drôle. T'es, t'es le bienvenu ici avec bah, nous. Bah bien sûr. Tu as plusieurs exemplaires. Bon, Jules, si on pouvait te faire un gros cadeau, parce qu'il y en a plein qui t'aiment, plein qui te laissent des messages. T'as vu les messages qu'on a eu depuis tout à l'heure? Marwan, Léo, Anissa, qui est même capable de t'envoyer sa photo et de, merci, t'offrir, hein. Et de t'offrir sa culotte. Qu'est-ce que le truc le plus beau que tu pourrais souhaiter pour c'est toi? La crise au... C'est la crise, oui, Romano. Ah, c'est la crise au mic, mec. Oh, regarde l'autre, il est défoncé, là. Regarde, non, mais moi, je m'éclate, moi. Non, mais... Ta voix, tenue, regarde. Ma voix, elle revient plus normale, par contre. Tu dirais un gourou. Avec ton truc, là. Et vous allez nous écouter demain matin, on n'aura plus de voix. Redis-moi ouais. Ce que tu m'as dit. Je sais pas, un truc... C'est l'hélium qui m'a... Oui, moi aussi, je suis un peu... Mais c'est pas grave, c'est encore pire que quand Wiz Khalifa était venu. C'est que l'émission, moi, j'ai terminé, j'étais à quatre pattes dans le studio. L'autre, il m'a couché. Ah ouais, laisse tomber. Donc là, je suis un peu pareil. Et la Marie, par contre, toi, t'aimes bien noter avec son ballast. Moi, j'aime bien, moi. La Marie, elle en a mis un de côté, elle ramène chez elle. Ouais. Non, t'as pas fumé la ganja de Wiz, mais est-ce que. Que tu dis ? Est-ce que. C'était là ou c'était pas là ? C'était bien là. Ah, c'était là. C'était bien là avec. Bon, oui, le truc qu'il faut te, le truc qui pourrait te rendre le plus heureux pour l'année qui vient, le truc qu'on peut te souhaiter à toi, c'est toujours dans la musique ou c'est un peu d'autre chose ou c'est... Peut-être de faire un, de réaliser un film ou une série, un truc comme ça, un truc de, un, dans les deux. C'est ça que le. Ah ouais, sur quoi ? Sur ce que je vois, c'est tout, sur toutes les idées que j'ai, ouais. Que j'ai pris sur, en, sur le quotidien, quoi, tu mais vois, pas un truc sur Marseille, non si. En racontant la vie, du la vie, la vraie vie, genre, ouais. Tu vois. Tu raconteras ta venue, ouais, dans le studio avec Romano habillé en gourou. Vraiment d'écrire les, d'écrire les moments que. Les moments qui ont marqué ta vie. Voilà, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Mais de toute façon, ouais, gens, j'ai à peu près compris comment tu bosses. Toi, t'es assez actif. T'as envie de faire un truc, tu te poses, tu fais ton truc. Après, le truc qui sort, tu l'enregistres et c'est fini. Voilà, c'est ça. Et pour la série, ça sera pareil. Pour la série, je sais pas, parce que ça, c'est pas mon domaine. Mais j'aimerais bien partir dans ça, tu vois. Eh. Partir dans. Mais t'aimerais jouer dedans ou juste l'écrire ? Les deux. Bon, tant qu'à faire. Bah ouais, c'est vrai. Vas-y, Romano, toi qui voulais démarrer une carrière d'acteur, je te présente le futur metteur en scène, Jojo. Non, mais tu vois, ça, c'est pas un truc qui m'intéresse spécialement. C'est vrai. Bon, en même temps, je n'ai jamais eu de proposition non plus, donc. Oui, ouais. Ah bon, mais pourquoi non, mais je sais pas, tu vois. Je vais dans un film, non, c'est pas un truc qui me. Eh ben écoute, tant mieux. Bon, il y a des gros cachets quand même à prendre. Mais... Ah, ouais, ça peut t'intéresser. Non, mais ouais, mais c'est pas un truc, tu vois. Je préfère faire de la radio, par exemple. Bah écoute, faire ça, du cinéma. Ça tombe bien parce qu'on est à Skyrock, tu oui, vois. Puis le cinéma ne m'a pas appelé. Non, pas encore. Eh ben Jules, on te le souhaite ça pour l'année prochaine. Merci. Ouais, et puis la tournée, il n'y a que 4 dates pour l'instant. Alors une question qu'on nous a posée, je sais pas. Mais des grosses dates, hein. 250 000 fois. Est-ce que bon pour l'année prochaine, il y a d'autres dates de prévues ? Est-ce que comment ça va se passer ? Parce que ça, on nous a posé des questions de toute la France. Mais je pourrais pas dire, j'ai pas des dates de prévues, mais je sais qu'il va y avoir. Ouais, il y aura des trucs. Il y aura des trucs, ouais. Donc pour ceux qui ça sont pas. Il y aura des très grosses. J'espère si j'arrive à faire ce que je veux faire. Il y aura une très grosse surprise en fin d'année de l'année prochaine. D'accord, bah déjà la grosse surprise de cette fin d'année, enfin c'est plus une surprise parce qu'on le sait depuis 2 mois à peu près, 2-3 mois, la tournée, 4 dates en France, ça commence par le Dôme à Marseille, à Paris, à Amnéville et Nantes, non c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Ouais. Et tout ça, de tête, malgré que je sois défoncé à l'hélium. C'est et ça, je tiens quand même à le dire, c'est quand même une. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça tape un peu sur le crâne. Ouais, c'est vrai que j'en ai un peu trop pris, moi. Tout le monde couché là. Moi, je vais aller dormir un peu, moi. Ouais. Sauf qu'il nous reste à peu près 1 heure d'émission à faire. Il y a un ballon au plafond et tout, vas-y, continue. Ouais, vas-y. Non, mais c'est bon. T'es défoncé, Samy, il n'y a pas de ballon au plafond. Ah ouais, si, j'en vois un. Ah, je vois un ballon de l'OM au plafond. Oh là, mais qu'est-ce que c'est. C'est vrai que ça monte à la tête, votre truc là. Alors, c'est la fumée, peut-être, je sais pas. Bon, il y avait Nico qui est au téléphone avec nous qui voulait te parler. Jules, et puis évidemment tous les soirs t'es dans Planète Rap jusqu'à vendredi, hein. Je dis ça pour les fans là, qui sont là ouais, ce soir. Ouais. Il y a du Jules, c'est la semaine Jules sur Skyrock. Ouais. Ça va péter ça. Ah, ça pète, oui. Comme ta tête actuellement là, pareil. Nico. Ouais. Nico. Donc toi aussi tu voulais parler à Jules. Fais-toi une porte-parole de tous ceux qui voulaient ouais, passer. Ça va ou quoi ? Ça va. Ah, je t'écoute depuis tellement longtemps. Allez, ça fait un truc de fou depuis le White, tu vois. Oui, Je vois. Que je vois. Quoi, ah putain. Ah, tiens, comment c'est... on peut faire pour avoir des places VIP? Mais moi, je suis frappé, moi. Tu fais gratter en fait. Tu es d'où? Dijon. Moi, Dijon. Il y en a pas. Dijon. Ah, mais moi, je paye. N'importe où. Ah, par contre, d'ailleurs, bon, tant qu'on y est, je vais demander aussi. Moi, par contre, je ne paierai pas. Ouais. Mais j'aimerais bien éventuellement parce que. Oui, j'aimerais vrai. Bien avoir 2 places VIP moi. Donc en gros, y a tu pas as pas de soucis. Parce que j'ai demandé à Cédric, mais je sais pas, il était incapable de me. Faut que tu viennes déguiser par contre. Ouais, bah ouais. C'est la condition. Si c'est que ça, bon, je viens en OVNI. Non, après, pour te donner. Comment je pourrais faire pour te donner une place? Et vous venez non, mais à la limite, ce que tu fais, Jules, tu m'en donnes 3 et j'en revends 1. Ah, non, mais l'autre. Pas bien, il veut trop rendre la place. C'est quoi le plus gros concert que t'as vu, toi, Jules? Moi, le concert que t'as préféré? J'ai jamais vu un concert. T'as jamais vu ah un ouais, concert. Jamais. Non. Et comment tu fais un concert alors? Mais t'as vu des concerts à la télé, t'as vu des transmissions? Non, je suis allé sur YouTube, j'ai regardé un peu vite fait Psychiatre. Ouais. Ah oui, j'ai vu le concert d'Alonz, mais pas en mode public, je l'ai vu de derrière, t'as vu? Ouais. Ah ouais. Et sinon, j'ai jamais vu non live. Je regardais que les concerts de Psychiatre. Ça va te faire bizarre monter sur scène. Bah ouais, c'est pour ça que je me disais. Ouais. C'est surprenant. On va assumer. Bah, il va falloir. T'es bien obligé. Bah, ça approche, hein, c'est J-12, non J-11. Comme ça, je sais même plus. J-11. Bon, J-1 avant Planète Rap. Bon, bien vu, Nico. Mais t'as peur. Des fois, j'ai la boule, mais quand je refais mes répètes, après, je me dis, ah, c'est bon. Ça prend la confiance. Disais, ouais. C'est bon. Quand j'ai fini la répète. Bon, bah, en tout cas, vous serez à Marseille au concert de Joe. Est-ce qu'à Marseille, il y aura des surprises qu'il n'y a pas dans les autres villes? À Marseille? Parce que moi je vais venir te voir à Marseille, tu vois. Ouais, Samy, il aimerait qu'il y ait des footballeurs qui viennent. Non, même pas, parce que les footballeurs vont pas chanter. Mais tu vois, ils vont peut-être artiste... mieux pas. Ouais, voilà. Surprise, si c'est cool. Après. D'autres artistes, tu vois, avec toi ou. Eh ben, c'est une petite surprise. Alors, faut pas le dire. Et donc, les surprises, alors, c'est on pas a les surprises. Gros big up à Jules, il m'a fait gagner la PS4 Pro le 26-11. C'était l'invité mystère. Ah ouais, on avait joué avec toi un matin. Ah ouais. Tiens, j'avais une question à la con qui n'a rien à voir. Bah, avec plaisir, Romano, vas-y. Non, mais juste une question, tu sais, sur le son My World. Ouais. Bon, c'est Barbie Girl, le sample. Mm. Mais c'est à la base, c'est t'aimais bien Barbie Girl ou c'est. I'm a Barbie Girl. Ah ouais, donc t'aimais bien, ouais. C'était quand j'étais petit, en fait, tu vois. Ouais, donc, ouais. C'est quand j'étais petit, je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'il est marrant, son. Ouais, mais j'aime bien son aussi. Après, t'as compris, je vais pas m'écouter du Barbie Girl, là. Non, mais oui, je me doute, oui. Non, si. Si, rentre dans la voiture et c'est Barbie Girl à fond. Les potes, les potos, ils en peuvent plus, là, derrière. Venez témoigner, les potos. Mais attention, j'écoute de tout, hein. J'écoute beaucoup, j'écoute de la variété, j'écoute de tout. C'est quoi le truc qui est le moins avouable et que t'écoutes, toi, Jules? On avait fait ça dans l'émission. Il y avait quoi? T'avais dit quoi, Romano, le truc le moins? Non, moi j'aimais bien, bah, un peu dans le style Barbie Girl, là, c'était le truc là. C'était qui l'avait repris? FL65, c'était. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il y avait Florida. Ouais, il y a Florida. Florida avait repris ça. Bah, comme Rihanna avait pris Ozone, là, le truc. Moldave. C'est Diego. Mais là, moi, j'ai arrêté un peu de prendre les reprises parce qu'après, tu es toujours obligé d'avoir les droits, les machins comme ça. Ah, il y a moins d'argent qui rentre. Non, mais surtout des fois, les mecs. Mais c'est surtout casse-couille. Ouais, c'est ça, tu te fais chier. Non, mais il y a déjà des mecs qui ont fusé. T'avais fait un truc avec un vieux son et t'as été les voir, les mecs, ils ont dit ouais, non. Je sais plus c'était quoi. Non, j'avais que eu un problème sur My World, c'est tout, mais au final, c'est arrangé. Ah, parce que, genre, tu fais un morceau, il te plaît, tu le trouves cool et tu peux pas le sortir parce que t'as pas les droits. Si, ou tu le balances gratuit sur le net, quoi. Il y en a, ouais, il y en a plein que j'ai fait comme ça. Enfin, plein. Ouais. D'abord, 2-3 que j'ai repris. Et c'est quoi là? J'avais repris un truc. C'était quoi déjà? Ah. Comment il s'appelle? Boniem. C'était quoi la musique? Matt Baker. Daddy Cool. Daddy. Non, Daddy pas, cool. Pas Daddy Cool. C'était Baker. My Baker. Ah, My Baker. My Baker. Et c'était pour quel titre ça? Je sais plus c'est quoi. Non, c'est moi, je l'ai repris dans un son, mais je l'ai jamais sorti en fait. Ah, mais d'accord. J'ai le son et tout. Je l'écoute moi et tout, mais je le sors pas par rapport à. C'est le seul artiste qui fait des sons, mais qui les écoute pour lui tout seul. Il se la kiffe tout seul en fait. C'est pour personne d'autre. Mais là, tu l'as pas là sur toi? Non. Parce que nous on le récupère et puis. Non, mais bon, comme ça, histoire de passer un petit bout quoi. Il passait bien en plus. Hein. Et en dommage. Plus, ouais, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc tu fais un son, il te plaît, mais tu peux pas le sortir. Ouais, c'est ça. Bon, bah tu l'écoutes à la maison, ça le vrai c'est luxe. C'est un peu con. Après, il faut faire des chiquetas. Ouais, c'est comme si nous on faisait une émission, ouais, mais tout seul dans sa chambre. Hein? Je suis tout seul dans ma chambre ce soir, je finis l'émission de radio. Ouais, c'est ça pareil. Sera un peu difficile sur tout le monde. Hein. Ouais. Exactement, vous me manqueriez. Marie, elle se place. Non, je parle des auditeurs. J'habite à la maison, Marie. Je parlais des auditeurs. Bon, ben merci en tout cas. Allez, à vous tous et à vous toutes. Tiens, il y a Poto du 95 qui l'a envoyé au moins 30 fois la question. Est-ce que tu vas refaire un clip à Sarcelles? C'est la question de Poto du 95. Ah, de quoi Poto. Est-ce que tu vas refaire un. T'as fait un clip à Sarcelles? Ouais, j'ai fait un clip. Ouais, et voulait savoir si t'allais en refaire un autre bientôt. C'est sa question, il l'a posée toute la soirée. Pas bientôt, mais je vais en refaire. Bien sûr que je vais repasser et faire des prises là-bas. Et même, pourquoi pas, j'avais pensé à repasser là-bas pour faire des prises, mais. Pas de musique, genre si je faisais si je réalisais quelque chose, série ou film, tourner là-bas, faire des trucs là-bas, je j'en ai pas parlé encore, mais donc de retour à Sarcelles, bah voilà. Trop tard, tu viens de le dire, Jules. Voilà. Oui, voilà, c'était une idée, toi. Voilà, et Jules, c'est tout ça. On m'appelle l'OVNI. Merci pour la version extraterrestre à l'hélium, hein, parce que magnifique. On m'appelle l'OVNI. Jules, c'est ça. Chiki chiki, elle a le regard qui tue. Chiquita, cheveux longs comme Nikita. Jules, c'est ça. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. J'suis fier de mon parcours. Brigante, j'suis pas le brigante. Mais c'est aussi la señora. J'perds mes mots, j'sais plus quoi belle, tu m'en rends fou. Je vois que t'as de partout, mais toi que mon dieu. Et c'est aussi ça. Tu trouves pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème, c'est la même joie les jours qui se répètent. Mais le concert, il va durer combien de temps? 10 heures, toute la nuit. Tous tes titres, c'est... Toute la nuit. Ah ouais, y a beaucoup de titres. Je suis dans ma paranoïa. T'en as mis ce matin, ça, pour se réveiller. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Je suis dans ma paranoïa. C'est un peu ce titre qui a tout fait démarrer, d'ailleurs, hein, paranoïa. Mmh. Ah, Emotion. Ah, Emotion, j'adore. Marie, tu adores Emotion. Ouais. Ah. Merci. Sortir mes émotions. Faut pas qu'on me laisse. Sortir mes émotions. Faut pas qu'on me laisse. L'embolique d'atmotion. Tiens, Marie, tu es mon bijou. Ah oui. Ah bah tu vois, ça marche ça pas. Marche pas. Ah si, ça marche. Ça y est, ça marche. Faut pas, je veux mon bijou. Non, mon bijou. Ça me rappelle cet été, ça. Ouais. Mon bijou. Voilà, viens là, mon bijou. Oh, c'est, ouais. C'est combien, mon bijou? Ouais, ça rappelle des choses, hein? Ouais, grave, Marbella. C'est vrai qu'à chaque morceau, il correspond à un morceau de, bah, de ta vie, en particulier à toi. Ouais, hein. Ouais. Ouais. Et ouais, c'est. Et ouais! Et j'ai un vieux de la vieille, le jour, là. T'as vu, mais c'est vrai, il t'en sort tellement. Il y en a tellement. Bon, j'arrête, parce qu'autrement, on fait la nuit là-dessus. Oui, exactement, ouais. Et pour le concert, ça peut être difficile de choisir? Pour les sons, ouais, très difficile. Bah ouais. Arrête de sortir 4 albums par an. Ou alors faut faire, quatre tournées par an. Enfin... En fait, je l'avais dit dès le début de l'année, faut assumer. Ouais, c'est vrai, tu l'avais dit dans l'émission d'ailleurs. Ouais. Et ouais, c'est vrai. Ouais. Même 4 albums, je suis content, je suis fier de moi pour les. J'ai vu les chiffres et tout un peu. Je pensais que ça allait pas faire autant, tu vois. Ça va bien. Et là, je vois. Regardez, Jules, il est en haut des classements. Toi-même, t'es étonné, quoi. Quand vous le cherchez, il est en haut. Hein. Ouais. Je vois des bons retours, donc ça me plaît. Mais, moi... mais je crois que sur les ventes 2016, t'as 2 albums de classés dans les 10 meilleures ventes 2016, je crois. Ah putain, ouais. Je sais même plus, tu sais quoi. Je crois, je tiens les comptes, ne t'inquiète pas. Et Romano, te refais sa proposition qu'il t'avait fait la dernière fois. Mais si t'as besoin d'un comptable, un expert comptable, oui. N'hésite pas. Tu sais, le truc sur les 4 albums de l'année, pourquoi en faire 2 gratuits? Ouais, voilà, c'est vrai. Romano comprend toujours pas ça. Je me suis inspiré des pizzerias, en fait. Ah, je rigole. Non, parce que. Non, mais c'est vrai, mais pourquoi tu fais ça? Parce que tu pourrais faire 4 albums, tu les vendrais les 4. En fait, c'est quoi le plus? Je fais le plus pour qui je fais ça, c'est pour ma team, genre en gros. Tu vois, les gens qui te suivent depuis le début, voilà. Enfin, qui te suivent depuis le début ou qui sont arrivés un petit peu après, mais tu vois, chaque album, ils sont reconnaissants, genre. Je te parle pour les payants. Ouais, ouais. Regarde, à chaque fois ils sont là. Ouais, mais parce qu'il y a quand même peu d'artistes qui font ça. Ou alors il y a des artistes qui font ça. Ouais, ils postent sur le net des trucs, genre des trucs pourris qu'ils voulaient pas sortir. Ouais, ouais, ils pourraient s'enlacer. Tu vois ce que je veux dire? Je sors 4 albums. Ils pourraient s'enlacer, ils pourraient dire bon, c'est bon, il m'a gonflé. Eh ben non, tu vois, j'ai une team solidaire et qui est fidèle. Et franchement, je suis. Et merci, merci, je vous aime tous, ma team Joule. Hein. Non, mais c'est vrai, merci à tous. C'est dingue parce que t'en viens même pas, toi, du succès avec ta. Ben moi, je crois que c'est grâce à ça que je reste moi-même. Ouais. Je réalise pas, en fait, tu vois, je crois. Tu vois, des fois, par exemple, je suis en train de rouler en voiture et genre, les gens, ils me regardent, ils sont choqués. Moi, j'avais oublié que j'étais Jules, t'as vu? Ah ouais, merde, c'est moi, Jules. Je crois que c'est ça qui me fait garder les pieds sur terre un peu. Ouais. Après, je me dis que si je fais des choses qui me vont pas, ça serait plus moi, tu vois. Donc Ben c'est bien, Jules. J'essaie de rester le même. Mais c'est vrai que depuis, t'as pas changé. Respect à toi, Jules. Non, mais c'est merci. Vrai, c'est vrai. On essaye de rester le même. C'est le but. Le but, c'était de réussir sans prendre la tête. Non, mais c'est vrai, au final, t'as raison. En parlant de tête, justement, comment ça va la tête avec l'hélium, tout ça? Ma tête, elle a un Y, là. Il a des petits yeux. La tête en Y. J'avais promis qu'on ferait pas d'Y dans la soirée. Malheureusement, c'est la tête qui est en Y. Merci, Jules, là, pour cette visite. Merci à vous. Ouais, merci beaucoup. Vous. Bon, tu reviens quand tu veux, puis reste comme tu es. Et surtout, n'oublie pas le Planète Rap. Il y a Fredo. Oh, Fred. Je te rends Jules, il est défoncé. Alors, on le sent. Moi aussi. Toi aussi. C'est l'hélium. C'est étonnant. Pareil. C'est l'hélium, toi aussi. Donc, oui, c'est l'hélium. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, je te remets, Jules, en pleine forme, ou presque. Ah ouais, là, on est chaud patate. Oui. On est doublement chaud patate. Hein. Et merci. Et merci, Romano. Et demain. Attends, tu n'as pas vu le masque. Ah, c'est lui qui a le plus. Qui a le plus respiré de ballon. J'ai vu, Fredo. Oh merde. Ouais, moi, je suis team. Oh putain. Non, mais Romano, il arrive pas à mettre son truc. Il y a les ovnis du clip là, ils sont là, ils manquent plus que la couche. J'ai fait le signe de Jules tout à l'heure en IT. Non mais Roman Regarde, rappelle-toi ce qu'on t'avait. Effets spéciaux fumés, oui. Ce qu'on t'avait promis ce matin. Ouais. Merci Fredo, il est bien lui aussi. Ce matin, on t'avait promis une émission effets spéciaux. Grand spectacle Hollywood, Jules, Marseille, Skyrock. C'est plus Hollywood là. C'est plus Hollywood. Par contre, on va dire tous ensemble, ça fait comme ça, ça fait et merci. Alors, vous êtes prêts? Moi, je veux que tout le monde le dise bien. Alors, attention. 1, 2, 3. Et merci. Et merci. Et merci, Jules. Et merci. Et la Radio Libre, on vient tout de suite sur Skyrock et Jules demain à 20h avec Fredo. Allez, c'était cool. Merci à tous, je vous fais des gros bisous. Et moi aussi, Jules. Et merci. Et merci. Allez. Allez, ciao tout le monde. Et à plus. Ciao. À plus sur le bouton. On m'appelle l'OVNI sur Skyrock, c'était Jules, Jules dans la Radio Libre avec nous sur Sky. Salut Jules. Salut les gars. Ah mais il y a même il avait même des invités. Mais ouais. Comment tu t'appelles toi? Abdel. Viens voir Abdel. Il s'est fait choper. Ça t'a au plu vol. Jules? Oui, c'était bien. C'était bien, ça t'a plu? Ouais. Bon. Et je crois à Jules, il a signé un truc pour toi. Ouais, mais sinon il l'a récupéré. Carmina, viens voir. Alors, c'était super. Ça t'a plu, Jules? Ouais. Il est sympa? Ouais. Vous êtes pas morte dans la fumée parce qu'à un moment, il y avait tellement de fumée dans le studio qu'on ne se voyait plus. Ouais, puis c'était. Ça va? T'as encore de la mémoire sur ton téléphone? Tu l'as filmé tout le long, quoi. Elle était comme ça devant lui avec son téléphone. Bon, salut tout le monde, salut Jules. Salut. Et les Marseillais sont de retour demain soir entre 20h et 21h avec Fredo qui a passé sa tête aussi tout à l'heure. Ouais. Il était bien, Fredo. Et l'hélium, j'aimerais bien vous demander un truc. Jingle Romano et je vous pose la question du soir. Difool, Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Est-ce que c'est dangereux l'hélium? L'équipe de Skyrock, Jules, la team Jules ce soir, a pris un risque. On a inventé le premier autotune à gaz. Ouais. L'autotune avec l'hélium, quoi. Donc l'hélium dans les ballons. Mais non, je pense que c'est pas très bon. Ah. Mais ça, c'est pas bon, ouais. Est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce qu'on risque? Romano, dis-nous. Ah non, je sais pas, je ne suis pas médecin. Mais tu veux pas qu'on fasse un test? Romano il en tape, mais t'arrêtes pas d'en taper, on va voir ce que ça donne. Alors, si au bout d'un moment, déjà ça nique la gorge. Moi je pense tant que ça reste raisonnable comme ce soir, il y a pas de problème. Moi pareil que toi. Après si tu te shootes à ça toute la journée, je pense que ton cerveau il se fait. Je sais que j'ai déjà été en rave party. Sous hélium? Et tu sais, t'as jamais été. Ah non, j'ai jamais vu ça à part à Skyrock moi. Non, qu'est-ce qu'il y a dit? Je sais pas, je suis défoncé. Non, mais je ne comprends pas ce que tu me dis. Il bouge les bras comme il est en soirée. Non, mais t'as dit rêve parti. Ils vont un micro, je suis con. Oui, alors. Ouais, tu as un micro devant toi, c'est comme ça qu'on parle. Je parle dans lequel? T'as pas chance. Dans celui que t'as devant toi. Non, mais. Devant ton gros nez. Tu vois encore avec ton gros nez. Non, mais t'as vu Jules? Lui, ça lui a fait tourner la tête. Moi, c'est pareil, à un moment, j'étais plus là. J'étais un peu comme Marie quand elle. Fly. Ah, voilà, c'était. Tu sais, quand Marie, elle fait. Shy in the sky. Ouais, on sait bien, ouais. In the sky clock, comme la radio. Alors attends, du coup, qu'est-ce qu'on disait juste avant? Qu'est-ce que je disais? T'as vu, t'es défoncé. Non, mais tu m'as coupé. Si, t'es défoncé. T'es défoncé, micro, là. Romano. À vous. T'es défoncé à l'hélium. Ouais, en rêve parti, voilà. Tu vois, ils savaient plus ce qu'ils disaient. En rêve parti, ils vendaient des ballons remplis d'hélium, tu vois, pour faire. Non, mais en rêve parti, ils prenaient des extasies aussi. Ouais. Non, mais il y avait moi, j'avais fait une rêve là en banlieue parisienne, là. Ouais. Dans des hangars, un truc sympa, avec des mecs allongés par terre, un truc. Ouais, c'est vrai, quelquefois. Une ambiance conviviale et familiale, je dirais. Il y avait de la super musique et un mec qui s'est tapé la tête contre un arbre pendant toute la soirée. Non, mais j'avais été là-dedans, on m'avait invité. C'était un peu la quatrième dimension, quoi. Non, mais c'est vrai, moi j'en ai fait plusieurs. Ah non, mais il y avait des mecs. En fait, il y avait trois salles. Bon, c'était trois styles. Il y avait techno, je sais plus, trans et classique. Et un autre truc. Et variété française. Voilà, c'est pour vraiment les gens brouillés. Ouais, un truc comme ça, quoi. Et les mecs, mais il y avait des mecs qui étaient perchés. Mais t'as vu devant les baffles? À niveau de perchitude. Non, mais moi j'ai vu un mec. Le mec, c'était Jésus. Ah, Jésus. Jésus en rêve. Au niveau du look. Ah non, mais ouais, le mec il avait. Tiens, mais la barbe de Jésus. Et le mec, tu sais, il avait. Il avait sa croix aussi. Il est arrivé avec sa croix. Non, mais en rêve, limite, c'est le genre de type que tu peux croiser, hein. Ouais. Tu sais, les mecs ils sont tellement perchés. Tu sais, c'est des mecs qui sont. Rassure-moi, ils sont pas perchés à cause de l'hélium. Ah non, mais ils y prennent d'autres trucs. Non, mais il y a des mecs là-dedans, tu sens qu'ils sont en marge de la société quand même. Non, mais par exemple. Dites-nous d'ailleurs si vous êtes déjà allé dans des soirées que vous avez halluciné. Tiens, racontez-nous parce que c'est vrai. Et que moi, j'avais vu. La donc, soirée de Romano, elle a l'air pas mal. Jésus. On y retourne, chez Jésus. Jésus. Oui, Jésus. Jésus avait, tu sais, l'instrument, là, le DJ. Ah, DJ Ridou. DJ Ridou, là, le truc, le tube qui fait. Qui fait. Non, le truc, il faisait. Non, mais attends, le mec, le machin, il avait un DJ Ridou, mais j'avais jamais vu un aussi long, il devait faire 3 mètres le truc. Tu sais, le truc fait. Et le mec en fait avait mis le DJ Ridou dans les caissons de basse dans les basses de et alors qui était là et le mec et le mec se mettait l'oreille non mais non l'oreille dans où bah non, dans, dans le il y avait le DJ Ridou là il était mis il était enfoncé dans l'enceinte et à l'autre bout de l'enceinte c'était il y avait son oreille il y avait l'oreille du mec et le mec qui tu sais genre il entendait pas tu sais il fronçait les yeux Oh ah, comme les vieux qui entendent non pas. Non, mais ouais, genre le mec, tu sais, c'était fait un cornet, quoi, tu vois. Il était là, tu passes à côté, le mec, il bougeait pas, il était tout crispé, mais il avait pas l'air bien. Et après, il y a des mecs. Il y a des mecs allongés, mais des meufs aussi, d'ailleurs. Hein. Il y avait autant de mecs que de meufs qui étaient défoncés. Hein. Il y avait une meuf, pareil, mais tu sais, elle m'avait fait un peu de peine. La meuf, elle était, je pense qu'elle était sous extra, tu vois. En fait, elle sautait sur place. Ah, elle sautait comme un marteau-piqueur. Non, mais je te jure. Non, putain, ceux qui sont en transe devant les baffes, tu sais qu'ils veulent faire des câlins aux baffes. Ouais, non, mais c'est. Si vous avez déjà été dans cet état, d'ailleurs, racontez-nous, parce que. Oh, ça fait peur, toi. Ouais, bah, faites gaffe en prenant des trucs, hein. On aimerait savoir. Mais moi, j'ai rien pris, mais putain, ouais, c'est. Justement, t'es pire décalé. C'est un peu hallucinant, quand même. Ah, si, putain, ouais, moi, une fois, j'étais parti en Thaïlande, et tu sais, en Thaïlande, il y a une île où il y a les full moon parties. Je sais pas si vous avez vu les reportages à la télé. Ouais. Et en fait, c'est genre les plus grosses soirées sur Terre, toute une nuit, la pleine lune. Ouais, bien sûr. Mais il y a que des extraterrestres, tellement ils sont défoncés. Et moi, j'arrive en mode tranquille l'après-midi, je sors du bateau à 14h et je voyais des mecs qui étaient genre avec des doudounes, mais il faisait 45 degrés, comme ça, qui tremblaient et qui attendaient le bateau au retour, mais à 14h comme ça, et qui avaient les yeux. Et c'était là, je fais ça va les gars? Ouais, on a un peu froid, t'as vu? Peut-être mais dû dire où j'atterris quoi. Mais parce que les mecs, tellement ils avaient pris des trucs, ils étaient en descente. Ah, ils avaient et à 14h, ouais, à 45 degrés en Thaïlande, ils étaient couverts. C'est pas bon la drogue. Ah non, mais non. Non, mais surtout, faire gaffe avec ces drogues là, parce qu'il y a des mecs qui restent perchés. Ah bah ouais, bah carrément. Ah ouais. Donc, mais d'ailleurs, il y a plein d'histoires avec les trucs là, les full moon parties là. Tu sais, il y a des mecs qui restent là-bas en fait. Mais même, il y en a qui, comme sur la plage, il y en a qui se noient. Tu sais, ils vont dans l'eau, genre je vais me baigner et ils se noient, tu vois. Non, mais il y a eu des histoires, tu sais, des parents en fait, genre le mec. Ah, qui recherche. Ouais. Il est parti en vacances, il est parti là-bas, le mec est là-bas, il s'est mis la tête à l'envers et les parents, genre, ils le cherchent parce que le mec, il est là-bas et il est complètement. Il est resté quillé en fait là-bas. Ouais, ouais. Ouais. Vrai, le mec, il est devenu accro et il est resté là-bas. Tu sais, sa vie, c'est de faire les soirées sur la plage, quoi. Et notre hélium, ça va pas nous faire ça. Non, bah non, non. Demain, je ne serai peut-être pas là demain matin, je ne serai plus. Ça y est, il a peur. Non, mais il y a plein d'histoires comme ça. Mec qui reste perché et tout ouais, ça. Ouais, skier en fait. Ouais. On parlait de ganja tout à l'heure, c'est quand même bien moins dangereux tous ces trucs. Bah, c'est plus naturel à la base. C'est bien dit là-bas. C'est une plante. Ouais, parce que là, on nous dit depuis tout à l'heure sur l'hélium, parce que moi, vous m'inquiétez avec vos messages que vous avez laissés là, parce qu'il y a plein de messages que vous avez. Regardez, Transatlantique qui nous dit ça reste un gaz, c'est très dangereux, dit Foul. Tu peux avoir la tête qui explose avec. Non, mais peut-être pas non plus, mais ça doit pas être très bon. Hein, pour, moi, ça me fait trembler un peu là. Tout le système respiratoire, quoi, ça doit pas être très bon. Hein. Bah, par exemple, la gurgiter de la fumée, de toute façon, en soi, c'est pas bon. Hein. Je suis debout et je penche de droite à gauche. Ouais, moi, ça me fait comme toi, comme sur un bateau, tu vois. Ah, tu vois, pareil. Ouais, on tangue en fait. Ouais, on tangue. Ouais, c'est vrai ton truc, quoi. Donc ça doit, vous ne le savez pas, mais le commandant Baby nous a emmené sur un bateau sur le sable. Ah ouais. Tu vois, et Romano, il croit qu'il y a un commandant. Lui, il est complètement. Non, mais tout va bien. Romano, ouais. Tu m'inquiètes plus que nous parce que Samy s'en rend compte un peu. Ah ouais, ça bouge. Moi, ça me fait bizarre. Toi, tu te rends compte de rien, mais ça va pas, hein, je te dis. Et pour répondre à Jukka 31, Romano, arrête de généraliser. Ça fait 15 ans que je fais des free parties. Alors, j'ai pas dit que tous les mecs étaient drogués. Ah bon? Il y a quand même une bonne partie. Je croyais que les rêves, il y avait que des drogués. Moi. Ah non. Oh, non, mais. C'est quoi l'intérêt d'aller là-bas? Il y en a beaucoup. Mais il y a ceux qui vendent de la drogue aussi, Samy. Ouais. Ah ouais. Il y a les drogués et les dealers. Les dealers, ouais. Non, mais il y a des gens, moi, par exemple, j'avais rien pris, mais faut pas se faire d'illusions. C'est intenable. Moi, je te dirais que. Alors là, c'est peut-être une généralité encore. Moi, dans la soirée où j'étais, franchement, je pense qu'il y avait plus de 50% des gens qui étaient sous le truc. Bien sûr. mais tu le vois. Et il y avait, c'était un truc où il y avait 3-4 000 personnes. Oula, carrément, ouais. Alors, l'hélium. Ouais, tu vois l'état des gens, tu peux pas te dire, ouais, le mec il a rien pris, il est ouais, comme ça clair. Naturellement, il fait la teuf. C'est dit, comme la meuf qui faisait le marteau piqueur avec son corps. Elle était bien, elle. Ouais, non, mais la meuf, mais tu sais, on a. Elle a dansé pendant combien de temps? Ah, mais je sais pas, mais genre pendant 2 heures, la meuf elle sautait, mais tu sais, on la regardait, il y a des gens, ils la poussaient parce que la meuf en fait elle sautait sur les gens, tu sais, elle captait plus rien, elle avait les yeux complètement exorbités. Sinon, t'as les gens aussi qui sautent sur les autres, mais pour faire des câlins. Tu sais, contre des exas ou machin qui viennent te faire un câlin, ils te parlent à 2 cm de ta bouche. Ils sont très bizarres. Tiens, il y a Bébé qui nous laisse un message qui dit: j'ai eu une période de ma vie où j'étais comme ça, mais ça m'a passé. Mais je me rappelle pas comment j'étais en rêve. Ah ouais, c'était tellement défoncé que tu te rappelles pas de toi comment t'étais, par contre, ouais. Tu te défonçais. Ouais. Enfin, en rêve ou en soirée, hein, parce que. On nous dit qu'a priori, on a un manque de dioxygène quand on prend de l'hélium. C'est-à-dire? Bah de ce que tu respires. C'est ce qui se trouve dans l'air. Ce que t'as besoin pour. Je sais l'oxygène, mais. Non, en fait, c'est ce que t'as besoin pour oui, oxygéner bah, demande, je te le dis. Non, mais tu dis dioxygène. Bah c'est ça. Bah c'est dioxygène, c'est le truc qu'on respire. Ouais. Non, c'est l'oxygène. Non, dioxygène. Dioxygène. Ah ouais, bon, ok. Ouais. Alors, on a plus de ça. En fait, c'est ce qui est. Au moment où t'aspires, quoi. C'est pas forcément dangereux en petite quantité, mais attention aux grandes quantités, car tu respires de l'hélium, tu n'as plus d'oxygène. C'est confirmé par Papa Lex là, qui nous laisse un message. Ah, et Jules le routier 88, ouais. Non, mais c'est, moi, ça m'a niqué. Il hein. Y a des mecs aussi quoi, qui se prennent. Ça, Marie doit connaître. Ouh là là, dis-moi. Marie spécialiste. C'est le truc, les cartouches pour les bombes de chantilly. Ah, mais c'est dangereux ça. Ouais, ouais, mais. Ah, c'est de l'air sec. Ouais, l'air sec, ça. Il y a Jules le routier. Mais ça, pendant une période, ouais, il y a plein de gens qui en prenaient. Non, mais c'est vrai que c'est en soirée, ouais, ça a tourné. Super dangereux. Et Romain, des réseaux sociaux, qui me disait le poppers. Ah, le poppers, c'est le truc qui fait mal. Franchement, moi, j'en ai pris. Non, le popper c'est moins dangereux que tous ces trucs. Faut pas prendre tous ces trucs. Là, hein. Non mais ah non mais non mais c'est non. Là c'est pareil, ça te crame le cerveau. Hein, les, ah, ouais, ouais. Et des gens ils restent bloqués. Sec hein. Et tout ça. Ouais, ouais ça, bien ça te, sûr. Ça te... Et après tu danses, tu fais le marteau piqueur en soirée. Hein. Ouais. Même quand t'es plus en soirée. Ouais. Même quand t'es plus en soirée. Ouais. Et c'était quoi ouais le popper? Moi j'en ai pris. Il y a des gens qui peuvent rester bloqués comme ça. L'hôtel fait le marteau piqueur toute sa vie. Ah mais je pense qu'il y a des gens tu sais ils finissent sur un c'est flippant. Ça existe ça. Ouais mais dans les reportages sur M6 on le voit. Des gens, moi j'ai jamais vu moi, des gens qui faisaient le marteau piqueur. Ok, comme ça, à vie. Ou non, enfin après ils arrivent plus à marcher, ou. Ouais. Ah ouais, plus, quel jour on est, ils savent plus. Non, non, mais il y a des mecs, quoi, ouais, des mecs et des nanas qui. Imagine, moi, non, je me fais un marteau piqueur, je comme ça tout le temps. Bah, faut enfermer, hein. Tu me feras enfermer. Bah non, mais c'est triste, hein, mais tu sais, c'est. Bah, faut te soigner, ces gens-là, ils. Mais tu sais, il y en a, ils restent dans un hôpital psychiatrique à vie, hein. Il y a rien à faire, quoi. Il y a des gens, ils restent kéblo complètement. Ouais, ils doivent pouvoir peut-être se faire soigner, mais pas tous. Ou en tout cas, pas si t'as trop pris, quoi. Bah, c'est ça. Bah, c'est. Ouais, de toute façon, c'est différent sur chaque personne. Hein. Des fois, il y a un truc qui vrille dans le cerveau. Et des fois, ça se remet, des fois, ça se remet pas. Bon, attention à l'hélium quand même. Si vous en prenez comme ça pour rigoler, ça va. Mais sinon, ça peut être dangereux pour votre tête. Bon, écoutez, là, de toute façon, on n'en a plus. Non, c'est bon. Bien terminé. Dommage. Bah, il reste 2-3 ballons au plafond. Ah, quand même. Ouais, c'est garanti, il y a des ballons. Ouais. Ah, Marie, elle saute. Ah, bien. Vas-y, non, mais vas-y Marie. Moi, le mien. Nettoie le plafond. Il y a Iliès qui est avec nous. On fera tourner la roulette aussi. On vous offrira tout à l'heure. Qui a testé la tablette. La tablette. Votre tablette. Comment il s'appelle là? Attends, qui me demandait. Le popper, ça dilate le cul. C'est un truc sexuel qui dilate. Mais ça dilate pas le cul. Moi, ça m'a pas dilaté le cul. Imagine si Cédric prenait du popper, déjà qu'il a le cul tout dilaté. Bah, je chierais dessus. Tu crois? Déjà, il fait. Ouais, bah je sais pas ce qu'il ferait, mais ce serait terrible. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de chier d'ailleurs, non? Oui, je crois, ouais. C'est l'émotion, Jules, la soirée. J'ai trop d'émotion. Il a trop d'émotion, le clash de la drague, enfin la totale. Bon, Iliès est avec nous, c'est Iliès ou Iliès? Allô, allô? On va lui demander, hein. Mets-le à l'antenne, Romano. Ah, pardon. Ah, voilà, allô? C'est Iliès, allô? Iliès, c'est Iliès. Ouais, Iliès. Samy, il a oublié un i. C'est vrai? Bah c'est l'hélium les gars. Ah tu vois. Ah déjà j'ai dû me concentrer pour écrire la feuille. Ah tu vois. Ah tu sais d'habitude j'écris machinalement mais là je dois. Putain je galère quoi. Ouais. Et bah bienvenue à toi Iliès de Grenoble. Salut toute l'équipe, salut. Salut mec. Salut. Alors Iliès, toi tu nous appelais parce qu'en fait il y a un dilemme dans ta vie. Tu te poses une question, t'hésites sur un truc. Ouais. En fait c'est compliqué, en fait c'est non expliqué. C'est en fait t'as vu mon frère, mon grand frère. Non j'ai pas vu ton grand frère. Non, mais. En fait, il m'a pété en train de faire une chicha. En gros, il a su que j'ai fait une chicha. Ouais. Et t'as gonflé ou pas? Pourquoi tu veux qu'il gonfle? Une chicha? Non, parce que généralement, les grands frères, c'est souvent ça, gros. Quand ils crament le petit en train de fumer, ils gonflent. Lui, il s'en bat les couilles, lui. Il allait voir mes parents direct. Ah, il t'a balancé, c'est pire, gros. Ouais, il allait voir mes parents. Mais c'est une vraie. C'est ton petit frère. Mais c'est une vraie salope. Bien dit. Non, mais ouais, je te comprends. C'est une petite pute. Mais c'est le petit ou le grand? Ouais, on va pas être trop là non. Ouais, non, c'est une salope, t'as raison. Il arrive. Il m'a poucave. Et moi, en gros, hier exactement, je l'ai vu. Il était devant son lycée, en gros. Ouais. Et il était en train de fumer une cigarette, en gros. Fais une photo. Ah ouais, c'est clair. Non, mais ouais, mais j'y ai pensé. Voilà. J'étais avec mon pote, il m'a dit, mais oh non, Edgar, il y a ton frère, il est en train de fumer. Tout non, mais là, tu sors ton téléphone, photo tout de suite, dossier. Ouais, ah ouais, j'étais stressé sur le coup. Ça peut servir, regarde l'autre côté. Bah, sinon, on balance directement aux parents, fais comme lui, hein. Non, mais en fait, j'avais envie de faire ça, j'ai trop envie de faire ça. Je me retiens. Mais tes parents, quand il l'a dit à tes parents, ils sont venus te voir, ils t'ont dit quoi? Ah non, mais je me suis fait casser le cul là. Ouais. Ah bah avance-toi. Génial, j'annonce à mes parents que je fume la chicha. Non. Venez me casser le cul. Non, mais non, Marie, non. C'est l'expression. Franchement, dans ces cas-là, attends. Moi, mon frère, il a fait la salope comme ça. Franchement, je le crame en train de fumer. Je vais direct voir les parents, pareil que lui. Bah ouais. Mais moi, je fais la même chose. Pourtant, je suis pas une balance, mais j'ai fait la photo en plus. Comme ça, t'as une preuve. T'as vu, je le vois. Non, mais il a raison, Mano, c'est une pute. Bah non, mais il a fait la salope aussi. Exactement. Œil pour œil, dent pour dent, comme on dit en Bourgogne. Non, mais en plus, tu vas pas te faire victimiser par ton petit frère quand même, tu vois. Non, mais c'est mon grand frère. Ah, c'est le grand. Bah non plus, tu vas pas te faire. Bah même. Bon, non, mais c'est pas comme si j'avais peur de lui. Là, si j'ai envie, je réveille mon père, je vais lui dire tout de suite. Mais c'est. Bah vas-y, que de la gueule. Ah. Bah il te fait chier. Allez. Il te fait chier, hein. Donc Marie, toi aussi, comme Romano. Ah bah ouais, là, pour le coup, grave. Mais direct, tu balances. Cédric. Chantage, moi. Ah bah toi, Cédric, ton petit frère, il te victimise toujours. Ah non, jamais. Tu me le dis, hein, s'il continue. Ah non, non, t'inquiète. Parce que moi, j'aime pas. Non, tout se passe bien. Parce que j'aime pas comme il te parle. Oh là, tu devrais venir me défendre. Oui, je l'ai dit, Cédric, un ami, c'est un ami, si t'as vraiment besoin de moi. Parce que l'autre jour, je l'ai vu, son petit frère, mais il lui parle mal. Non, mais moi, je vais vous dire la vérité, ce qui s'est passé. Dis-moi. C'est que le petit frère de Cédric a déménagé. Ouais. Mais c'est Cédric qui a fait le déménagement tout seul. Je sais, ouais. Ah, parce que mon petit frère, il s'est pas fait. Non, mais je sais. C'est pas apporté un truc. Non, mais c'est foutu de ta gueule, tu t'en rends bien compte. Elle a juste fait les cartons. Non, mais parce mon frère, c'est un truc de ouf. Il est deux de tension, il est tout mou. Il est. Non, mais c'est, je veux dire, c'est pas organisé. C'est toi qui dis ça. Ah, je te jure, mais comparé à mon frère, tu flippes. Hein. Mon frère, il est pas organisé du tout. Non, mais t'as un teubé. T'as un teubé, il a traité normal. Il est fou, lui. Non, mais attends, excuse-moi. Oui, je t'explique. Même le mec le plus con de la terre, tu vois, déménagement, tu portes un carton. Bah, c'est ça. Non, mais quand on dit que tu es le samedi matin. Il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir porter un carton. Non, mais on a pas porté les cartons. Tu sais, les trucs qu'on jette, tout jeté en temps et en heure, lui, non, il prend son temps, il est. Et tu l'as déjà, tout mou. Tu l'as déjà balancé, toi, ton frère? Ouais, bien sûr. Sur quoi? Je sais plus, je me souviens plus, mais des trucs à la con, tu vois. T'as une grosse poucave, en fait. Bah non, je me vengeais, tu vois, lui, je balance. Parce que lui, c'était le petit chou de mais la famille, c'est tu une vois. Grosse poucave. Bon, la daronne, elle trop le protégeait. Donc. Ça je peux la comprendre quand avec chouchou, ton physique. Elle est tous sur le plus beau, quoi. Ouais, bien sûr, allez. C'est vrai que le frère est plutôt beau gosse, hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais il a même de la chance, de famille, il est arrivé derrière. Heureusement que le pauvre. C'est de famille, je te le dis. Ouais, bah non. Non, il y en a un qui a raté bizarre. Et lui, t'as déjà balancé? Ouais, bah oui. Et il t'a balancé sur quoi? Bah, sur des conneries, des trucs à la con, tu vois, genre quand j'allais sécher l'école. Chacun son tour, quoi. Ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est les règles. Mais non, mais en fait, moi, à la base, je le balance pas, moi. Non, mais c'est lui qui a commencé, toi. Non, mais toi, t'es très bien, Elias. C'est ton frère, il a fait la pute. Non, mais t'as raison. Moi, j'ai jamais pris cave de ma vie. Hein. Tu venais d'arriver, donc le frère d'Iliès l'a balancé parce que tu fumais de la chicha. Mais moi, je rentre chez moi comme ça. En fait, en gros, je t'explique comment il a su. En fait, j'ai mis une story Snapchat. Mmh. Et moi, tu vois, dans Snapchat, sur Snapchat, tu peux personnaliser les gens qui voient ta story. Ouais, et lui, il a pu la voir. Et moi, sans faire exprès, j'ai mis tous mes amis, j'avais pas remarqué. Et il y avait ton frère. Et ouais, bah, en fait, il a montré la vidéo où j'étais en train de faire ça. Il l'a montré. Hein. Ouais. Non, mais c'est lui qui a commencé. Moi, je suis d'accord, faut le balancer. À la guerre comme à la guerre, balance. Et pour terminer avec le gros morceau de la soirée, donc Samy et sa sœur. Ah non, mais nous, bah. Alors, Samy et sa sœur, ouais. Ça c'est quand même le gros morceau de la soirée. Ah ouais, c'est clair. Moi, tu sais, il n'y aurait pas eu de dilemme et d'hésitation au chantage comme toi. Hein. Ah, mais ça aurait été direct. Direct. Photo, ouais. Tu sais, j'aurais fait un album photo que j'aurais gentiment déposé à mes parents avec une preuve à l'appui, un dossier, quoi. Ah, mais toi, c'était la guerre. Ah, mais plus que la guerre. Mais t'es fou. Mais des fois, moi, je me cachais. Tu sais, on était au même lycée. Enfin, moi, j'étais au collège, elle était au lycée. Et je me cachais pour la suivre et histoire de voir si je peux choper des informations sur elle que derrière, j'allais balancer à mes parents. Quoi. Ah non, mais. Voilà, mec. Ouais, des trucs comme ça. Non, parce qu'en fait, j'étais persuadé que ma soeur, elle fumait, tu vois. C'est un peu comme toi, Elias. Et tu voulais la preuve? Ouais, je voulais absolument une preuve. En fait, elle fumait pas, tu vois. Donc, je passais tous les repas le midi. Elle est non fumeuse. Non, elle fume pas, tu vois. Elle fumait pas, mais je me suis dit, ouais, c'est la mode, tout le monde fume, elle doit fumer, tu vois. Je voyais ses copines et je me cachais et j'arrivais jamais à la voir qu'elle fume parce qu'elle fumait pas, tu vois. Donc, je perdais mon temps. Voilà. En gros, tous mes potes allaient manger, moi, je restais caché comme ça. Comme un con. Ouais, c'était un peu con. Ça balance sur les messages que vous nous laissez. Ah, c'est vrai qu'on a déclenché l'alarme. Ah, merde, l'alarme incendie. Dans le couloir. Ah, c'est à Skyrock ce bruit? Ah, ouais. Non? Bah, ouvre. Ah, merde, oui. Ah, oui. Oh, bah, là, en même temps, oui, il y a beaucoup de fumée. Là. Oh là là. Ah, oui. En effet. Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais il a fumé quelque chose. Non, mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je suis en train de s'amuser avec la machine à fumer. Ah ouais, qu'on avait dans le studio. Ah mais là, faut débrancher le truc. Ça, je parie que c'est cet abruti Diovan de la sécu. Ouais, non mais ça c'est possible. À tous les coups, attends. Lui il déclenche la machine à fumer, il met la bouche dans le truc. Non mais c'est possible. Putain, on la fumée de ouf. Trop bon la machine à fumer. Là on voit même pas le mur à 2 mètres là. Giovanna direct. Rassurez-vous, Skyrock prend pas feu. Non, c'est la machine à fumer, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est l'abruti de Romain des réseaux sociaux. Ah bah voilà. Mais le mec a mis ça dans son bureau. Romain, qu'on avait le choix. Hein. Tu ne peux plus rentrer dedans. Ça aussi, c'est toxique. Et je sais pas si on va finir l'émission ce soir, Elias. Entier. Mais en tout cas, on est tous d'accord. On est tous... T'es un con, Romain. Non, là, j'insultais Yovan de la soupe. Mais pourquoi? Pour le plaisir. Comme ça, oui. Très bien. Elias. On est tous d'accord, on balance tous. Allez, balance. Bah, bien sûr, tu balances. Attends, tu t'es fait balancer comme ça gratuitement. Il peut dire, en gros, ouais, c'est pas vrai. Lui, il avait une vidéo, tout ça. Il peut dire, ouais, c'est pas vrai, tout ça. Faut que j'ai une preuve concrète, on va dire. Et t'as une vidéo? J'ai rien du tout, moi, je l'ai vu. Ah, et t'as pas fait de photo? C'est là que t'as merdé. Ouais, mauvais réflexe. Tiens, foiré là. Ah merde, ouais. Immédiatement sortir le téléphone. Regardez les preuves. Bah, ouais, t'as la preuve. Il y a Dream Ferry, elle a eu peur. Je suis agent de sécurité, j'ai cru que c'était sur mon site, l'alarme à 100. Ah bah merde. Mais c'est comme moi l'autre jour, j'écoutais le morning buzz du samedi matin, et à un moment dans le morning buzz, donc c'est les meilleurs moments du morning, donc c'était nous, et je sais pas, je mets un bruit de klaxon, et à un moment le bruit de klaxon, je me retourne de t'as partout, c'est qui klaxonne, et en fait il y avait personne autour. Non mais le truc c'est les souris de téléphone, tu vois, genre l'iPhone. Ah ouais, grave. Ouais. Tu sais, quand tu l'entends, en plus, tu sais, à la télé, dans plein d'émissions, t'entends. Ouais, c'est vrai. Et tu regardes ton téléphone. Quand t'es avec des gens, tout le monde regarde son téléphone. Je suis d'accord. Quasiment tout le monde a la même sonnerie, tu vois. Oui, c'est peut-être Katam. Ouais. Mais d'ailleurs, quand on le met, à chaque fois, vous nous laissez des messages. Vas-y, Romano, mets-le. Ouais, mais attends, je sais pas où il est, donc. Bon. Tout va bien au niveau de l'alarme, c'est bon? Ouais, c'est bon, là. Il est débranché. Bon. Et c'est bon, Cédric, t'as mis de l'ordre dans tout ça, tu leur as pété la gueule. Non, mais je débranche la machine et tout. Bien joué, Cédric. Cédric, c'est un daron. Oh là, je confie. Non, bah, c'est clair. Et pour Elias, on balance alors. Ouais, bah, direct. Ah, bah, ouais. Alors, mais c'est d'avoir un dossier, tu vois. Ouais, il manque juste ne un dossier. Ne réfléchis photo, pas, vas-y, fonce. Ouais, parce que. Il a cherché. On nous dit sans photo, il va galérer pour son frère. Il va dire quoi? Il va dire non, c'est pas vrai, il va arrêter, ça va être chiant. Ouais, mais à la limite, si tu le chopes quand il arrive à la baraque, il a forcément son paquet de clopes dans les poches. En plus, il sent, en plus, ça se voit. En fait, il faut pas être con pour savoir qui fume. Hein. Ou alors, ouais, mais après, c'est con de mitonner, parce que. Ou alors, tu laisses un paquet de cigarettes dans ses poches. Mais t'as pas besoin de... J'ai l'impression qu'il y a des téléphones qui sonnent, non? Ouais. Voilà, c'est le mien. Voilà, c'est mon SMS. Voilà, putain, c'est quand même le truc de blaireau premier, quoi. Cédric, tu savais, Yes, Cédric. Mais parle même, parce que toi, gros, je vais te taper. Fais écouter le truc de blaireau premier, comme tu dis. Mais c'est quand même un truc de... L'alerte SMS de Cédric. Tweet. Ouais, ça va. Non, mais c'est une meuf qui avait ça dans son téléphone, je l'avais pris. Tweet, SMS. Oh là, la classe. Ah ouais. Tu me déçois, Cédric. Hein. Non, mais c'est un gros beauf. Non, mais c'était à l'ancienne, gros. En plus, c'est le truc qu'une meuf avait dans son téléphone. Menteur, tiens, Difool vient d'envoyer un message. SMS. Cédric, je crois que t'as reçu mon message. Tweet, SMS. Salut les filles. Ah, non mais il y a... Ah bah tu me le... Mais non, t'as des goûts de chiottes. Non mais d'ailleurs j'ai quelque chose à dire. Ah ça y est, ouais, ça y est. Vas-y, Yes, explique-toi. Le bureau des pleurs de la team Le Belge ouvre ses portes. Arrête. Ouais, parce qu'en fait c'est bien beau de soutenir Cédric, mais si tu te fais casser le cul à chaque fois, ça va pas y aller, hein. Mais est-ce que l'outil triche, regarde, ce soir, elle a fait quoi? Elle a rien fait. Mais ça, faut arrêter avec ça. Je n'ai accès à rien. Bah, je te dis, moi, il y a de la magouille. Non, mais ouais, il doit y avoir des petits trucs comme ça parce que c'est pas normal. Non, mais il n'y a pas de magouille. C'est que la team Le Belge, voilà, le truc est à moitié en dissolution, quoi. Il y a beaucoup de votes pour moi. C'est de la magouille. Quand c'est pour lui, c'est pas de la magouille. Je te dis, mais quelle magouille tu as vu? Est-ce que tu as remarqué du spamming, quoi que ce soit? Ouais, si, il y en a. Spamming, hacking, il n'y a rien du tout. Spamming, hacking. Il n'y a rien, mon pote. C'est que t'es nul. C'est la puissance de la team, on nous dit. Il y avait trois teams ce soir dans l'émission. La team Jules, la team Cédric, la team Romano. Ouais, bon, bah, attention, la team Jules, il met tous les deux d'accord, du coup. Ouais. Tu crois? Bah, ouais. Facile, même. Un jour, on fera un match. Bah, lui, il a une team de ouf. Hein. C'est la team Jules. Ah, ouais, ça va, ouais. Bon, on a passé un bon moment avec Jules. Bon, bon courage avec ton frère, Elias. Hein. Ouais, merci. Et à 555 qui est dégoûté. Merde, je crois que je suis un blaireau. J'aime bien cette sonnerie. Vas-y, remets-la alors. Tweet, SMS. Il est malade. Voilà, c'est ma sonnerie, elle est swiggée. Swaggée. Voilà, grave swiggée. Non mais t'avais pas. Au moins c'est, au moins c'est original. Quand son téléphone sonne, il sait que c'est le sien. Il fait pas comme. Eh, t'as raison en plus. Parce que... il fait pas comme tout le monde qui met la main à la poche dès que t'as une sonnerie. Parce que dans le sud, on a tous la même sonnerie, je pense. C'est nord-sud-est-ouest qui nous laisse le message. Là, t'es partout. Nord-sud-est-ouest. C'est vrai que cette sonnerie là, tu l'entends. T'as tout le monde qui met la main à la poche. Ça et le réveil de base aussi de l'iPhone. Ouais, on a tous. Ah ouais. C'est celui-là. C'est celui-là. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Moi, c'est pareil que toi. Ah bah tiens. Ça m'a boudé. Moi, j'ai ça. J'ai ça aussi, moi. Bah, ça, c'est horrible. Ça, il me fait péter un cœur. Ah, moi aussi. Ça, t'as l'impression que tu t'aurais mis dans une centrale nucléaire. Ouais, mais ça serait un truc au cœur. Non, ça, c'est trop violent pour moi. Ça. Ouais, puis tu te réveilles de mauvaise humeur, du coup. Non, j'ai l'impression que c'est un sous-marin. Moi, tu sais, peu importe la sonnerie. Donc, non, mais moi, il me faut un truc. Des fois, franchement, c'est, limite, t'es vraiment. C'était jamais arrivé de pas l'entendre. Non, parce que limite, t'es obligé de l'entendre. Ah non. Ah, non, ah tellement je suis dans le cul, ça m'est déjà arrivé. Tu sais, je me suis réveillé, je l'avais éteint, je me suis surparti. Ouais, dites-nous si vous aimez bien la sonnerie de Cédric, parce qu'elle a quand même un certain succès. Je vois par exemple Arthos qui nous laisse un message et qui nous dit Cédric, elle est trop lol ta sonnerie. MDR. Tu vois, il y en a qui aiment bien. Ouais Tichon, quelle sonnerie d'attardé. Jules du 02, tu mets mal à l'aise, Cédric, avec tes sonneries de Jackie. Enfin, Jules du 02, s'il te plaît. Vas-y, qu'est-ce que t'as à lui dire? À lui? Ah, il me fait flipper ce mec. Bah, on parle des sonneries, c'est vrai. Ah, moi, il me fait flipper. Mais on parle des sonneries. Je veux plus lui parler d'ailleurs. Ouais, parce qu'il est pour la team Romano, c'est ça? Oui. Même il est bizarre. Tiens, truc de pédo ta sonnerie, Cédric, avec une voix de gosse. Vas-y, Romain, pas trop fort. Vas-y. Tweet, tweet, tweet, tweet, SMS. C'est sa vraie sonnerie ou pas? Ouais, non, mais oui. Non, mais Cédric, dis-le. Mais à l'ancienne, je te dis. Voilà. Donc, à l'ancienne, j'avais ça. Ouais. Il l'a enlevé il y a deux semaines. Oui, 15 jours. Bah ouais. Un peu moins, même. Voilà, une sonnerie comme ça, mais c'est la honte avec les meufs. Ah, alors. Non, justement, c'est marrant, ça les fait rire. Le câble HDMI de la PS4, moi en sonnerie de SMS, j'ai Cédric qui fait tap, tap, tap, tap, tap. Elle est unique, celle-ci. C'est vrai, c'est marrant, ça. Tiens. C'est original, ouais, c'est aussi, tu vois. Marc, c'est marrant. Ça, c'est marrant. Ouais, ça, c'est marrant. Oui, tatalatalatat. Ou alors, écoutez. Les filles. Salut les filles. Ah, ouais, ah non, ça va. Non, ou alors, c'est quoi, pour mettre les gens mal à l'aise, tu mets un gros P comme P-E. Sonnerie. Ah, bah super. Là, tu ton téléphone bien à fond. C'est génial, tu J'ai reçu un SMS. J'ai reçu un petit SMS. Ah, oui. Oh, j'ai une photo. C'est bien. Ah, il y a une photo. Quand tu es au magasin et tout. Ah, mon WhatsApp. Ah, une notification. Ah. Oh, deuxième. Ah. Eh, Cédric, c'est pas con comme idée ça. Ouais, je pense que ça pourrait bien fonctionner ça. Ça. Là, t'imagines dans le bus sur toi ça. Non, mais c'est marrant. Ah, mais dans le bus sur ça, tout le monde se regarde. Tu fais ça, tu t'assieds à côté d'une vieille. Que ce soit ton message et tu la regardes. Tout le monde la regarde après. Oh, excusez-moi, madame, vous avez pété. Mais il y a plein de vidéos qui ont été faites comme ça. Il y a un américain qui l'a fait. Après, dans tous les pays du monde, tout le monde a fait la même chose. Tu t'assieds à côté d'une vieille, tu fais. Ouais. Et ah, mais l'américain, il avait un petit truc qu'il mettait sous le bras, tu sais, ça faisait. Ouais, ça faisait genre des un bruits, coussin péteur. Ouais, ouais. Il le fait dans les magasins et l'Italien, tout. Il y a l'italien qui est super drôle. Là, l'américain, il est super marrant, tu le vois, il bouge sa jambe et tout. Tu sais, en fait, il est dans le magasin, il prend un truc, il se met à côté de quelqu'un et il fait le P. Et tu sais, il bouge un peu sa jambe, genre, tu sais, pour dégager l'odeur. Oh. Il n'y a pas d'odeur, en fait, tu vois. Les gens, ils le regardent, t'as des mecs qui le poussent. Choqué, quoi. Là, ce qui est terrible, c'est que Cédric, ça, il le fait dans l'ascenseur, mais avec son cul. Ouais. Ah, bah oui. Pour de vrai. Ouais, il y a l'odeur en plus. Il y a l'odeur en plus. C'est le petit bonus. Bon, eh bien, écoute, Ilyes, les auditeurs, l'équipe, tout le monde est d'accord. Il t'a balancé, ton frère. Il faut le balancer, mais il faudrait avoir une photo. On va essayer. Bah ouais, ça y est. Moi, je me balade pas à la suite avec mon appareil photo. Ah, ça, c'est le conseil de Samy, il faisait ça avec sa sœur. Ouais, il se planquait. Prêt au moindre dossier, tu vois. Dès qu'il y a un truc, clac, photo. Voilà, juste pour la faire. Tes parents ont une. Ah non, mais moi, on leur a fait la misère avec ma sœur. Hein. Mais maintenant, on se kiffe, tu vois, y a pas de problème. Une période difficile avec vous, non? En fait, depuis que vous voyez mes plus. Ah ouais, tout ça. Mes parents, ils faisaient des crises de nerfs à cause de ça. Non, mais ça, moi, je comprends. Ils nous séparaient. Ils mettaient dans un coin l'un à l'autre. Et on se tirait quand même des trucs dans la gueule et tout. Et ça a duré. Ah bah, de 0 à 18 ans. Et toi, Elias? Chez moi, en fait, là, tout le monde me parle plus. Hein, c'est que des regards crasés. Oui, quoi, après, bon, ça va, t'étais pas en train de fumer du crack. Oui, c'est pas grave, c'est mais une chicha. Non, mais chez moi, c'est le vieux jeu, on va dire. C'est à l'ancienne, tu veux si dire. Si même la chicha, ça passe pas, oui, bon, après, les parents, ils aiment pas qu'on fume. Oui, ça, c'est normal. Il y a aucun parent qui va dire, ouais, bravo. Même après, hein, même quand tu continues de fumer après que tu seras plus vieux, ils vont te faire chier, tes parents, s'ils fument pas. Ah oui. Ah bah, Marie, tiens. Ah oui, ils me font chier tout le temps. Ouais, c'est vrai. Là, d'ailleurs, je suis puni. C'est vrai. Voilà. Par contre, ils peuvent pas me punir, donc ça. Je suis puni, j'ai plus de téléphone. Ça, c'est clair. Non, mais c'est genre, à chaque fois, tu te manges une réflexion. Ouais, exactement. Moi, j'y vais à chaque fois. Tu fumes trop, ouais. Après, tu fumes encore. Eh ben, les darons, c'est les darons. Ouais, c'est ça. Non, bah, bon, au final, ils ont non, pas non, le temps. Non, ils ont pas le temps. Bon, bah, merci, Elias. Bise à toi. Bon, bah, courage. Merci. Hein. Salut. Bisous. À la chasse. Balance. À la chasse au dossier sur le frère. Ouais. Merci. Sinon, il y a toujours le paquet de clopes dans la poche qui peut fonctionner. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, Elias. Ouais. Il n'y aurait pas besoin de moyen de gratter un jeu ou un maillot? Alors, jeu, maillot et t-shirt, on va te filer ça. Tu bouges pas, Elias. Salut Elias. Ciao Elias. Qu'est-ce que je vous avais promis? J'ai pas. Ciao, si, les gars, ciao les gars. Salut Elias. Ciao, ciao. The Weeknd, Happy la roulette. Si, c'est ça que je cherchais. Je me dis, j'ai oublié un truc. C'est l'hélium, ça, je vous dis. Hein. Ouais, ouais. Non, mais c'est l'hélium. T'as cramé des neurones. Ouais, ouais. Alors, la roulette, c'est bien au 720-20. C'est bien ça. Ah, c'est roulette bien. Au 720-20 pour gagner la tablette. Et c'est bien la tablette qu'on vous file. Ouais. Les cadeaux de Noël, ils sont sur Sky. Vous gagnez votre tablette maintenant. Vous envoyez donc roulette au 720-20 et ça tourne dans un instant. Bah, juste après The Weeknd. The Weeknd en concert avec Skyrock et les Daft Punk pour Starboy. Attention. Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Eh ouais, minuit pile. La roulette qui va tourner dans un instant. Et on a passé une bonne soirée avec Jul. On était en train de parler de Jul. Et c'est vrai qu'il a fait un nombre de titres, Jul. Ah ouais, hallucinant. Déjà hallucinant. C'est pas longtemps qu'il est là. Il y a déjà plein de cartons qu'il a fait comme ça. Bravo. C'est clair. C'est ce qu'on appelle le talent. Et ce soir, je pense qu'on a atteint le sommet avec les versions extraterrestres Helium. Donc les deux mélangés, c'était pas mal. C'est sa première fois. Hein. De l'OVNI. Ouais. Je pense qu'on est au sommet. Au summum. En tout cas, merci à Jul. Et vous le retrouvez demain soir dans Planète Rap. Juste avant ouais, nous, à 20h. Entre 20h et 21h, Jul, Planète Rap. Et nous, on arrivera juste derrière. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, je voulais dire bonjour à Lucien. C'est lui qui va faire tourner. Ah, bah, c'est lui qui fait tourner la roulette. Ouais, Lulu bah, il est déjà là. Ouais, salut Lucien. Oh, Lucien. Ça va, Lucien? Ça va, Lucien. Oh, la Marie qui t'accueille. Mais t'as vu ça? Non, mais c'est vrai ce qu'elle a dit. Non mais c'est marrant. Un vieux prénom. Non, mais c'est un prénom de grand-père, quoi, Lucien. Bah Marie, c'est pas jeune non plus. Hein. Ah bah c'est clair, la Vierge Marie. Non. Ah, la Vierge, elle était là quand Marie. C'est ouais. Pas faux, ouais. Hein ouais, mais ça passe les années. En 1465. Oh ouais. Non, pas tout à fait, mais. Bah oui, c'est international. Bon, bienvenue quand même, Lucien, malgré l'accueil détestable de la Marie. Quand même. T'as bien fait de venir. Bon, heureusement, il y a une tablette. Tu te fais insulter, mais il y a une tablette derrière, ce qui est quand même pas mal. Bien vu Skyrock. Oh l'enculé va. Ouais. Ah, c'est lui qui voulait te dire bonjour d'ailleurs. Oh l'enculé de Lucien, ta race. Merci Cédric. Ah, mais pas mieux toi. Cédric là, alors, il est minuit, alors Cédric est parti en mode je bouffe là maintenant. Ah ouais, moi j'ai la dalle. Dans deux minutes, il chie. Ah, bon appétit Cédric. Merci. Tu sais qu'on ne parle pas la bouche pleine, ça dégoûte les filles. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Bah tout le monde même. Même les garçons d'ailleurs aussi. Bah, bon appétit tout le monde. Ouais. Tiens, on fait le point sur le foot, on confirme les résultats des matchs. Donc Lyon éliminé. 0-0, il y a eu. C'est ça, man. 0-0. Et Monaco, pour Monaco, ils ont perdu 2-0, mais ils sont qualifiés. C'est ça. Et ils sont premiers de leur groupe. Je sais pas, je vais voir, je vais te dire, bouge pas, man. Eh ben, merci 3-0, gueule Samy. Ils ont perdu 3-0. Ah, c'est ça. On a loupé un but. Je sais pas si j'ai bien entendu, mais. On a loupé un but à la fin du match. J'entends gueuler des chiottes ou je sais pas où. C'est vrai qu'on était avec Jul. Ah, t'es du 84, toi, Lucien. Tu représentes un peu le sud, toi aussi. 84. Et Monaco, ils sont premiers. Et Monaco, ils sont premiers de leur groupe, tout à bien. T'as écouté Jul tout à l'heure? Lulu. Ah, voilà. Ouais, excusez-moi, c'est bon. J'entends. Ouais, je vais savoir si t'avais écouté Jul tout à l'heure. Ouais, j'ai écouté, ouais. T'aimes bien Jul? Ah, Jul, j'aime bien. On écoute. Dans le sud. Ah ouais, c'est le rappeur le plus populaire dans le sud, Jul. Je sais pas où j'ai vu ça, il y a un truc qui est sorti sur les téléchargements, tout ça. Et il y a les rappeurs selon les régions. Région parisienne, c'est qui région parisienne? Je crois que c'est Nekfeu. C'est pas PNL aussi? Il y a PNL. Ouais. Dans le sud, c'est Jul. Dans l'ouest, je vous dirai, tiens, je vais regarder histoire de ne pas vous dire de conneries. Et vous savez, c'est quoi le plus gros vendeur de disques en 2016? Céline Dion. Non, Mozart. Ah, ouais, c'est vrai, ouais, j'ai vu le truc. Non, j'ai vu dans Touche pas à mon poste, hein, je vous dis. Mozart? Ouais, 1 250 000 albums cette année. Ouais, j'avais vu sur le net, moi. Mozart, il est nique tous. Il est mort depuis. Il est nique tous, depuis 1000 ans, mais il nique tout le monde. Mec, il est clamsé, mais bon, avec son look de merde et tout. Team Mozart. Mais l'oseille, elle va à qui, du coup? Parce que c'est descendant. Ah, c'est descendant. Ouais, mais il n'y a plus rien, parce que après, c'est tombé dans le domaine public. La musique appartient à tout le monde au bout d'un moment. Bah alors, à la maison de 10. À l'État. Non, mais il y a bien quelqu'un qui le. Tu vois. La famille, non? Bah écoutez, vous saviez que je m'appelle Diffoul Mozart. Non mais le gars il est dans une maison de 10. Ça serait pas mal, ouais. En plus lui il est mort jeune, Mozart. Ouais, je crois 35 ou 35. Je sais pas. Ah, à l'époque, il était zinzin lui aussi à la fin. Ouais, complètement ravagé. Ouais, c'est vrai. C'était lequel qui était devenu sourd et qui composait quand c'est même. C'est soit lui soit Beethoven, je sais plus. Beethoven. Il est devenu sourd. Tu imagines, les mecs sont sourds, il fait de la musique. Ouais, le mec était sourd. Et Mozart, il avait une maladie à la fin aussi, je sais plus ce que c'était. Ouais, mais de toute façon, ils ont tous fini glauque un peu. Les mecs de l'époque. Ouais. Ah ouais, ouais. Drogué, à mon avis, à l'époque. Ah, je sais pas, ouais, et puis il mourait jeune, quoi. C'est vrai, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est bien, vous avez vu, Skyrock parle de Beethoven, de Mozart. Bon, on n'y connaît rien, mais c'est quand même pas mal. Ouais. En tout cas, franchement, s'il y a personne pour prendre l'oseille, je veux bien m'en occuper. Ouais, t'inquiète, mais tu vas les réclamer. Non, parce qu'en fait, je crois que. Oui, c'est confirmé, c'est Beethoven qui était sourd. Ouais. Oui, au bout de, en France, au bout de 70 ans, quand t'as fait, par exemple, un titre, un morceau, tout le monde peut l'utiliser. Ouais, au bout de 70 ans, tu peux l'utiliser, le reprendre, le trafiquer, tu dois rien à personne. Ah, ok. Dans 70 ans, il y aura des mecs qui vont reprendre Dans ma paranoïa. Et Jules, il ne fera rien. Ouais, c'est-à-dire, si un mec qui sort en plein les trucs de Beethoven, il va prendre l'oseille. Bah, tu peux prendre l'album. Si t'as envie de faire un remix de Mozart, tu peux, ça coûtera rien. Vas-y, Cédric, fais-nous un remix. Vas-y, je vais y penser. Attends, il y a de l'oseille à prendre. Il y avait à l'époque, c'était le rappeur Nas là, qui avait pris les trails. Oui, oui. Bon, après ce petit point musical, on va faire tourner ta roulette. C'est parti, Lucien. Beethoven était sourd. Beethoven, ouais. Beethoven était sourd. Vivaldi était aveugle. Putain, c'est. C'était la joie dans le. L'équipe de classique à l'époque. Un concert avec eux. C'était pas mal la musique à l'époque. Hein. Hey, tu faisais un concert avec les trois, laisse tomber. C'était pas super. Hein. Tu finissais mal. Bon, allez, c'est parti. La roulette pour toi, Lucien. Skyrock t'offre ta prochaine tablette tactile. Alors, la roulette qui tourne, c'est pour ta tablette. Dis stop quand tu veux. Stop. Des tablettes à gagner toute la journée sur Sky, évidemment. Et une tablette pour toi, Lucien, c'est gagné. Ouais, c'est bon, ça. Alors ouais, il y en a qui ont vu le même sondage que moi. Donc dans le sud-est de la France, c'est Jul, le rappeur le plus populaire. Et je crois qu'il y a Soprano aussi. Ouais. Je vais vérifier ça. Ah, oui, oui. Valenciennes nous dit, région parisienne, c'est Booba. T'as raison, c'est Booba, région parisienne. C'est dans l'ouest de la France, je crois que c'est Nekfeu et Nekfeu, PNL. Ah, ok. Donc je vais regarder, je vous le trouve ce sondage et je vous le fais demain soir. Là. Faut m'y faire penser. Vas-y. Bon, Lucien, bravo, la tablette, elle est pour toi, on t'envoie à la maison. Merci l'équipe, je passe une petite dédicace. Allez, vas-y, vas-y. Ouais, une petite dédicace, big up à l'équipe de Sky, merci beaucoup. Ah, merci, et à Lucien. Tous les poteaux du sud et de Brest. Eh ben, voilà. Salut Lucien. Salut Lucien, bisous. Ciao. Poteau du Sud et de Brest, les Bretons, les Sudistes, tout le monde demain matin dans le morning, venez vous réveiller avec nous entre 6h et 9h. Ah, un autre compositeur qui est mort à la con, Lully. Bon, c'est pas le plus connu. Il est mort en se foutant un coup de canne. Merci Agala NK pour cette information. Merci Agala NK pour ton message. Ah, mais c'était horrible à l'époque, t'étais compositeur, tu finissais dans un truc, mais, ça, mais c'est ça. T'avais des galères quoi. Bon, donc demain matin, on revient pour le morning entre 6h et 9h. J'espère qu'il n'y aura pas des effets secondaires de l'hélium. Bah, t'en as pas pris, Cédric, toi? Non, non, non. Pourquoi? Je me suis préservé ce soir. Pourquoi t'en as pas pris? Parce qu'on m'a pas donné de ballon, moi. Oh le pauvre, il a pas eu des ballons. Tiens, je vais m'amuser avec les deux qui sont là. En fait, c'est vrai qu'il a fait ça exprès. Voilà, comme ça, s'ils sont malades, je fais le morning tout seul. Donc demain matin, peut-être Cédric pour le morning tout seul. J'imagine 6h-9h, le morning du Belge, quoi. Ah, oui. Même si je suis à la, même si je suis complètement raide demain à cause de l'hélium, faudrait au moins que je me réveille pour écouter. Je ferai une dédicace. J'espère, tu vas nous big up. Ah bah oui. Bah bien sûr, attends, à chacun, il faut au moins une dédicace à chacun. Très bien, donc demain matin, soyez là, on sait jamais. Hein. Et puis demain soir pour la radio libre entre 21h et minuit, Jul dans Planète Rap demain, à ne pas louper non plus. Et du son toute la nuit, c'est parti. Prisca, Urban Music Non-Stop, c'est sur Skyrock, la première radio urbaine mondiale. Et on va démarrer avec. Bruno Mars. Très bien. Bruno Mars. 24K Magic. Exactement, avec Bruno Mars pour la nuit et la belle Prisca qui fait son entrée. Oui, dans le elle studio. Est là. Majestueuse. Talon aiguillé. Waouh. Ah ouais, bon manteau. Bah, ça rigole pas ce soir. Non, ça rigole pas. T'as eu un date ou quoi? Non. Ah ouais. Bon, bah profitez bien. Il y a une différence. Un jour, je vous expliquerai. Ouais, vas-y, s'il te plaît. Bon, elle va vous peut-être expliquer ça la nuit, ça va être très intéressant. Elle va vous faire un tuto talon. On te laissera faire le tuto talon. Ouais, c'est ça. Allez, on vous souhaite une bonne nuit. Merci pour cette soirée. Et à demain soir pour la Radio Libre, demain matin pour le morning. Ciao. Salut. Tous les matins sur Skyrock. Romano.